fin de week-end sur Fun Radio depuis 18h. Je vous ai mixé le Eurodance 25, le classement des 25 titres les plus joués dans tous les clubs d'Europe. Et donc à l'instant, le nouveau numéro 1. Plus de place ce soir pour David Guetta et Skylar Grey. Premier extrait de la nouvelle album qui sortira à la rentrée avec le son de Shut Me Down. Je vous redonne le top 5. 5e Bryce, numéro 1 des clubs en Allemagne avec le Free Fall Anthem. 4e Pitbull et Kesha. Klingon des numéro 3. Avicii qui perd donc une place avec Hey Brother. Et donc le nouveau numéro 1. David Guetta, Skylar Grey avec Shut Me Down. Eurodance 25. Sur Fun Radio. Allez, tout pile 20h, retour de l'Eurodance 25. Ça sera dimanche prochain, 18h-20h, avant de faire une grosse soirée pour les Freda, les Fun Radio European DJ Awards. D'ici là, plein de belles choses sur Fun Radio Party Fun tout à l'heure des minuits avec Gena LG, Nicky Romero. Et puisqu'il est 20h, tout pile, t'attends. Eh oui, ton émission m'a déçu. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, moi je pensais qu'Avicii il avait pris l'abonnement pour l'année, quoi. Bah il a fait plus de 5 mois. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. C'est déjà pas si mal. Bah, on avait fait des paris avec Toff, avec Polo, on se dit tiens, je crois en juin, ouais. Tout ça, etc. Et on est dans le cul, quoi. Ah voilà, bah bravo. Hein. Alors t'aurais pu pipoter un peu le classement pour qu'on puisse gagner. Non, et monsieur. Le tenir jusque fin juin, enfin je sais pas moi. Je suis déçu, Déjà, j'étais pas au courant de votre combine. J'aurais pu participer également à récupérer une petite commission au passage. On aurait pu, mais bon, bah écoute, c'est pas grave. On te tiendra au courant pour la prochaine fois. Maintenant, bon. Si t'as 50 euros, je peux remettre Avicii numéro 1 la semaine prochaine. Écoute, on va s'arranger. Cela dit, s'il est de nouveau numéro 1, t'auras l'air bien con. Oui, c'est ça. Bon, allez, bah bon, bonne fin de week-end, bonne fin de dimanche. Salut. T'as pas oublié de changer d'heure? Moi, j'ai pas oublié de changer d'heure. Bon, alors très bien, parfait. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, vous êtes en repos. Oui, effectivement, puisqu'il y a des fans radio DJ Awards. Européen DJ Awards. Exactement. Voilà. Bon bah allez, salut. Salut, bonne émission. Et on se retrouve nous maintenant, là on reste parti jusqu'à minuit. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, ouais, on est sur Fun Radio tous les dimanches de 20h à minuit. J'espère que vous avez pu profiter de la Love Hour. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous jeudi, on en avait parlé, hein, c'était hier la Love Hour. Donc s'il fallait faire l'amour, voilà, entre 20h30 et 21h30, quand ils éteignaient tous les monuments, etc. On a vu la tour Eiffel s'éteindre. Oh. Bon, ça n'a duré que 5 minutes, mais elle s'éteint quand même. Hein. Donc pour ceux qui n'étaient pas donc au courant, on a changé d'heure cette nuit. C'est vrai qu'on a moins tendance à... Mais oui, on s'en rend moins compte, puisque tout change tout seul. Mais oui, ouais. Sauf le four chez moi, il n'a pas changé tout seul. Ah ouais, non, moi ce matin j'étais perdu, je savais pas si mon portable avait changé ou pas. Ah si, normalement ouais, ça change tout seul, hein, si c'est un dernier cri entre guillemets. Donc tout change automatiquement, donc c'est vrai qu'on s'en rend un petit peu moins compte de l'heure, sauf que maintenant il fait encore clair, c'est cool, vous allez pouvoir écouter l'émission bronzant. Bientôt. Oh. Enfin quand il fera beau quoi, enfin quand il fera vraiment beau. Bon quoi qu'il arrive, on est là comme tous les dimanches de 20h à minuit et du lundi également au jeudi de 23h à 2h du mat. Parce que oui, il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. On va d'ailleurs saluer Clément qui est avec nous maintenant. Salut Clément. Salut Clément, comment ça va? Bah très bien toi. Toi tu parles dans une tasse. Dans une tasse? Non, ouais. du tout. En fait, t'as le même son que quand quand on est petite, on met deux gobelets avec un fil et on parle de la même manière, tu vois. Le son est le même. Alors, je sais pas si t'as le kit mal libre ou je sais pas, non? Non, je suis dans ma voiture, c'est peut-être pour ça que je suis dans une pièce confinée. Ah oui, c'est vrai là, ouais. Ouais, peut-être. Ou alors, c'est genre, c'est le même son que quand t'es en dessous de la couette? Non, c'est une appli d'iPhone, c'est le iTAS. Ah oui, c'est le iTAS. Exactement. Bon, ça va Clément, t'as passé un bon week-end? Bah nickel, mais bon, j'ai pas pu profiter de la Love Hour, mais bon. Oh non. Le week-end a quand même été bon. Mais pourquoi? Bah justement, c'est le thème du sujet. Ah d'accord, t'as pas de meuf. Exactement. Ah bah voilà, oui, non mais à ce moment-là, d'accord, là on comprend tout de suite évidemment le problème, on est d'accord. Bon bah reste avec nous Clément, là, on va en parler dans quelques minutes. Sandro, passe un bon week-end également. Est-ce qu'elle a pas... Oui, mais je suis occupée, attends, je fais partout. Alors, t'as trouvé chaussures à ton pied ce week-end ou toujours pas? Ah non, toujours pas. Ah, toujours pas, donc la Love Hour dans le cul, quoi. Hein tu peux. Voilà. Ça ouais, ah bah, dis donc, il est au taquet, Clément, c'est très bien. Bah, reste avec nous d'abord, on va d'abord voir un petit peu de quoi tu vas nous parler dans quelques minutes. Alors. Et n'oublions pas également que Sandro commence son régime le 1er avril, mardi. Ouais. Oui. Mais alors, est-ce qu'on l'a fait commencer demain soir à minuit? Ah, oui. Sera le premier. Ou mardi soir à 23h? Ah, non, demain soir à minuit. D'accord, ah, oui, okay, normal. Donc, très bien. Bah, alors, donc, hop, demain, 23h. Enfin, 23h, ce sera la dernière heure où tu peux bouffer comme une vache. Uh-huh. Et à minuit, on ferme les vannes. D'accord. Enfin, on ferme le gras. On verra, ouais, on va voir. Voilà. Demain. Non. On ferme le gros. À partir de demain minuit, hop, c'est terminé. On plie le bagage. Toff qui est également reposé pour retrouver ses amis en pleine forme. T'es un gros débile, sérieux. T'as rien dans le crâne. Oui, c'est d'ailleurs une des rares personnes qui a directement cerné Toff. Voilà, c'est ça. Il a tout de suite compris qu'il avait affaire. Exactement. Alors, il a aussi dit ça, mais il s'est un peu trompé, notre ami. notre ami corse. Français de merde avec ton accent pourri là. Voilà, ouais, bon, ça évidemment c'était sur l'île de beauté. Ouais, ils pouvaient pas savoir. Où le langage n'est pas toujours beau quand on les emmerde. C'est de quoi ils parlent. Et Polo qui a passé un week-end en campagne avec l'armée des Doux. C'est ça, nous sommes organisés. L'entraînement. J'entraîne les Doux. Il faut exactement. Que le Doux devienne un peu plus robuste. Ouais, c'est et ça. Robuste également. Je rappelle que les Doux, ce sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. Et donc, Polo, on est leur colonel. C'est général. Ça, tu es doux, tu n'as pas de poils, tu es petit, tu as moins de 15 ans. N'hésitez rejoins pas. À l'armée des Doux. Tout à fait. Bon, Clément, reste avec nous. Il y a Michel également qui est avec nous de Meurthe et Moselle. Salut Michel. Salut Michel. Comment vas-tu? Bonjour à toute l'équipe. Salut, moi, salut Michel. Tout va bien. J'espère que vous avez passé tout un bon week-end. Eh ben écoute, ma foi, plutôt pas mal. Ça s'est bien passé. Le chat m'a cassé les couilles encore. Ah bah, j'ai vu ça. Non mais attends, je laisse le frigo mais ouvert mais 3 secondes. C'est-à-dire que j'ouvre le frigo, je regarde, je me retourne pour voir si j'ai un autre truc, je sais plus quoi. Il est déjà dans le frigo. Ah bah, j'avais l'impression que c'était Polo avec les chocolats que j'ai dans le bureau. J'ai pris un chocolat. Oui, bah c'est trop tard là maintenant. C'est quoi le chocolat? Hein? C'est quoi comme chocolat? Je sais pas, des côtes d'or noir noisette. Ouais, je suis plus que ça. Ouais. Bon, il est bouffé. J'en ai pris un, le paquet est vide. Ah merde. Donc c'est bizarre. Mais enfin, j'en aurais bien pris un aussi. Donc voilà. Bon, la photo du chat de ce week-end de Easy, donc le chat le plus cassos du monde. En fait, il réagit comme un chien. Tout à l'heure, je lui ai lancé une souris, il a été la chercher, il est revenu. Ah bah écoute, il m'a rapporté un peu comme la babale, tu vois. Il est complètement gros ce chat. Bon, il est là, la photo est à voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bon alors Michel, toi t'es là pour gagner un cadeau et pas n'importe quel. Un cadeau qui déchire sa mère. Je l'ai là d'ailleurs, je vais vous mettre la photo dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Le casque Zik Parrot. Ah oui. Le casque qui vaut quand même 350€. Il déchire tout parce que vous pouvez le commander simplement avec un seul doigt. C'est-à-dire que vous le mettez sur les oreilles. Si vous voulez mettre pause, hop, vous poussez sur l'oreillette droite. Si vous voulez monter le volume, vous allez vers le haut, abaisser vers le bas. Si vous voulez changer de musique, vous allez vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez le piloter avec votre smartphone, changer le son. Bref, la folie totale, le truc déchire. Et bien sûr, il y a le noise cancelling. J'ai l'impression d'être à la Fnac. Ouais. Qu'est-ce que le noise cancelling? Eh bien, le noise cancelling, c'est en fait vous mettez le casque et donc si vous êtes dans un avion, dans le train, n'importe où, ça enlève tout le bruit qui est autour de vous. Ah ouais. Et c'est super pratique. Voilà, pour l'avoir testé, je peux vous dire qu'il déchire tout. Et peut-être qu'il sera pour toi, Michel, tout à l'heure. Peut-être. Pour le gagner, il faut poser la colle et il faut surtout que les auditeurs trouvent pas la bonne réponse. Ce que je te souhaite évidemment, Michel, vas-y, fais péter la colle, on t'écoute. Donc je suis entre N et P. Qui suis-je? Je suis entre N, N et P. Attends, est-ce que les lettres ou alors la N comme la N et la P comme... Ah, la P, d'accord. Et P comme la P. Parce que je suis entre N et P, pour moi c'est la lettre. Hein. Mais P alors, la P. Voilà. P-A-X, très bien. Bon, je suis entre N et P. Et P. Qui suis-je? Voilà, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben allez-y, hein, vous envoyez MIKL suivi de la réponse. Envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et dans quelques secondes, je vous la mets sur le Facebook de l'émission également. Comme ça, vous allez pouvoir la lire. Et ben, peut-être y répondre plus facilement en l'ayant sous les yeux. Donc facebook.com/MIKL officiel. Pour y répondre aussi, on tire au sort aussi sur le Facebook. Hein. Donc Michel? Oui. Bonne chance. Je te souhaite effectivement bonne chance. On donne la réponse avant 22h30 et on te reprendra quelques fois encore à l'antenne pour répéter la question pour les auditeurs qui débarquent entre temps. D'accord ? Il n'y a pas de souci, je voulais juste rajouter une dernière petite chose. Dis-moi Michel. Je voulais juste savoir que c'est très attendu le 14 juin au club Le Temple à Épinal. Oui, tout à fait, on en a déjà parlé d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui en parlent donc tant mieux. C'est très attendu et très apprécié dans la région. Ah bah parfait, en plus Toff se mettra en string sur la scène paraît-il. C'est ce que j'ai vu sur Twitter. J'ai vu ça passer sur le Twitter. Et il fera la danse de l'artichaut. Oui, et apparemment. C'est quoi la danse de l'artichaut Justement. Je sais pas. S'il le fait, il aura une bouteille. Alors si tu me prends par les sentiments, je le ferai deux fois. Parfait. Et alors, s'il y a une barre de pool dance, je pense qu'il peut faire un show puisque maintenant il a appris. C'est un grand pool dancer. Hein, donc maintenant, il a appris à la radio quand on a reçu la meuf et sa barre de pool dance. Là, donc, enfin bref, il va se passer un truc le 14 juin, je vous le dis moi. Bon, Michel, en tout cas, bonne chance. T'as envie d'écouter un son en particulier ce soir? Mets ce que tu veux. Je veux, très bien. Mettez ce que vous voulez. Bon, alors moi j'ai prévu Match dans les heures avec Come to Me et Shana Paul. Alors, bon et Clément, t'as envie d'écouter un truc en particulier? Moi j'aimerais bien écouter le Martin Garrix Proxy. Le Martin Garrix avec Proxy, hop là, voilà. Alors toi va noter, sinon je vais oublier, mais oui on va le mettre tout à l'heure. Hein. Proxy donc, pas de problème. Et Laura qui est avec nous également de Bar-le-Duc. Salut Lolo. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bah très bien, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir? Non, pas en particulier. Pas spécialement, si je te mets le nouveau Shakira. Ah oui. Voilà. Avec Dar, la. Bon, on peut dire qu'elle s'est pas fait chier sur le titre. Hein. Voilà. L'ambiance est bronzée quand même. Hein. Ouais, le son est bien, mais c'est vrai que sur le titre, elle s'est quand même pas emmerdée. Hein. Et il y aura aussi Clean Bandit. Voilà, ça je vous le mets dans quelques minutes, ce sera Rather Be sur Fun Radio. Restez bien là évidemment. Et je voulais vous demander également, tiens, est-ce qu'il y a un jeu, est-ce que vous êtes jeux vidéo vous, Clément, Laura et Michel ou pas du tout? Complètement oui. Ah, non. Ah, Laura non, Clément oui, Michel oui. Clément, c'est quoi ton jeu vidéo préféré? Metal Gear Solid. D'accord, et Michel? Moi c'est FIFA 2014. FIFA 2014, très bien, ok. Et toi Laura, donc du coup t'en as pas toi aucun? Bah non. Oh, bah, très bien. Bon bah je voulais savoir justement dans lequel vous aimeriez vivre. Je demande ça parce qu'il y a un couple qui s'est rencontré sur World of Warcraft et ils sont tellement fans du jeu qu'ils se sont mariés dans le jeu. C'est quand même fou. Ah, ouais. Et en plus ils ont fait une cérémonie dans la vraie vie où tout le monde était déguisé comme dans le jeu, c'était assez surréaliste. Du coup bah, je me demandais s'il y avait un jeu dans lequel vous auriez envie de vivre. Voilà. Et toi Toff, bah écoute, j'aurais bien dit GTA mais je pense que je me ferais défoncer au bout de 30 secondes. Donc ah ouais, non. GTA j'aimerais bien, ouais. T'imagines, ce serait la folie. T'arrives avec une batte, tu pètes la gueule de Toff. Oh je l'éclate. Oh la violence. Ouais, donc non, Angry Birds c'est bien. Pour Angry Birds. Ouais, comme ça on pourra me jeter sur des trucs. D'accord, ok. Alors toi Michel du coup? Non, aucun. Aucun? Tu voudrais être dans non. aucun jeu? Non, aucun jeu. Moi j'ai rencontré mon épouse autrement. Ah, d'accord, ok, très bien. Et toi Clément? Moi c'est plutôt Snake. Plutôt Snake. Ah ouais, le serpent, c'est pas mal. Le serpent sur les vieux téléphones Nokia. Ah bah dis donc, tu vas te marrer toi Clément. Hein. Et t'as rencontré ta femme comment toi Michel du coup? Moi j'ai rencontré sur un site d'échange, un chat sur internet. Ah d'accord, ok. Il y a maintenant 9 ans en arrière et voilà, sur Caramail à l'époque, non? Comment? Sur Caramail à l'époque. Pas loin, c'était chatch.com. Je connais même pas chatch.com, alors là je peux te dire je connais pas. Bon bah dites-nous les autres, hein, dans quel jeu est-ce que vous aimeriez vivre? T'imagines, on est avec Polo, moi je roule. Polo est sur le côté, on y va et on course Toff. Oh putain, je course Toff, on lui met des... baseball, exactement. Tu lui tires dessus, on lui roule dessus, tu lui mets un coup de pelle, bref, la folie totale. Ouais. Et je pense qu'on peut se marrer. Hein. Enfin, pas Toff, mais nous, dans l'absolu, je pense qu'on peut se marrer. Mais il peut revivre à chaque fois, donc ouais, c'est ça qui est bien dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est vrai. Ouais. T'éteins la console, tu la rallumes et t'es de retour, quoi. Bon, ah bah, on va parler de quoi avec toi, Clément, du coup là? Bah, pas de voiture, a priori, hein. Non, justement en fait c'est que j'ai... Ah, il est de retour dans sa tasse. Pardon, c'est mieux là? Ah bah là ça va mieux, ouais. Ouais, je disais en fait c'est que j'ai rencontré une femme qui a 10 ans de plus que moi. Ça se passe super bien par message quand on se voit, mais elle bloque sur le fait qu'on se mette ensemble. Elle bloque sur quoi? Elle bloque, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas se mettre avec moi, je pense. À cause de l'âge ou à cause de quoi? Je pense que c'est à cause de l'âge. Oh mais c'est rien ça. Bon, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Il y a Marwan dans quelques minutes qui va débarquer. Vous et vous tous en direct évidemment. Vous balancez vos messages maintenant et appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et dites-nous justement dans quel jeu vidéo est-ce que vous aimeriez vivre. On en parle sur Fun Radio et puis comme promis... Le son de Clean Bandit va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Ce sera Rather Be, restez là, on revient dans 10 secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Fun Radio, nos limites. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Exactement, 20h15 sur Fun Radio. Yacine qui dit vive GTA 5. Donc je vous demandais dans quelques juste avant la pub, dans quel jeu vidéo est-ce que vous aimeriez vivre? Bah vous nous balancez vos messages maintenant. Vous allez sur le Facebook et le Twitter, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Et puis évidemment, vous pouvez balancer vos messages en appelant le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Retour avec Marwan dans quelques minutes. Et comme Michel est là, oula, ça résonne chez Michel qui va couper sa radio. Michel. Voilà, Michel avec la colle qui va profiter de ce petit moment pour la répéter. Vas-y Michel. Et coupe la radio Michel. Il vit dans une cave. Ah merde. Bah alors attends, on va te rappeler, je vais dire la colle moi-même parce qu'il y a de l'écho. Ah c'est une horreur. Bon alors Michel donc qui dit je suis entre haine et paix. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh ben vous y allez maintenant. Vous envoyez Mickaël suivi de votre réponse par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Sans oublier que je vous ai mis la colle il y a 5 minutes sur le Facebook de l'émission pour aller la lire et y répondre tranquillement. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir et même pouvoir y répondre gratuitement d'ailleurs. Facebook.com/Mickaël officiel. On écoute le son de Clean Bandit maintenant. Comme promis, c'est Rather Be sur Fun Radio. There's no place I'd rather be. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Mickaël nos limites, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun, il est 20h19. Allez, avec tous vos messages qui arrivent évidemment, le casque Zik Parod d'une valeur de 350€ là, qui est à gagner sur le Facebook maintenant, là, facebook.com/mickaël officiel. Vous pouvez aller voir la colle sur le Facebook de l'émission. Il y a Balo qui dit, moi c'est Minecraft, Syndro, GTA, Subway Surfer ou Mario Kart. Ah ouais putain, Mario Kart ce serait bon. Ah ouais, ce serait énorme. Ah ouais, juste avant la pub, je vous demandais s'il y a un jeu vidéo dans lequel vous aimeriez bien vivre. Je vous ai mis la question aussi sur le Facebook, allez y répondre. Parce qu'il y a deux mecs, bah, en l'occurrence deux, un couple quoi, qui s'est marié sur World of Warcraft tellement ils sont fans. Ils ont fait le mariage évidemment dans la vraie vie et tous les invités étaient déguisés comme dans le jeu. C'est voilà. Cool, ça. Donc ils ont fait un World of Warcraft version grande nature. Et donc je vous demandais dans quel jeu est-ce que vous aimeriez vivre. Sayaruka sur le Twitter qui dit dans Final Fantasy et plus particulièrement Final Fantasy 7, un jeu qui a marqué toute une génération. Il y a Faustin également qui dit GTA 5 pour buter tout le monde. Il y a Phoenix qui était le Père Noël tous les jours. Bah, oui c'est vrai, je n'ai juste pas la barbe blanche pour l'instant. Ouais. Jérémy, j'aimerais vivre dans Mario Kart pour balancer des carapaces et des pots de banane sur la route, s'imagine, ouais, sur la gueule de Toff. Très beau, non? Bah oui, ouais. Moi j'adorerais. Grave. Pouvoir serrer la princesse à la fin. Ouais, ouais, bah faut arriver jusqu'au bout. Hein. Y a Victor qui dit j'aimerais vivre dans Euro Truck Simulator 2. Enzo, moi le jeu ce serait Grand Turismo 6. Oh putain, moi je serais dans Flight Simulator. Ah ouais. Ah oui, c'est grave. Pas mal. Et Julia également, le Sims 3 et Abdou, je voudrais bien écouter You Make Me d'Avicii qui est hospitalisé en ce moment. Qui, Avicii ou toi, Abdou? Je suis pas au courant, mais You Make Me, je vais essayer de te le passer. Tu vas noter comme ça, je bien l'oublie sûr. Pas. Je dois déjà ne pas oublier de passer tout à l'heure le son de Martin Garrix avec Proxy. T'as vu, je m'en souviens encore un petit peu. C'est déjà pas mal, c'est même déjà plus que pas mal, n'est-ce pas? C'est énorme. N'est-il pas? C'est pour Abdou. Hein. De quoi? Non, c'est le You Make Me, c'est pour Abdou. Ouais, c'est pour Abdou, ouais, voilà. C'est surtout le son d'Avicii. Tiens, Marvin, puisqu'on en parle, tiens, Charleville-Mézières, Marvin, comment ça va dans les Ardennes? Marvin? Ah, c'est moi qui fais de la merde, attendez, c'est ce que je mérite. Voilà, c'est tourné dans ma gueule. Bon, bienvenue Marvin, t'as passé un bon week-end? Ça va et toi? Bah tranquille, pas que t'as fait ce un week-end. Bon week-end de boulot quoi, donc. Ah merde, ah, bien, tu fais quoi ça. Marvin? Apprenti cuisinier. Ah là là là là là là là là. Bah ouais, mais bon, écoute, tu cuisines quoi là? Bah je suis dans un resto traditionnel, donc tête de veau, ragoût. Et toi-même est-ce que tu fais de la tête de con ou pas? Pas tête de con, mais tête de veau. Ah en merde. Sauce de la tête de veau, parce qu'on a une tête de con là qu'on aimerait cuire. C'est toi? Vinaigrette. Voilà, c'est là que je suis le meilleur. Ah bah je voudrais savoir si justement il fallait mieux la cuire ou la laisser plutôt saignante. La tête de con, je sais pas. Bah, ou alors, ouais. La tête de con, faut la laisser saignante. Ah, il faut la laisser saignante. Bon, d'accord, bah, je prends le conseil, Marvin. Merci à toi, en tout cas. Bon, alors, toi, tu voudrais vivre dans quel jeu vidéo? Pokémon. Pokémon, pourquoi? Qu'est-ce que c'est nul? Bah oui, Pokémon, c'est. Enfin, je comprends pas. Pourquoi Pokémon? Je sais pas, j'aime bien le jeu rétro au niveau du style de jeu, PVP. Ouais. C'est comme les mecs, moi je veux vivre dans Super Mario Bros 1. Le truc Sonic. Ah ouais. Ah ouais, Sonic, ouais, il y avait Sonic aussi, ouais. Et moi, parce que vous m'avez pas demandé, je raconte ma life, j'aurais voulu être dans Command and Conquer. Pourquoi faire? Ah ouais. C'est des batailles. Oh là là, dans c'est... Zelda, je t'aurais vu dans Zelda avec l'épée. Ah oui. Ah mais il serait allé avec ses doux et tout, non? Ah ouais, ça aurait été bien, Polo. Allez, en mode conquérant, ça aurait été pas mal. Et donc toi alors Pokémon, Marvin. Bon, d'accord, OK. Attends. Ouais, parce que j'aime tellement les petites créatures, tout ça. Calme-toi. Non mais c'est bien Marvin, pourquoi pas, il y a Flavien également qui est avec nous de Paris là, salut Flavien. Allô. Allô. Salut. Ça va Flavien? Ouais toi? Très bien, alors tu voudrais vivre dans quel jeu vidéo toi? Alors moi Batman. Dans Batman, pourquoi? Une raison en particulier ou juste parce que tu kiffes le costume? Non, moi je kiffe le costume, c'est tout. Ah ouais, juste pour ça en fait, hein. Donc t'auras pu choisir Spider-Man ou n'importe quoi à la place, ça aurait été pareil. Hey, c'est mon petit frère aussi qui veut dire bonjour. Ah bah très bien, bah salut le, il veut vivre dans quel jeu vidéo lui? Attends, j'entends rien parce que t'as ton téléphone dans ta bouche. Attends. Voilà. Alors dans quel jeu? Salut, comment il va le petit frère? Hein? Bon, c'est pas grave. Je voulais savoir dans quel jeu vidéo il voulait vivre, mais je saurais pas, tant pis, c'est pas grave Flavien. Ça passera. Bah oui, bon, salut le Flavien, merci d'avoir appelé en tout cas. Attends, Batman, il y a du Batman. Ah, Batman aussi, bah comme ça vous ferez les frères, c'est parfait. Salut Flavien, merci à toi. Ouais, salut. À bientôt, merci Marvin d'être passé également, tu reviens quand tu veux. C'est possible d'avoir un pack fun? Tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. D'accord, merci. Salut Marvin, à bientôt, ciao à toi. Il y a Marwan également qui est avec nous là, salut Marwan. Allô. Ah, un doux. Ah, oui. Allô. Ah, bien doux. Comment ça va Marwan? Il est limite en dessous de la douceur là. Ah ouais ouais ouais, là il est pas mal Marwan là. T'as passé un bon week-end Marwan? Oui oui. Bon, t'aimerais vivre dans un jeu vidéo toi? Oui. Lequel? FIFA 14. Qui ça? Ah FIFA 14. Et tu serais quel joueur? Moi, je serais Carasso. Carasso, d'accord, ok. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. C'est bien parce que s'il n'a pas pris l'élite, tu sais, il aurait pu choisir Ronaldo, ouais. Messi, Ribéry, enfin tu vois. J'aime pas. Ah, t'aimes pas? Bon, d'accord, ok, c'est t'as raison, t'as raison. Bon, et qu'est-ce qui t'amène, Marwan, là? De quoi on va parler avec toi? Parce que j'ai une grosse bite. Pardon. Mais où? Dans tes rêves ou en vrai? Ah, en vrai? Eh, le doux là? Demain t'as école donc tu vas arrêter de dire des conneries, tu vas aller dormir. Mais genre elle mesure combien de centimètres? Eh, dis pas des conneries Marwan, hein, je t'écoute, hein, fais attention. 22 à peu près. Mais non, mais je t'ai pas demandé ta taille, je te demande la taille de ton sexe. Ça c'est vrai. Ah, 24 centimètres, et t'as quel âge? 22. Ah, 22, pardon, je me suis emballé. Et t'as quel âge? 13 ans. Ah ouais, ça se tient. Bah reste avec nous Marwan. Clément, t'y crois ou pas toi? Il est balèze, franchement. Ah, il est balèze, hein. Ah ouais, là, ouais. Putain. Ouais, franchement, à 13 ans en plus, sachant que ça va encore grandir, ouais. On n'est pas l'abri qu'il se retrouve avec un petit 30 cm. Ah bah, Rocco Siffredi n'a qu'à bien se tenir. Je confirme. Bon, alors, on va parler de quoi, donc, Clément? Donc, toi, tu nous avais appelé parce que tu échanges des SMS, machin, etc., avec une meuf qui est plus vieille que toi. C'est ça. Quel âge elle a? Alors, toi, t'as 25 ans. Et là, elle, quel âge? 34. Oh, ça va, c'est pas non plus la mort. Oui, ouais, moi, non mais 34, 25, ça va. Encore elle aurait 25 et toi 14. Ouais, bon bah là, d'accord. Non mais tu vois, mais 34, 25. Ouais. Bah, le truc, c'est que ça se passe super bien. Mais ce qu'elle craint, c'est qu'elle, si tu veux, me dit qu'elle veut pas perdre de temps. Enfin, qu'elle a pas de temps à perdre. Ah bah oui, mais vu l'âge, oui, il y a un jour. L'horloge tourne. Oui, l'horloge tourne. Non, mais je comprends qu'elle ait pas de temps à perdre. Le seul truc qui risque d'arriver, c'est qu'elle, ayant 34 balais, c'est ça, 34, elle va peut-être vouloir avoir une vie, machin, s'installer. Ouais. Et toi, 25, t'as peut-être pas spécialement envie maintenant. C'est la chiant des femmes, elles veulent des enfants, elles veulent s'installer et tout. Et puis, dis-moi, là, les cheveux mauves comme les vieilles ou pas? Non, mauves. Comment ça, les cheveux mauves comme les vieilles? Elles se font des teintes. Ouais, c'est non, ça, c'est, elles se font des colas à cajou. Une poche en plastique quand il pleut. Voilà, exactement. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle me dit, en gros, qu'elle veut me voir, qu'on passe du temps ensemble, mais en même temps, non, mais de toute façon, quand on se verra, on sera amis, enfin, on se verra entre potes, quoi. Et chaque fois que vous voyez, tu la démontes? Pas encore. Donc toi, en fait, t'as aucun avantage, quoi? Bah, pour l'instant, non. Disons que... J'essaie de la rassurer, mais je sais pas, disons qu'elle a un discours assez contradictoire, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle veut passer du temps avec moi, machin, et en même temps, elle me sort pertinemment, non mais de toute façon, ça marchera jamais entre nous, t'es un gamin de 25 ans, complètement immature. Ah bah peut-être que je l'ai vraiment, mais lâche l'affaire alors. Non, franchement, moi je sais ce que je veux, je sais que voilà, j'ai peut-être que 25 ans, j'ai eu ma période où je me suis amusé, je dirais entre 18 et 24 ans. Ouais, t'as l'air sérieux pour 25 ans, hein? Oui, t'as l'air sérieux, plutôt oui, pas l'air immature, a priori, là, comme ça. On dirait un prof de maths. Oui, je sais ce que je veux. Oui, tout à fait. Polo, tableau. Oui, j'y vais. Ouais, tu vois, ça tient pas mal. Non, mais bon, et ça fait combien de temps que tu la connais? Là, ça fait un mois et demi qu'on discute bien. D'accord, et vous discutez de quoi, là, dans les SMS, ou ça, là? Vous êtes quoi? Très honnêtement, on discute de tout et de rien, de ce que l'on fait, de ce qu'on aime. On apprend à se connaître. D'accord. Bon, donc rien de spécial, rien de sexe, rien de rien. Non, du tout. Une discussion chiante, quoi. Je dirais pas chiante, mais au contraire, j'étais la rassurée pour lui dire que je suis pas là juste pour essayer de me la taper et me dire ouais. Quand tu veux l'appeler? Je pense pas que c'est une très bonne idée. Bah, pourquoi? Honnêtement, tu connais tes potes? Bah, attends, tu dis qu'on est des potes, classe, etc. Tu dis voilà, pépé, hein. Non, je préfère pas, honnêtement, je pense qu'elle le prendrait vraiment très très mal. Oh là là, en plus c'est des vieux jeux ou quoi? Quel relou! Oh là là! Bon, dites-nous si vous avez des conseils à filer à Clément, là, les filles, les garçons, est-ce que vous êtes déjà sortis avec des mecs, en l'occurrence 10 ans plus jeunes? Comment ça s'est passé? Et en gros, est-ce que vous accepteriez qu'il l'appelle? En direct. Voilà, c'est ça que la question. Il faut. Bon, bah appelez-nous, dites-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Clément, tu restes avec nous? Ça marche. Bon, on va revenir avec Thomas qui est là, tiens, pour les jeux vidéo là. Salut Thomas. Salut. Comment ça va? En forme? Bah bien et toi? Bon, ouais, oui, t'as passé un bon week-end? Ouais, tranquille. Très bien. Alors, tu voudrais vivre dans quel jeu toi? Bah GTA 5. Ah, GTA 5, évidemment. Bah ouais, pour péter la gueule de Toff ou pas? Bah, bien sûr. Ah, bah, t'as raison. Y'a Yann qui dit, moi, c'est dans Gold of War. Y'a Lucky aussi. Moi, je voudrais vivre dans Call of Duty Ghost pour buter les mecs. Ah, ouais. Et Jojo78 qui dit, moi, j'aurais kiffé soit Donkey Kong, soit Sim City. Donkey Kong, qu'est-ce que tu vas y foutre dans Donkey Kong? Ouais, moi, c'est Mario Bros pour Virginie dans Skyrim également pour ne pas avoir la vie normale. Et Julien qui dit le truc bien, si on vivait en Tetris, c'est qu'on s'emboîterait tous ensemble, mort de rire. Ouais, j'aime bien, ouais. Je vais y penser à Tetris. L'idée n'est pas mauvaise. À l'autre jeu ou pas, Thomas? Peut-être Black Ops, Call of. D'accord, Call of Duty Black Ops, pareil, très bien. Pour buter, toi, tu veux buter tout le monde, toi? Ouais. D'accord, ouais, ça, okay. Merde, je me suis bourré de boutons. Hop là. Ça soulage. Oui, ça Michael, soulage. Tu peux gratter un petit peu crème. Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse maintenant, Thomas. Ok, merci. Salut à toi, à bientôt Thomas, salut, ciao. Bientôt. Allez, bonne soirée à vous. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, on est là jusqu'à minuit dimanche soir, donc faites-vous plaisir. On aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Et attention, il était pas lourd, il était très très lourd. Et c'est Ria Benervo qu'on écoute maintenant, c'est Revolution. Allez, le son de Rehab et Nervo à l'instant sur Fun Radio Revolution. Fun Radio, No Limit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun, donc balancez vos messages et il y aura Shakira avec Dad la la la la. Ça va arriver dans quelques minutes également, ça sur Fun Radio, donc restez bien là. Allez, c'est dimanche soir, on est là tous ensemble jusqu'à minuit. Continue à balancer l'info d'ailleurs à tous ceux qui ne sont pas encore au courant. Et je sais qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. 20h minuit le dimanche, c'est Mickaël No Limit. Et toute la semaine, bien entendu, de 23h à 2h du mat. Il y a Sayeroka qui dit, personnellement, je préfère les femmes plus âgées que moi. De quelques années, elles sont plus matures. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai choisi aussi d'ailleurs, hein. 3 mois de plus. Ah oui, non, là on sait. Oh, l'autre. J'ai un grand écart au niveau de. Gros, je les aime plus jeunes. Au niveau de l'âge. Mais comme j'ai 22 ans et demi, je les aime vers 18 ans, quoi. C'est ça, ouais. 18, 19. Ah, voilà. Bien fraîche, quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Bon, allez, 20h34 sur Fun Radio. On va récupérer Laura dans quelques minutes. On va également prendre Aurélie qui voulait parler jeux vidéo. Et puis, ah oui, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait eu un auditeur qui s'appelait Adèle qui nous avait expliqué comment draguer une fille en 3 questions. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Attendez, je vais vous le remettre. On a récupéré l'extrait justement. Tiens, écoutez, c'était il y a quelques grosses semaines quand même. Alors écoutez. Allô. Comment ça va? Bonjour, les gars. En pleine forme? Ouais, très bien. Bon, alors Adèle, toi tu apparemment en 3 mots tu peux nous expliquer comment faire pour draguer non, à tout. Pas en 3 mots. J'appelais ça les 3 questions d'or. Ah, les 3 questions, fait, d'accord. Voilà. Je repérais une femme célibataire. J'allais lui poser déjà la première question, même si je m'en doutais, je lui demandais est-ce qu'elle était célibataire. Mm-hmm. Elle me disait ouais. Après, j'ai eu la deuxième question, je lui demandais comment elle me trouvait physiquement. Et la troisième question, je lui demandais est-ce qu'elle aime les mecs imprévisibles. Ouais. Et elle me disait oui, bah, je l'embrassais directement et emballé, c'était pesé. Voilà. Donc, évidemment, vous nous connaissez, on a testé. Évidemment. Voilà. Bon, alors, on n'a pas fait ça en boîte parce que c'était compliqué pour le son. Donc, voilà, on a fait ça en extérieur. Mais vous pourrez aller voir dans quelques minutes. Je vais vous mettre la vidéo sur le Facebook et sur le YouTube de l'émission. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore fan de la page sur YouTube, là, n'hésitez pas à taper Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur la page YouTube de l'émission. Et donc, nous avons testé la vidéo en ligne dans quelques secondes. Et vous allez voir le résultat quand même. Ça change des vidéos qui circulent d'habitude sur le net avec ce genre de technique. Ah ouais? Ouais. Ou tu sais, genre, soi-disant, c'est des lovers, ils arrivent à emballer directement, pépère, alors qu'en fait, dans la vraie vie, c'est pas toujours pareil, quoi. Ouais, c'est comme dans les films. Dans les films, ouais, ça marche à tous les coups. Et exactement. Dans la vraie vie. Voilà. Ouais. Par exemple, un mec, un livreur de pizza qui arrive pour livrer la pizza et qui vous casse les pattes arrière, bon, ça arrive en règle générale pas dans la vraie vie. Enfin, pas souvent, quoi. Donc, Ikotov se tape des meufs, ça arrive pas non plus toujours dans la vraie vie. Non, c'est même jamais. Très rare dans la vraie vie. C'est même plutôt rare, effectivement. Donc, nous allons vous poster la vidéo dans quelques minutes et puis je compte sur vous pour en parler autour de vous, pour me dire si vous avez trouvé ça plus juste ou pas. Plutôt oui, juste ou plus plutôt réaliste. Pas. Oui, plus réaliste, on va dire. Donc voilà, je vous inviterai. Je vous dirai quand ça sera mis en ligne d'ici quelques minutes, rassurez-vous. Bon, on va parler des appels de Tof maintenant, là, qu'on fait toute la semaine. Eh oui, grands appels. Hein. Ah bah très grands appels. Eh, là, on parle de coucher avec le chien. Bah oui, c'est parce qu'on a, donc, on a vu cette grosse info. Très grosse info. Soi-disant qu'au Danemark, ils allaient légaliser la prostitution des animaux. Donc, c'était pas vrai, c'est parce que c'est une association qui milite parce que la zoophilie n'est pas interdite au Danemark comme en France et tout. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait vérifier en France si on pouvait pas coucher avec les animaux. Oui, heureusement chez nous ce n'est pas toléré, bien entendu. Non, c'est interdit. Bon, du coup on l'appelle, c'est parti. Allez hop, 20h37 sur Fun Radio, on est en direct jusqu'à minuit. Allô. Oui, allô, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de coucher avec le chien. Pardon? Non, je voulais savoir si c'était possible de coucher avec le chien. Oh connard. J'ai d'autres chats à fouetter, là, je pars en urgence, on me fait passer. Ah ben, allô. Ah bah dis donc, elle part en urgence, mais où, dis donc. Allez hop, on l'a rappelé, c'est parti. Va te faire enculer, ça te fera du bien. Mais enfin madame. Bah, l'appel fut court, hein, mais oh, attention. Allez hop, on rappelle encore un coup. Oh PD, maintenant tu me fous la paix. T'as compris, espèce de connard? Mais pourquoi vous dites tout ça, madame? C'est pas gentil. Oh. Moi, je vous appelle gentiment pour faire l'amour ouais, avec le chien. Mais moi, tu me fais chier. Oh non, madame. Tu comprends? Non, je peux pas vous laisser alors, dire ça. Alors, tu la fermes. Et si tu me fais encore chier, j'appelle les flics. Mais pourquoi vous l'appelez les flics, madame? Allô. Je pense pour te mettre en prison, mais bon. Oh, c'est pas gentil. Bon, du coup, on rappelle encore un coup. Ah oui. Allez. Oui, madame, c'est pas gentil ce que vous dites. Moi, je vous appelle gentiment juste pour faire l'amour avec le chien, et puis vous êtes désagréable au téléphone, ça se fait pas. Ouais. Tu veux que je vais t'enculer au PD? Bon, ça s'était arrêté là, hein. Ouais, voilà. C'était un vrai dialogue. Ah, totalement. On en parlera tout à l'heure, on en fera d'autres évidemment. Donc restez bien sûr Fun Radio. On va également récupérer Aurélie pour parler encore des jeux vidéo. Alors malheureusement, on a perdu Clément là, qui échangeait les SMS avec sa copine plus âgée. Bah c'est pas grave, on va quand même prendre Alex dans quelques minutes qui voulait réagir. Aurélie qui voulait réagir aux jeux vidéo. Alors tu aimerais bien être dans quel jeu vidéo toi, Aurélie? Salut Mika. Salut Aurélie, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, Rouen, passe un bon week-end? Oui, super. Bon, super. Alors Aurélie, toi, tu voulais vivre dans quel jeu vidéo? Plutôt dans Ghost. Dans Ghost, pourquoi? Bah parce que j'aime bien tout ce qui est militaire et tout, et tout ce qui est au niveau d'être sur le terrain ou dans les chars et tout, c'est mon trip en fait. Ah ouais, ah tu es militaire Aurélie, tu aimerais bien être militaire? Dans 3 mois, bientôt, je suis militaire. Non, c'est bon ça Aurélie, là, c'est pas mal. Et combien tu mesures Aurélie? Je vois pas le rapport. 1m72 pour 56 kilos. Et avec la baïonnette? 1m72 pour 56 kilos. Faut manger maintenant, hein. Mais pas du tout. Mais si, il faut un peu manger quand même. Quel est ton tour de poitrine? Ouh là, ça va un petit peu trop loin, je pense. Mais non. Non, c'est pour... soldat, c'est pour veuillez tout de suite. Et garde à vous. C'est pour ta fiche, hein. On est obligé. Combien donc le tour de poitrine? 95 E. Ah oui, violence, mais comme énormissime. Oh là là là, et rentrer dans le char. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Oh, bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Et garde à vous. Bah toi fais ton garde à vous. Hein. Ah bah là ouais, ça va, c'est les obus là, ça va faire des ordres. Ah ouais, là. Toff est engagé. Ah bah directement là, moi je vais faire mon service directement. Ah bah oui, tu vas faire dans quelle arme? Dans l'armée de terre exactement. Parfait, je vais dans l'armée de terre immédiatement. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors Aurélie, donc toi t'es plutôt dans les jeux vidéo de baston. Oui, très bien. J'aime bien aussi un autre jeu, c'est exactement The Last of Us, c'est un jeu de survie. The Last of Us, ouais. Et c'est quoi, c'est un jeu de? De survie. Oui, de survie, ouais, t'as fait. Life of Us. D'accord, ok. Donc, et t'es déjà arrivé au bout de tous les jeux, là, j'imagine? Oui, j'étais fini. Ah bah ouais, attends, normal, à l'armée et tout ça, pépère, quoi. Bon, bah merci Aurélie, hein. Bah je vous remercie aussi. Bah avec plaisir, je te fais des gros bisous et passe une bonne soirée à l'écoute de Fun, à bientôt. Au revoir, bisous. Salut Aurélie, retour avec Alex qui est avec nous de Limoges, salut Alex. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Ça va bien? Ça va très bien, je sais pas combien il fait chez vous à Paris, mais là à Limoges il fait sombre. Sombre, oui bah il fait aussi hein. Il fait un peu sombre partout, c'est normal, hein. Le soleil se couche vers 8h donc c'est normal. Ah oui, c'est la nuit que ça s'appelle. Là il fait noir. J'ai appris, le moment qu'elle nous parlait là avec le gars là, avec sa nana là de. Ouais c'est Clément, on n'arrive plus à le joindre, mais c'est pas grave. Alors donc lui il a une meuf dans le collimateur de 35 ans, il en a 30. De 34 ans, il en a 25. Et bah en gros, visiblement, elle a l'air intéressée par lui, mais en même temps pas intéressée, donc il était un peu emmerdé. Est-ce que t'es déjà sorti avec une fille plus âgée, plus jeune toi? Ouais, j'ai sorti avec une nana 7 ans. Deux. Il y a 15 ans. J'ai sorti 7 ans avec une nana qui a 15 ans de plus que moi. 15 ans de plus? Ah ouais. Ouais. Et après, ça dépend lui ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il veut faire. Après, ça dépend elle ce qu'elle veut aussi. Moi, c'est que je sortais avec une nana qu'elle voulait pas du tout d'enfant. Elle voulait pas du tout d'avoir une vie de famille comme tout le monde. Ouais. Donc, tu veux, moi, ça m'a permis, entre guillemets, de, on va dire, mûrir, grandir, apprendre plein de choses de la vie. Mm-hmm. Et après, lui, il a 25 ans. Juste à peu près ce que je peux lui dire. Ouais. 25 ans d'ici dans un an ou deux, et ça va le faire chier plus qu'autre chose. parce que l'Elena de 25, de 35 aujourd'hui, vite, comme tu l'as dit tout à l'heure, vite, elles vont vouloir se marier. Avoir oui, des bah non, ouais, et puis après, elles vont être ridées, dépassées, périmées, il va falloir changer. N'importe quoi. Non, non, non, je veux dire, un truc, une nana qui a, moi, parce que mon ex, quand je sortais avec elle, elle avait 35, moi j'avais 20. D'accord. Ah ouais. Sincèrement, à 35 ans, déjà une nana, elle sait ce qu'elle veut. Elle bien sait sûr. Ce qu'elle veut. Et puis t'as pas les mêmes envies sur le moment même entre 35 et 20 ans, c'est normal. Non mais c'est clair, c'est clair. Et puis après, ça dépend de lui ce qu'il veut faire. Mais s'il envisage d'ici dans quelques années avoir une vie de famille, c'est pas à 25 ans qu'il faut se caser avec une nana de 35. Ouais, je suis assez d'accord. À 20 ans, je veux bien. Moi, c'est mon expérience que je parle. Et sincèrement, c'était super sympa. D'accord. Après, on garde, en plus, même aujourd'hui, on garde un contact très proche, on est super bonne, très bon ami. Bon, bah, super. Bah, voilà. Mais sinon, les choses qui, enfin, lui, il faut qu'il fasse les choses qui sont claires dès le départ. D'accord. Après, ouais, bah, attends, de toute façon, on va essayer de récupérer Clément dans quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup, Alex. Hein. Bah, c'était avec plaisir. C'est la première fois d'ailleurs que je peux enfin parler sur Fun Radio. Oh, parce que c'est gentil. À chaque fois que j'appelle, la ligne est occupée. Eh ben, écoute, comme quoi t'as eu de la chance, Alex. Ah ouais. Bon, bah, reste avec nous, donc bouge pas de là. Il y a Shakira qui arrive dans quelques minutes, ce sera Darlalala. Et on revient en direct sur Fun Radio juste après ça, la bougez pas de là. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct, 20h48 sur Fun. Il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va arriver dans quelques minutes. Et puis, ah, Michel, il faut qu'on rappelle Michel là, parce qu'il y a nouveau de l'écho là, Michel. Bah, il est là, Michel. Hein. Bah, ouais, mais il y a toujours de l'écho, le même que tout à l'heure. On va te rappeler. Attends, tu sais quoi, je vais te faire moi là, je te raccroche au nez. Hop, je te rappelle en direct, comme ça c'est fait, Michel, et tu vas pouvoir répéter la colle. Bien sur le merde, bah, c'est la tondeur maintenant. Bon, alors c'est pas grave, du coup, je vais la refaire à la main alors. Hein. Je suis entre N et P, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64900 par SMS ou alors au 6322 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Je vous ai mis la colle il y a une petite vingtaine de minutes. Comme ça, vous pouvez lire la colle et y répondre également sur le Facebook de l'émission gratos pour repartir avec votre casque Zik. Parrot, donc c'est le casque qui vaut 350€, qui est juste une tuerie en termes de technologie, puisque vous pouvez le commander directement à l'aide de votre seul et unique doigt en le caressant sur le côté droit de l'oreillette, comme ça pour mettre le son plus fort, changer de musique. Vous pouvez également mettre sur pause, il fait également quitte main libre, et vous pouvez le commander directement depuis l'application sur le Facebook, enfin sur le Facebook, sur le smartphone n'importe lequel. Wow. Vous pouvez tout faire, changer le son, mettre plus fort, moins fort, changer les aigus, les graves, enfin bref, la totale, c'est juste le must du must. Et bah il vaut 350€, donc encore heureux que ce soit le must du must. Si vous voulez le gagner, bah donc facebook.com/mickaël officiel, je vous souhaite évidemment bonne chance. Avant de récupérer tout le monde, Laura, il y aura Marouane également, Thomas pour parler des jeux vidéo avec Marilène et Hervé. Et ben on va se faire évidemment maintenant le chéri, je peux te faire cocu. Et le chéri, je peux te faire cocu, c'est avec Vanessa qui est avec nous là. Salut Vanessa. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux alors. Bon, Vanessa, t'appelles du Mans, toi, la Sarthe ce soir. Oui, c'est ça, les bonnes rillettes du Mans. Eh oui, ah, bah les bonnes rillettes. Toi, t'aimes bien les rillettes. Hein, j'adore ça, les tartiner comme ça sur le cul des meufs et puis les manger. Mais oui, c'est ça. Bon, et donc, tu nous appelais pour faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Eh bien, sache que tu as plus que bien fait, puisque nous allons le faire avec grand plaisir. Il y a un smartphone à gagner avec Android à l'intérieur, hein, qui vaut quand même 149€, c'est l'Arcos 45 Platinum. Et pour ce faire, on va donc piéger ton mec. Le principe du jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui viennent d'écouter l'émission pour la première fois par exemple, eh bien c'est très simple. On va appeler donc avec Vanessa ton mec, comment il s'appelle d'ailleurs ? Fabrice. Il s'appelle Fabrice, donc on va appeler Fabrice. Tu vas lui faire croire que on s'est rencontrés récemment, je sais pas où encore, et que ben en gros je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir, et en gros tu m'as dit ok, mais il faut quand même que je demande à mon mec. C'est ton mec ou ton mari? Non, mon mec. Ton mec. On n'est pas mariés. Et donc ça fait combien de temps que vous êtes avec que vous êtes ensemble? 10 ans. Ah ouais. Et vous habitez ensemble? Oui. D'accord. Il est où là actuellement? Chez des copains, comme à chaque fois. Il est tout le temps parti, donc. Ah ouais. C'est un avantage. Ah bah, je sais pas si c'est vraiment un avantage. Ouais, je sais pas. Ah si, des fois ça fait du bien. Ah oui, bah après 10 ans tu m'étonnes. Bon, très bien. Et où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer du coup? En discothèque. En discothèque, d'accord, ok. Quand ça? C'était le jour de la Saint-Valentin. Ah classe. J'étais en boîte. Donc voilà.

Oh, ça va, ça va. T'inquiète pas. Bon, on va quand même vous filer le téléphone portable, smartphone, l'Arcos avec Android à l'intérieur. Et puis, bah, pour Fabrice ou pour toi, Vanessa. T'es où là, Fabrice? T'es chez les potes? Ça va être pour Fabrice, pour son anniversaire. J'ai laissé mon cousin, mais j'ai fait demi-tour du coup. Bon, bah, tu peux refaire demi-tour dans l'autre sens du coup. Tu peux aller chez ton cousin alors, du coup, y'a pas de problème. Maintenant, parce que c'est à côté de chez moi. Ah, bon, bah, très bien, bah, parfait. Tu vas lui mettre une cartouche. Bah, oui, bah, tant qu'à faire, oui, effectivement. Bon, bah, Fabrice et Vanessa, gros bisous à vous deux en tout cas. Vous restez au standard, on prend vos coordonnées pour envoyer le téléphone, d'accord? Merci, t'écoute. Salut à vous, à bientôt, bonne soirée. Salut, salut. Et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, on met le couvert demain évidemment. Toujours avec les téléphones portables et Arcos Platinium 45 est gagné. Eh ben, il suffit de vous inscrire maintenant, hein. Vous appelez hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Virginie sur le Twitter qui dit je vais te manger tout cru, bâtard, mort de rire le chéri, je peux te faire cocu. Phoenix qui dit Mickaël, ton héros avec un pote, on s'amuse à le faire en cours. Ah bah ça doit être bonne ambiance avec les profs, ils doivent être contents surtout. Sabrina qui dit des fous rires encore et toujours excellent. Jojo qui dit je t'ai pelle, fils de pute aussi. Je comprends pas, pourtant moi je voulais rendre service en éplant le long de la rue. Hein, c'était vraiment pour rendre service. Hein. Bah oui, on sentait le mec sympa. Et ah oui, oui, oui. Et Hervé qui dit va manger du riz bâtard. Sayu Roca qui dit ah merci pour le fou rire. J'étais sûr que c'était de la merde cette technique. Ah oui, la technique de drague, on a mis la vidéo, on a essayé. Hein, on a essayé de la faire. On a essayé en vrai, nous. Hein. Ouais, on a payé en vrai. Ouais, on a essayé en vrai, effectivement. Bah, on a pas payé de gens pour la faire. Et bah, vous remarquez que quand on paye pas les gens, du coup, ça marche moins bien. Oui, c'est bizarre. C'est étonnant. Hein. Donc allez voir la vidéo. C'est Adèle qui nous avait proposé une technique, trois questions pour arriver à pécho. On a essayé et bah on a essayé. Donc allez voir facebook.com/MIKAELOfficiel et ajoutez-nous également sur la chaîne YouTube de l'émission, tapez MIKAELOfficiel. Sayaruka qui dit c'est cool, je l'avais pas entendu le chéri, je peux te faire cocu cette semaine. Mickaël Apéro qui est trop cool, de la bombe le casque a gagné, le Zik Parotte. Oui oui, bah on va le filer dans une bonne heure, tiens. Et Mathieu qui dit moi j'aimerais bien vivre dans Farming Simulator pour détruire tout avec ma maçonneuse batteuse, dédicace à Mathieu. Ouais, on vous avait demandé dans quel jeu vidéo vous aimeriez vivre. Alors justement, on va récupérer Hervé pour terminer le sujet de notre ami Clément qu'on n'arrive plus à joindre malheureusement, mais tant pis. Clément, est-ce que tu es là? Hervé, pardon, je dis n'importe quoi. Hervé, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, oui. Ça va bien, Hervé? Oui, moi ça va, oui. Oh, bah écoute, très bien, t'as passé un bon week-end ou quoi, Hervé? Ouais. D'accord, ok. Bien. T'appelles d'où, Hervé, là? Moi, je suis dans la Marne, à Aïe. Aïe? Aïe, oui. Aïe, d'accord, dans la Marne, très bien. Le 51, donc, et Hervé, tu voulais réagir à Clément, toi, par rapport à la différence d'âge. Clément nous avait appelé tout à l'heure en début d'émission pour nous dire qu'il avait 25 ans, il voulait sortir avec une meuf de 34. Elle avait l'air intéressée, mais en fin de compte, non. Peut-être que oui, mais finalement, non. Bref, c'était compliqué. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Qui est tombé, parce que moi, je vais sortir avec une... J'ai même fait un enfant avec une femme de 15 ans de moins que moi. Ouais. Et puis ben maintenant c'est amusé quoi. Elle veut s'amuser. Oui oui, bah bien sûr, évidemment qu'elle veut s'amuser. 15 ans de moins, donc c'est-à-dire qu'elle a 32. Ah oui, 32, bah oui. Ah oui. Eh ben oui. Mais ça c'est clair, ça c'était clair et net. À côté de ça, sachant que la fille est plus âgée, les filles sont plus matures, elles sont plus matures dans leur tête que les mecs. Donc normalement, si elle a 34, 35, elle va effectivement avoir envie de se faire une petite famille, quoi. Bon, j'en ai fait une petite famille. Hein. Oui, mais toi c'est l'inverse, toi c'est elle qui était plus jeune. Voilà, c'est ça. Bah ouais. Donc toi tu dis de laisser tomber. Laisse tomber, de toute manière... Quand elle arrivera à l'âge qu'elle a envie de s'amuser, elle va s'amuser, puis elle va essayer sauf que là c'est plutôt l'inverse, ouais. Parce que elle a déjà passé l'âge, je pense, où elle a envie de s'amuser pour s'amuser, alors que lui, pas encore, il a 25, tu vois. Bon, après, je dis pas, il y a des gens en 25, ils ont envie de se poser, hein, mais disons que la moyenne, en général, tu te dis que vers 28-30, tu dis, bon, allez, je me calme un peu maintenant, et puis je vais essayer de trouver une famille, et puis de m'installer, d'acheter le monospace, le labrador, et puis tranquille, quoi. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup de frais, quand même. Ça fait beaucoup de frais, t'as remarqué aussi. Bah, merci, en tout cas, Hervé, d'avoir appelé. C'était pour dire qui est tombé, quoi. D'accord, eh ben c'est bien noté, j'espère qu'il écoute parce qu'on n'arrive plus à le joindre, c'est pas grave, peut-être qu'il n'a plus de batterie. Salut en tout cas Hervé, merci d'avoir écouté Fun et à bientôt. Salut. Salut, à bientôt. Ciao à toi et Hervé. On va récupérer, alors est-ce qu'on a Michel maintenant, sans déco ou pas? Oui, Michel est là, il n'y a pas d'écho. Voilà, maintenant que t'es de retour, tu peux répéter la colle. Donc je suis entre N et P, qui suis-je? Voilà, je suis entre N et P, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi de votre réponse, bonne ou mauvaise, j'espère pour vous qu'elle sera bonne, au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. On proposait la colombe. Non, du tout. Non, des cadavres. Du tout. Un anaconda. Non plus. Non, il y a Nicolas qui proposait la liberté. Non plus. Non, Oussama qui proposait, honnêtement, je sais pas. Merci Oussama. Ça, c'est une bonne réponse. Il s'est éloigné là. Hein. Ouais, il y a Samuel qui dit, je suis, entre guillemets, et ET. Non plus. Non, il y a Thibaut qui dit la femme. Ah non, non. Entre N et P. Ah oh, ouais, si, ah, ça si. Peut, si, ça pourrait. Et ça Odenzo. Pourrait, mais c'est pas ça. Ouais, Odenzo sur le Facebook également qui proposait l'amour. Non plus, c'est pas ça. Non, celui. Bon, très bien. On proposait la guerre également pour Yacine. Non. Un sextoy pour Jérémy. Non plus. Non plus. Bon bah tant pis, hein. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission. Comme ça vous pourrez même lire la colle et y répondre comme ça. Facebook.com/MIKL officiel. Je vous offre le casque Zik by Parrot. C'est un casque hyper technologique que vous pouvez gagner maintenant. Ça vaut 350 euros. Vous pouvez le commander avec votre smartphone, juste avec un doigt. Il est Bluetooth. Bref, la folie furieuse. Et il y a même le noise cancelling. Comme ça quand vous le mettez, si vous êtes dans l'avion, dans le train, dans le tram, dans le bus, dans le métro, eh ben vous n'entendez pas le son qui est autour. C'est quand même vachement pratique. Nous on le met avec Polo dans le bureau, comme ça on entend pas tof. Ouais, parce qu'il gémit comme ça, il fait des petits cris comme. C'est hyper pratique. Oh, hyper pratique. Voilà. Comme ça, c'est un peu désagréable. Bon. Et je vous l'offre si vous avez la réponse à la colle de Michel. Je suis entre N et P. Et eh ben allez-y, hein. Si la bonne réponse passe à l'antenne à 22h30, c'est Michel qui perd et vous qui gagnez. Si personne ne décroche ou que la réponse n'est pas bonne, c'est Michel qui gagne. Je te souhaite bonne chance, Michel. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Très bien. On parle encore de jeux vidéo avec Thomas et Marilène, avec Philippe qu'on va accueillir, Laura aussi qui voulait nous appeler, et puis Marouane hein, qui se plaignait qu'il avait un trop gros sexe. Bref, du lourd encore à suivre dans l'émission, avec aussi le son de Shakira, le nouveau avec Dar. La la la. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. N'oubliez pas de nous rejoindre également sur le Twitter. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Bon. 20h minuit. MIKL, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et pour nous rejoindre également sur le Twitter, vous tapez MIKL underscore officiel, underscore sur le petit tiret en bas. Et si vous me suivez, bah, je vous suivrai également. Voilà, pas plus compliqué, on se followera mutuellement comme ça. Donc venez, prévenez vos potes également, et puis rejoignez-moi sur le Twitter, sur le Facebook également, tapez MIKL officiel. Et pareil sur Instagram, tapez MIKL officiel, et là aussi je vous suis également. Il y a MIKL qui dit, moi j'aimerais bien être dans Dragon Ball. Il y a Ludovic qui dit Legend of Zelda, Assassin's Creed pour Clem, Resident Evil et GTA pour Samuel. Kevin également qui proposait Guild Wars 2. Et Charles également qui dit, je voudrais être dans GTA 5 pour rouler en Fiat 500. Oh la violence, ouais. Et Drakid qui dit, Tof, insulte-moi. Oh oui, insulte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, mais avec plaisir. Bah, insulte-le. Connard. Voilà, j'espère qu'il est content comme ça. Bon, et Florian qui dit, moi je voudrais vivre dans Euro Truck Simulator. Je suis futur routier. Dédicace à Luc, Raphaël, Valentin, au 1BCR du lycée Louis Armand. Voilà, et puis mort des rires, génial. Surtout le coup de l'arrêt de bus. Ah oui, Priscilla, c'est la vidéo qu'on a mise sur le Facebook à l'instant. Là, vous pouvez aller la voir. Facebook.com/MIKL officiel. Et vous allez voir que quand on essaie de draguer des filles sans acheter d'acteur ou d'actrice, ça se passe beaucoup moins bien. C'est moins facile. C'est beaucoup moins facile. C'est bizarre. Donc, j'ai essayé et il y a effectivement le moment de l'arrêt de bus. Même moi, ça m'a fait rire. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai vraiment été con là pour le coup. Alors que je pense que j'aurais pu. Hein. Ouais, t'aurais pu. Si j'avais mieux géré, je crois qu'avec la seconde, la deuxième meuf sur la vidéo, je pense que j'aurais pu réussir à pécho. Si, soyons francs, il y a un moment. En fait, t'aurais dû commencer par elle. J'aurais dû commencer par elle, peut-être. Bon, enfin bon. Bon, si vous voyez pas de quoi on parle, allez voir sur le Facebook et la chaîne YouTube. Vous tapez MIKL officiel. Bon, allez, je le promets depuis tout à l'heure, il est temps là. Shakira maintenant sur Fun. Lego. Lego. C'est Fun Radio avec le son de Shakira à l'instant, c'était Da La La La. 20h minuit. Fuck. MIKL, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, bienvenue sur Fun Radio, 21h15. On est tranquille, il y aura le canular tout à l'heure. Il y aura encore les appels de Tof dans un quart d'heure également. Et puis Laetitia qui dit, pour revenir sur la différence d'âge en couple, moi et mon mari, on a 10 ans d'écart et ça va faire 9 ans que ça dure. Ah oui, mais j'ai pas dit que c'était mort-né. Hein. La différence d'âge existe et il y en a chez qui ça fonctionne très bien. Il y a Vive les Sodomites qui dit, moi je kifferais vivre dans My Little Pony. Qui a aussi Cédric qui dit, vraiment de limite quoi. J'ai trop ri. Bah tant mieux Cédric. Et Megumi qui dit, si j'étais dans un jeu vidéo, moi c'est Mario pour casser la tête à Peach. Non sérieux, c'est quoi cette manie d'être kidnappé tout le temps. Et Phoenix aussi qui dit, dédié au collège Rouget de... Alors je sais pas si on dit Lille ou Lisle, parce qu'il y a non, Lille, S. Ouais, Rouget de Lille. Bah ouais, c'est ça. Le mec qui a fait la Marseillaise. Bah mais c'est pour être sûr. Il y a l'italienne qui dit, le dimanche soir c'est cool avec Mickaël. Bah merci l'italienne d'être là également tous les soirs. Mathis aussi, lol, le mec qui insulte grave tout à l'heure dans le chéri, je peux te faire cocu. Et Prisou qui dit, moi j'ai déjà rêvé que j'étais dans les zombies dans Black Ops, mort de rire tellement j'y joue trop. Et Mathieu aussi, moi j'aimerais bien vivre dans PES 2014 pour jouer avec de grandes stars du football. Ouais, parce que dans la vraie vie c'est plus compliqué, hein, t'as remarqué aussi. Et Émilie aussi, j'aimerais bien être dans les Sims pour avoir des baraques de ouf et une vie. J'aime bien et une vie, c'est genre j'ai pas de vie du tout. Je voudrais vivre dans Barbie, moi c'est Nathan. Oui, bah moi aussi j'aimerais bien vivre dans Barbie. Hein. Oui, je suis sûr qu'on doit être bien. Ah bah dedans, oui, je confirme, effectivement. Laura est avec nous également, le retour de Laura. Ça va bien Laura? Oui, toujours. Oui, t'as internet Laura ou pas sous la main là? Oui. Oui, t'as été voir la vidéo du test qu'on a fait, le test de drague? Oui, tu t'es pris sacrément. Oui, tu remarqueras également que sans payer d'acteur ou d'actrice, et actrice en l'occurrence, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et qu'on remarque dans cette vidéo que dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple que qu'on essaie de vous faire croire. Bah voilà. Moi... J'aurais fait pareil, je t'aurais envoyé bouler. Mais tu remarqueras que... Merci. Mais tu remarqueras que le seul qui réussit, c'est Toff encore. Oui, mais oui. Mais... Hein, c'est... Mais j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est vrai, c'est vrai. C'est à la fin de la vidéo, il faut aller voir. C'est donc la seule réussite. Je me prends quand même 4 vents. Hein. Ouais, 4 ou 5. Non, 4 vents. 4 vents. Il y avait la première, puis il y avait la deuxième, puis après il y avait la doublette à l'arrêt de bus. Oui, c'est vrai. Donc, 4 vents. Hein, donc, assez violent quand même. Assez violent. Non, 5. Comme quoi... C'est vrai qu'avec les deux à l'arrêt de bus. Ah oui, c'est vrai, non, oui, bien sûr, il y en avait 5. Mais comme quoi tout le monde dit, ouais, mais Mickaël, toi, tu fais de la radio, c'est facile. Ah non, ouais. Hein, c'est... je galère autant que vous au final. Hein. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel ou alors vous nous ajoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, là. Vous tapez Mickaël officiel également. Bon, alors, du coup, Laura, toi, tu nous avais appelé pour parler de quoi? Bah, parce qu'en fait, je suis attirée vers les filles, mais j'ose pas, en fait. Attends, ah. tu es attirée vers les filles, mais t'oses pas quoi? Bah, j'ose pas faire le premier pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut l'entendre? T'as peur de quoi? Ben, j'ai deux enfants, donc du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, j'admets, ouais. Et du coup, ben, il y a la réaction de la famille et tout, et du coup, j'ose pas franchir le pas. Non, mais en même temps, c'est ta vie, pas la vie de ta famille. Ouais, et puis t'es pas obligé de leur dire. T'es pas obligé de rentrer à la maison. Ouais, j'ai baisé avec une meuf. Ouais, en tout cas, au début. Non, mais c'est vrai, il a raison. Au début, t'es pas obligé d'en faire la promo à tout le monde. Bah oui. Ouais, mais je me ferais renier, quoi. Mais non, parce que tu fais pas la promo à tout le monde. Fais-le au début. Alors déjà la première question, vu que t'as deux gosses, est-ce que t'es certaine d'être Gwyn? Oui. Sûr à 100%. Oui. J'ai eu déjà des petites expériences vite fait comme ça où j'ai embrassé des filles et tout, mais je sais pas. Déjà sexuellement, une fille toute nue, ça m'excite plus qu'un gars en fait. Ah mais oui, on est d'accord, oui, hein, là, entièrement d'accord avec toi, Laura. Ah oui. Et puis le corps d'un homme est quand même relativement laid. C'est vrai, avec tout ce panier qui pend là. C'est dégueulasse. Non mais c'est vrai, ça pend de partout, c'est assez dégueulasse. Le pire, c'est les poils, je crois. Non mais puis il y a des poils partout, c'est assez moche aussi. Non mais c'est vrai, on est d'accord. Ouais, c'est... Finalement. Bon, c'est moche un homme. Bah oui, complètement. Bah ça l'est. Qui parle? Bah, le plus moche d'entre eux, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Bon, donc Laura, bah, si t'es sûr de préférer les filles, bah vas-y, fonce. Quel âge elles ont tes enfants? Ils ont quel âge tes enfants? 2 ans et 3 ans. Ah oui, t'as pas chômé en plus, hein. Mais comment ça se fait que t'as couché avec des mecs et que t'as eu des gosses justement avec des mecs alors que visiblement ça a pas l'air d'être ton kiff? Bah, parce que j'ai jamais osé faire le pas et puis ben faut dire ce qu'il y a, hein. Les hommes aussi, ça sert. Hein. Ah, donc tu serais éventuellement bi alors? Voilà. Ça sert. Donc non, mais... t'es pas Gwyn, t'es bi, t'aimes bien les deux. Non, ça sert, voilà. Ça sert à quoi? Ouais, bah ça sert à reproduire. Voilà. Ah ok, non, je pensais que reproduire, il y a du plaisir. Ouais, à payer les restos. Ouais, à payer les voitures. Ouais, ok, j'ai compris. C'est ça. Pas forcément. D'accord. On a compris à quoi ça servait. Mais oui. Bon, alors du coup, donc tu nous appelles pourquoi concrètement là? Parce que si t'es bi, bah et alors, c'est pas très grave. Bah, je sais pas comment m'y prendre avec une fille, je sais pas. Ça quoi en fait, je suis gênée à l'idée d'aller vers une fille et puis bah voilà quoi. D'accord, mais comment ça s'est passé les premières fois où t'as roulé un pote à une meuf? Bah en fait c'était plus parti sur un délire en fait. C'était avec une amie à toi? Oui, c'était un jeu où on a fait une nuit, on est parti en striptease et puis on s'est roulé une pelle. Bah si tu veux tu viens, on fait un jeu à la radio hein. Le Toff sera ravi de t'accueillir. Ah bah toujours, moi, ah bah, si attends, je peux rendre service. Il peut même se déguiser en fille pour la peine. Bah, bien sûr, c'est pour être plus discret. Bah totalement, ça c'est aucun problème. Si on peut rendre service, nous. Ah bah toujours. Oui, bah pourquoi toujours. Pas. Bah voilà, évidemment. Bon, les filles, dites-nous, tiens, si vous êtes passées de l'autre côté, hein, en gros, si vous préférez les filles qui aiment les filles, comment ça s'est passé lors de la première fois, la première drague, comment ça s'est passé? Voilà, ça donnera peut-être quelques conseils à Laura, du coup. Donc vous nous appelez... Le premier râteau. Et le premier râteau, pourquoi pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ça marche aussi pour les mecs et les mecs, hein. Bien sûr. Évidemment. Bon, on est, donc, c'est moins glamour, mais. Bah oui, oui, c'est vrai. Bon, quoique, faut voir. Bon, appelez-nous donc, on vous attend. Oui, avec 01... beaucoup d'huile sur le corps. Ouais, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, Laura à Bar-le-Duc, tu restes avec nous? Oui, toujours. Très bien, ne bouge pas de là. On a également Philippe avec nous de Nanterre dans le 92. Salut Philippe. Salut Mickaël. Comment ça va? Ouais, tranquille, et toi? Eh ben, très bien aussi. Toi, tu nous appelles pas pour ça, mais est-ce que tu as envie de vivre dans un jeu vidéo? Moi, à la limite, j'étais à 5, mais sinon, je serais intéressé à avoir les dégradés sur Terre, tu vois. Ouais, c'est mieux, hein. C'est mieux. Parce que j'étais à 5, on a vite tendance à oublier que c'est pas la vraie vie de péter la gueule à tout le monde, de tout casser, etc. Non. Bon. On dérive vite. Ah, bah, complètement, ouais, complètement. Bon, alors, est-ce que t'as vu la vidéo aussi? T'as internet là-haut sous la main ou pas? Non, même pas. Ah merde, il faudra que tu ailles voir la vidéo de la drague. Et comme je le disais, vous allez voir que sans payer d'acteur ou d'actrice, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à draguer, contrairement à ce que certaines personnes disent. C'est vrai. Ah bah oui, puisque c'est Adèle qu'on avait eu au téléphone qui nous avait dit « Ouais, j'ai le plan. En 3 questions, tu peux arriver à draguer et à réussir à pêcher une meuf. » J'ai essayé et... On n'a pas souvent réussi à poser la troisième. Ça n'a pas été très concret. Enfin, si tof, oui, mais moi, bof. Donc, allez voir. La vidéo est sur le Facebook et sur le YouTube. Vous nous ajoutez, hein, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté Mickaël officielle sur YouTube, n'hésitez pas, pareil sur Facebook. Bon, je compte sur toi, Philippe. On parle de quoi avec toi, dis-moi? Bah moi en fait c'est les meufs en leggings, elles m'excitent. Ah oui, bah oui. Alors le legging c'est des espèces de trucs très... Comment on appelle ça? Collant, très collant. Collant, ouais, collant. Collant, ouais, super moulant. Voilà, c'est ça. Moulant. Ouais, c'est super moulant, ouais. Bah oui, c'est normal que ça t'excite. Après ça ne va pas à toutes les filles. C'est ça, ça dépend de la fille qui le porte, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, ça fait boudin. Bah oui. Oui, ça fait saucisson un peu comme ça. Non mais tu sais c'est pareil chez les mecs qui mettent des t-shirts style Abercrombie, tu vois. Le mec il a, parce que Abercrombie ça taille petit, donc quand vous avez un large en temps normal, vous pouvez prendre un médium chez Abercrombie, mais le problème c'est que c'est le concept du t-shirt, c'est que c'est moulant. Ah oui. Donc si effectivement vous êtes plutôt gras voire gros, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas le faire. Voilà, donc c'est pareil aussi, c'est pareil chez certains mecs qui met des trucs serrés, ça fait boudin également, clairement. Bon, et du coup, donc tu nous appelais juste pour nous parler de ta passion pour les leggings. Voilà, passion pour les leggings. J'entends très mal ce que tu dis, Philippe. Je sais pas si t'as un téléphone, le kit main libre ou le haut-parleur, mais j'essaye de deviner. Non, téléphone normal. Ah d'accord, ok. Bon, bah, ok, d'accord, pourquoi pas. Et donc du coup, donc leggings, et tu m'as dit quoi? Parce que j'ai pas compris après. En fait, je sors chez moi, je suis normal. Dès que je vois une meuf, tu vois, un peu bien formée en legging, après j'ai directement, tu vois, ça m'excite, après je suis chamboulé. Ah ouais, mais attends, mais grave, pareil. Hein. Si tu veux qu'on te calme, je t'envoie Polo et Toff en legging, ça va te calmer direct. Hein, on ne mange pas de ce pain-là. Tu vas voir que le legging, tu vas trouver ça tout de suite beaucoup moins sexy. Hein. Non, ce pain-là, ça me dit pas. Ah, dommage. Ils étaient dispo là, à venir en legging. Oui, moi, j'étais prêt. Ah. Avec mon petit string et tout, t'inquiète pas, ça m'aurait fait l'arrêt des fesses. Quelle horreur, une horreur. Bon, dites-nous, qu'est-ce que vous préférez chez les filles, tiens, et même chez les mecs en termes de vêtements? Vous aimez quoi? Qu'on en parle, 01 42 48 oui. 5000 ou 02 851 4x0 au Toff. Ouais, le leggings, moi j'aime bien. Ouais. La petite jupe, tu vois, mais pas trop courte. Tu vois, tu sais pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Ouais. Normalement, tu sais ce qu'il y a en dessous, en théorie, hein, sauf si. Non, mais non, parce que tu sais, quand elle est vraiment super courte. Généralement, quand la meuf s'assied, t'as le dessin qui se fait derrière. Quoi. Ah, ras la fouf. Voilà, donc. Mais pas trop. Voilà, ras la fouf, mais pas trop. Que tu dois encore un peu deviner ce qu'elle porte en dessous. Polo? Ah, j'aime tout, moi. Moi, j'aime le jean moulant, j'aime la petite jupe, j'aime tout. D'accord. Et toi, Philippe, du coup, toi, c'est le legging uniquement? Ouais, et ça se voit que les meufs, ils mettent des leggings pour nous rendre fous. Bah, évidemment. Mais oui, c'est le but. Et toi, Sandro, qu'est-ce que tu préfères comme fringue chez un mec? Oh, le jogging kappa. Non, très simple, j'adore. C'est-à-dire? Jean t-shirt, d'accord, ouais. Ok. C'est tout. Donc, ah ouais, j'adore. Costard, tout ça, non? Non, pas trop. Ah d'accord. La cravate? Pas mon délire, non. La cravate, non, bon. Pas, très bien. Bah, si on. Exceptionnellement, mais sinon, ce que mais sans plus. Chez les gars, c'est ouais, la simplicité. D'accord, attends, parce qu'il y a Dédé le routier qui est passé nous voir aussi, là. Ça va, Dédé le routier? Je t'ai même pas salué, là. Honte sur moi, je te mets un petit coup, tiens. Voilà. Ça va, Dédé le routier? Bah bien et vous? Bah très bien. Alors qu'est-ce que tu kiffes toi chez une meuf? Il y a eu un petit coup d'aigu là dans sa voix. Ouais. Vestimentairement parlant, Le leggings c'est sympa. Et puis le jean des fois bien moulant, c'est sympa aussi. Ouais, il y a des jeans taille basse, tout ça, ouais, machin. Ouais, c'est vrai, le petit jean taille basse qui va bien. Ouais, qui donne bien. Donc dites-nous les autres, tiens, qu'est-ce que vous préférez comme fringues chez les garçons, chez les filles, et en fonction de ce que, du sexe que vous préférez évidemment, hein. Vous nous appelez 01 42 48 5000 02 851, 4x0 depuis la Belgique. Et moi je serais, ouais, plutôt sur le jean un petit peu ouais, moulant, taille basse, sympa. Ah ouais, j'aime bien aussi, ouais, j'aime bien aussi. Bon, reste avec nous Philippe, d'accord? Ouais. Bouge pas. Et toi Laura, tu préfères quoi toi comme vêtements chez les filles ou les garçons? Les slims, chez les filles. Les quoi? Les slims. Les slims? Les slims, pantalons slim, ouais. Ah, les pantalons slim, d'accord, ok. Je me dis slim fast, quel rapport? Je lui ai pas demandé si elle faisait régime, rien. Je m'inquiétais. Bon bah très bien Laura. Et on a également Marouane. Bon, on va lui demander, tiens, Marouane qui a un trop gros sexe là. Marouane, t'es encore là? Non, malheureusement, il nous a quitté. Marouane? Merde, il avait 13 ans, il disait qu'il avait un trop gros sexe là, 22 cm. Ouais, il faudrait voir comment il l'orange. Je pense que son père, il lui a mis une barre dans sa tête, il lui a dit va dormir. Marouane! Ah, il est là, Marouane. Bah alors, tu t'es endormi ou quoi? Comment? Ah, d'accord, ok. Bon, t'as Marouane. Pas l'habitude de veiller jusqu'à. Bah, c'est ça. Il est tard là. Bon, et le sexe est toujours aussi grand? Oui. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu préfères toi chez les filles comme vêtements? Les petites jupes. Les petites jupes. Ah, t'es déjà un cochon toi, Marouane, 13 ans là. Hein. Il a pas traîné le garçon. Ah, tu perds pas de temps de Marouane. Hein? Oui. Ah oui, il perd pas de temps. Mais t'as raison Marouane. Bon, reste encore avec nous, je te reprends dans 5 minutes. On a également Thomas qui lui est là, qui était là pour parler jeux vidéo. Salut Thomas. Salut Michel. Ça va? Ouais, toi? Bah oui, très bien, ouais. Bon, toi tu préfères quoi toi comme vêtements chez les filles? Moi ça serait plutôt jeans slim. Ouais. Chemise un peu transparente, par exemple noire. Ouais. Avec un soutif noir. Ouais, c'est pas mal ça. Sympa, ouais, moi j'aime bien. Sympa. Ouais, c'est une bonne idée ça, tiens. Dites-nous les autres, rappelez-nous, je compte sur vous. Et puis Thomas, toi tu voulais parler jeux vidéo à la base, puisque on avait posé la question au début d'émission, dans quel jeu vidéo est-ce que vous aimeriez vivre? Et donc quel est ton avis? Eh ben moi ça serait tout simplement Catherine. C'est quoi? C'est un jeu action-aventure. Je croyais Catherine, c'est le mec qui fait la bouffe dans les concerts. Putain, c'est un jeu qui déchire ça. C'est un bon jeu et tout ça. Allez hop, Catherine, c'est parti. Et donc, c'est un jeu d'aventure quoi? Un peu action-aventure en plateforme, un peu pour adultes. Ouais. Ouais. Quoi, pour adultes, ça baise un peu ou pas? Ouais. Ah, bah toi, va le télécharger de suite. Ah, évidemment, j'y cours. Tu m'étonnes. D'accord. Ah non. Faut y prendre légalement. Ah mais bien sûr, bien sûr. Il peut pas le télécharger légalement. On va dire oui. Oui, ah. Bah voilà, donc c'est ce qu'il va faire, le télécharger légalement. Mais voilà, c'est ça. Tout à fait, nous ne sommes pas comme ça, attention. Bon, très bien. Donc toi c'est ce jeu là, d'accord. Oui, bah j'imagine que si ça nique un peu, je peux concevoir que tu préfères ça plutôt que des jeux de baston. Hein. Ouais. Normal, évidemment. Bah merci beaucoup Thomas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. Salut à toi Thomas, à bientôt. Salut. Ciao, bientôt. On aura Quentin pour réagir aux fringues, on aura Marilyn également de Laval dans quelques minutes. Et puis bah restez là, on va se faire les appels de Toff dans quelques instants. Le temps d'écouter le nouveau son de David Guetta et Showtech que vous avez découvert sur Fun Radio Normal. C'est le son de Bad, bonne soirée, c'est Mickaël Nolimit jusqu'à minuit. Le son de David Guetta et Showtech, c'était Bad à l'instant sur Fun Radio. Bah restez là puisque dans quelques minutes je vous cale. Comme promis, le son de Major Lazer, ce sera Come To Me avec Shanna Paul. Voilà, ça va arriver dans quelques minutes, donc restez bien là. Et puis on va se faire les appels de Toff avant de récupérer. Il y a du monde ce soir, Philippe, Laura, il y aura également Marouane le retour, Gabriel, Ali, Marilène, Quentin, Michel également avec la colle et le casque Zik Parrot qu'on a à vous offrir ce soir. Mais avant cela, évidemment, vous le savez, il y a les appels de Toff qu'on fait tous les soirs sur Fun Radio, tous les soirs de la semaine. D'ailleurs, si vous avez des numéros de gens un peu rock'n'roll dans leur tête à nous proposer, n'hésitez pas, des gens aussi sympathiques que celui-là. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Voilà, ou comme notre ami Corse. Français de merde, avec ton accent pourri, là. Voilà, et il y a eu bien plus violent, bien entendu. Et donc, on les appelle tous les soirs pour leur poser des questions diverses et variées. Oui, surtout variées. Voilà, parlons maintenant phallomancie. Oui, bah, on a découvert qu'il y avait une nouvelle méthode pour lire l'avenir. venir, hein, c'est la phallomancie. Donc le principe, c'est de lire dans la bite. Exactement. Et donc, du coup, j'ai proposé mes services de phallomancientologue. Tout à fait. De lecteur grand de bite, spécialiste quoi. Dans le domaine. Bah, évidemment, je suis grand mage divinateur de sexe. Tout à fait. Et donc, on l'avait appelé. Voilà. Ah bah, c'est parti. Et juste pour info, au niveau foot, il y a les Verts là, qui mènent 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Donc pour l'instant, c'est la 30e minute de jeu. Je vous tiens au jus, bien entendu. Allez, c'est parti. On va proposer les services maintenant. C'est parti, on y va, on appelle. Bonne soirée tout le monde. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de venir vous lire l'avenir dans votre bite, monsieur. Pardon ? Non, je voulais venir vous lire l'avenir, mais dans votre bite. Va te faire enculer, connard. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Pourquoi tu m'insultes comme ça, connard ? Mais je vous insulte pas, monsieur, je pratique la phallomancie. C'est-à-dire que je pratique la phallomancie, monsieur, c'est-à-dire que je lis l'avenir dans les verges. Eh bien, c'est bien, va te faire mettre. Mais vous voulez que je me fasse mettre quoi, monsieur ? Ah, mais rien, ah, il avait raccroché, donc on va le rappeler, donc c'est parti. Hop là, de retour pour la phallomancie. Allô ? Oui, bonsoir madame. J'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Oui ? Non, parce que j'appelais, parce que je voulais lui proposer mes services pour lire l'avenir dans sa verge. Ah bon ? Oui. Non, je pense pas qu'il soit intéressé. Ah, vous voulez pas connaître l'avenir ? Ouais, bah... Hé, c'est une heure pour casser les couilles aux gens, toi ? Bah, enfin, monsieur, il n'y a pas d'heure pour annoncer les bonnes nouvelles. Ah bah si, visiblement. Hein. Allez, ouais, hop, il n'en a parti. Pas voulu. Ah oui, il n'a pas voulu. Ouais. Hop. On rappelle donc encore une petite fois là. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur, mais faut pas le prendre comme ça. Non, mais attendez, c'est pas une heure pour appeler les gens. Non, mais d'accord, monsieur, mais moi je vous appelle juste parce que je veux vous annoncer des bonnes nouvelles, parce que je peux lire l'avenir dans votre verge. Pourquoi vous faites chier les gens là, le soir comme ça ? Mais je vous fais pas chier, monsieur, je vous appelle pour vous lire l'avenir. On vous dit que non. Mais je vous dis que non, arrêtez de m'insister parce que moi j'appelle le gendarme et ça va chier là. Mais enfin monsieur, pourquoi vous voulez que ça chie ? C'est la dernière fois que vous m'appelez là. Allez faire chier d'autres personnes mais sans moi. Mais okay enfin, bah oui. Et comment vous avez eu mon numéro de téléphone ? Bah, dans l'annuaire monsieur. Oui, il n'y a pas que moi dans l'annuaire. Appelez d'autres personnes, arrêtez de me faire chier. Bah oui, mais vous aviez l'air réceptif, monsieur. Moi, je sens un karma qui passe entre nous. Ah oui, bah oui, et ta sœur. Je n'en parlerai pas avec ma sœur, monsieur. Ah oui, bah visiblement, lui l'envoyait. Hein. Bah oui, elle y est pour rien, la pauvre. Bah oui, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on en fera d'autres tout à l'heure des appels. Là. N'hésitez pas, il y a le canular qui arrive dans une dizaine de minutes. Et Mickaël Apéro qui dit, moi j'aimerais bien vivre dans le jeu Payday. Braqueur de banque, évidemment. Hein. Ça serait cool. Bonne soirée à vous. Bah, merci Mickaël Apéro. Il y a Hervé aussi. J'aime les robes d'ONU, c'est facile à défaire. Ouais, c'est pas mal. Et sinon, il y a celle avec le zip qui va de haut en bas. Ouais, aussi, c'est vrai. Il y a Lucie sur le Facebook. Moi, c'est dans GTA, bien sûr. Brandon qui dit, moi, c'est quand ma prof d'espagnol, elle a pas de soutif. J'adore, tu m'étonnes. Et Jojo également, moi j'aime bien les mecs en costard, mais ça ne va pas à tout le monde, ça c'est clair. Et Hugo Réo qui dit, moi perso je préfère soutif culotte, mais moi je les adore celles-là. Ouais mais un peu plus que soutif culotte quoi, parce que c'est un peu basique quand même. Et Zao également qui dit, moi c'est la chemise que j'adore. Et Salma, la Belieber, qui dit, hello l'équipe, désolé du retard, je me suis endormi dans mon bain, je mérite un coup de pelle. Ah bah bien sûr Salma là. Hop, t'es pas noyé. Voilà, même deux. Ouais, fais gaffe, ouais, c'est vrai que ça peut être dangereux de s'endormir dans son bain là, faut faire gaffe. Bon, on va parler des fringues encore dans quelques minutes. On va également récupérer Laura aussi, qui avait envie de tester avec une fille, mais elle a peur de se taper un vent hein, dans l'idée. Et pour terminer avec les jeux vidéo, il y a Marilène avec nous de Laval en Mayenne. Salut Marilène. Salut Mickaël. Comment ça va ? Bien et toi ? Marilène. Oui Marilène. Bon, t'as passé un bon week-end ? Ouais, j'ai geeké. T'as geeké, c'est-à-dire, qu'est-ce que geeké ? Bah j'ai joué à la Play quoi. Ah bah oui. D'accord. Grosse okay. Journée quoi. Et sur quel jeu Marilène ? Castlevania. D'accord, ça va, tu gères là ? Ouais, j'en chie un peu mais ça va. Ah merde. Bah oh, ça va bien se passer. Surtout ne pas céder à la tentation de tous les raccourcis qu'on peut trouver, etc. Il faut y arriver par soi-même. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, vous y arriverez bien un jour ou l'autre. Tu sais, c'est comme parfois t'as des codes, etc. Bah, pour ouais. Passer les étapes, bah c'est nul. Bah oui, c'est le plaisir de trouver. Mais oui, c'est pour arriver au bout, ça a pas trop de sens, quoi. Enfin bon. Bon, Marilène. J'ai trouvé tous les secrets moi-même. Non, mais voilà, bah, c'est très bien. Si tu as trouvé par toi-même, c'est cool. Alors, tu jouerais dans. Enfin, t'aimerais bien être dans quel jeu vidéo dans la vraie vie, toi ? Ouais, et déjà, je pourrais aussi réagir par rapport aussi aux vêtements. Ouais, eh ben, d'abord les jeux vidéo, et puis on enchaîne sur les vêtements. Alors, bah, moi, ce serait dans Final Fantasy, moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de vaisseaux, il y a des chocobons et tout. Il y a des chocobons. Tu sais que dans la vraie vie, il y a des chocobons, Marilène aussi, ça existe. Hein. Faut pas spécialement aller dans un jeu vidéo pour autant. Hein. Non, mais les chocobos, c'est les poussins géants dans Final Fantasy. Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc Final Fantasy pour toi. Ah ouais, grave. D'accord, Marilyn, très bien. Et au niveau des vêtements? Ben moi, ce serait comme Dean Winchester dans Supernatural. Petite jean, petite chemise, manches remontées. Ah ouais. Ça, c'est bien sympa, ça. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Attends, il y a aussi Ali qui est avec nous de Vannes. Salut, Ali. Salut. Comment salut, ça va? La Vannes, ouais, Vannes, c'est fait exprès ou il y a ah un ouais, truc y a la Vannes et Vannes. Hein, et Marilyn. Et Marilyn. Bon, alors, Marilyn. Ali, pardon. Sa première fois. De quoi, Marilyn? Non, je disais, attends, s'il avait déjà fait la vanne aussi. Ouais, mais t'inquiète pas, il le refait chaque fois la même. J'avais vu sur Twitter que je pouvais pas la faire, t'as vu, j'ai pas fait. Voilà, il refait chaque fois la même. Hein, mais là, avec Laval et Vanne qui suivaient, j'étais obligé. C'est vrai. Je devais dire un truc. Ali, alors, bienvenue à toi, t'as 30 ans toi, tu voulais aussi réagir par rapport aux fringues. Qu'est-ce que t'as bien chez une fille ou un mec? Enfin, j'aime bien les leggings, comme l'autre avait dit. Mais moi, j'aime bien, j'adore les femmes avec cheveux courts. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les vêtements. Moi. Non, ça n'a rien à voir. Mais une robe en poil. Oui, c'est une robe en cheveux. En jambon, comme Lady Gaga. Lady Gaga, en jambon, ça peut être bien. C'est pas mal. Enfin, si, j'ai vu avec Lady Gaga, mais non, j'ai pas trouvé trop sexy, ça. Non, mais j'ai pas trouvé super bien non plus. Ouais, bah, après, Lady Gaga est pas super belle non plus, hein, physiquement. Non plus, mais non, bon, mais c'est vrai qu'elle a du succès. Ah oui, mais non, mais on s'en fout, c'est pas. Elle fait de la chanson, tu vois, elle est pas mannequin. On a une histoire en commun avec Toff. Ouais. Lady Gaga et Toff. Quoi? Bah, c'est-à-dire que la première fois que nous avons rencontré. Attends, musique de racontage. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais presque oublié. C'est parti, attention. Il y a longtemps, une autre vie. Donc, on a rencontré Lady Gaga avec Polo, et c'était l'époque où elle était dans sa grande combinaison tout en cuir. Elle était pas très connue à l'époque. C'était les débuts. Et donc Lady Gaga ne portait rien sous cette combinaison de latex moulant. Et moi, j'arrive et on était dans un concert en backstage et elle discutait avec Katy Perry. Normal, hein. Ouais. Normal, les stars et tout, nous aussi on se baladait comme ça. Et je vois Toff au loin. Ouais. Et je vais en direction de Toff et je vois Toff la bouche ouverte en train de regarder la bave aux lèvres et je lui parle et il me répond pas et je le pousse comme ça, je fais mais Toff qu'est-ce qui t'arrive et avec les mouches autour non et non et Toff vas-y et là je lui dis regarde on voit sa chatte et donc en fait le truc la combi était tellement moulante que tu voyais vraiment le dessin de sa chatte qui était il est content. Ça lui a fait sa soirée. Attends, je suis rentré à l'hôtel, je me suis branlé trois fois. Merci, Toff, c'est gentil. C'est pas bien. Toi. Non, c'est pas bien. Bon, bref, donc toi, Ali, t'es juste les cheveux courts, donc rien à voir avec les fringues. Enfin, si, un petit peu quand même, sur les leggings, j'adore les leggings aussi. Comme Philippe, là, les leggings, ouais, ça l'excite. Ça donne un petit peu de forme. Voilà, oui, tout à fait. Attends, il y a Quentin aussi de Bordeaux. Ça dépend. Ah, comment? Ça dépend chez qui? Attends, il y a Quentin de Bordeaux également qui est avec nous. Salut, Quentin. Salut. Ça va? Salut. Salut, ça va? Bon, très bien de Bordeaux. Comment ça se passe? Alors toi, tu préfères quoi en fringues chez les filles ou les garçons? Alors moi, perso, ce que je préfère, c'est classique, en fait. Genre, petit slim ou n'importe quoi, avec petit top, petit décolleté par-ci, par-là. Petit décolleté par-ci, par-là. Alors c'est mieux s'il est au niveau de la poitrine. Hein. Parce que s'il y en a un décolleté au niveau de la jambe, si tu veux, c'est quand même moins sympa. Sur les boules, ça. Ouais. Par contre, j'aime pas les leggings, quoi. Ah, vraiment. T'aimes pas les leggings? Ah, d'accord, ok. Non. Ah ouais. Non, parce que souvent en plus c'est des gamines de 13-14 ans qui portent ça, c'est de l'appel au viol pour tous les surtout les meufs un peu sportives qui ont des belles cuisses, c'est. Non mais après, Quentin, il y a juste un truc qu'il faut quand même savoir, c'est pas parce qu'une fille aime bien s'habiller sexy que d'office c'est de l'appel au viol, c'est le mec qui est complètement con au point d'imaginer que... Ouais, voilà, ouais. D'accord, pour les meufs qui ont 20 ans, mais les gamines qui ont 13-14 ans... Mais non, mais c'est parce qu'elles veulent faire comme les plus grands, c'est pas un appel au viol, tu racontes n'importe quoi. Mais oui, je suis pas d'accord avec toi, Quentin. Moi, je suis d'accord avec moi. Pardon. Oui, bah, je me souviens, heureusement. Attends, Annie, tu voulais dire? Non, je disais que moi, j'estime, enfin, je juge que les gens qui vont jusqu'au viol, c'est qu'ils sont pas bien, dans leur tête, c'est tout. Non, mais ça, c'est une évidence même. C'est pas parce que quelqu'un s'habille sexy ou pas sexy que d'office, c'est un appel à quoi que ce soit. Faut quand même pas déconner non plus. Bah, merci en tout cas, Ali, Marie, Léné, Quentin, d'être passé là. Vous revenez quand vous voulez tous les trois. Je vous en prie, au plaisir. Salut, Ali. Et merci, Toff, d'avoir mis mon selfie. Eh ben, écoute, avec plaisir, Marie. Salut, j'en ai mis beaucoup, hein. on est à plus de 1000 là. Il y a plus de 1000 selfies, on avait demandé ça la semaine dernière sur le Facebook de l'émission, donc allez voir tous les auditeurs en mode selfie. On a été obligé de faire un nouvel album. Ah ouais, gros bisous Marilyn. Salut. Ça marche, toi aussi. Salut, ciao à toi. Salut. Et ah merde, bah on avait l'auditeur là qui, je me souviens plus son prénom, mais il est déjà switché par Anthony, qui voulait faire une dédicace. Bah désolé, hein, Sandro était un peu précoce sur le coup là. Désolé, c'est pas de ma faute, c'est sa faute à elle. Il y a le canular qu'on va faire dans quelques minutes, et puis on va parler chirurgie également. Je voulais savoir à quelle star vous voudriez ressembler si vous deviez vous faire opérer. Non, parce que je demande ça parce qu'il y a une meuf qui a dépensé 25 000 $ pour ressembler à Jennifer Lawrence. C'est l'actrice de Hunger Games et au final, bah, elle ressemble pas du tout à elle. Ah, donc, c'est dommage. Mais elle a quand même claqué 25 000 $. Donc, bah, dites-nous à quelle star est-ce que vous voudriez ressembler. Vous balancez vos messages, on en parle. On fait le canular dans quelques instants également. C'est Mickaël No Limit et puis on est là en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio avec Lyon qui a égalisé. C'est un partout pour Lyon face au vert. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, donc je voulais vous poser la question ça, par rapport à la chirurgie là pour ressembler à une star. Vous auriez envie de ressembler à qui si vous deviez vous faire refaire la gueule avec un petit bistouri? Franchement, je pense que je pourrais ressembler à personne, mais Non, mais disons, le travail est trop long. T'as 2-3 millions d'euros. Hein, le travail est trop long. J'ai 2-3 millions, George Clooney, je pense. George Clooney? Ouais, mais pas maintenant, tu vois. Genre, il ferait de la pub pour les machines à café, mais c'est des machines de merde. Ouais, c'est des machines pourries. What else? Bonjour, je suis. Je suis Tuff. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et quoi d'autre? Genre, il y a 10 ans. La machine de chez Carrefour, tu sais, marque blanche. Ça va plus de bien, Polo, toi, tu voudrais ressembler à qui? Moi, Brad Pitt ou Jared Leto. Ou Brad Pitt, non? Non, Brad Pitt. Brad Pitt? Pitt, ouais. Ouais, ah, Jared Leto, c'est pas mal, vu ce qu'il s'est tapé, ça peut être. Bah, pas franchement, mal. Ouais, moi aussi, je dirais. Parce que le mec, il a quand même 40 balais, mais il vieillit pas. Ah, il y en a un aussi qui est un beau gosse et qui a pécho de la meuf, on le connaît pas trop, il faut connaître le surf, c'est Kelly Slater. Kelly Slater, attention, ouais, c'est Kelly Slater, il s'est tapé tous les top modèles et qui a récupéré derrière l'autre bidon de. Comment il s'appelle là? Ah, qui joue dans. Le Loup de Wall Street. Oui, c'est ça. Ah, je suis le maître du DiCaprio, monde. DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ça, on l'oublie, ça. Ah oui, c'est vrai. Et Sandro, tu ressembleras à qui, toi, si tu pouvais te faire un petit coup de bistouri? Alors, Apollo de Fun Radio. Ah oui, Apollo. Oh, merci, Sandro, j'adore. Moi, je me ferais en Megan Fox, mais juste pour pécho son mec, en fait. Ah, n'importe quoi. Je pense que si t'es en Megan Fox, demain, tu peux pécho tous les mecs de la Terre. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, allez, 21h50, donnez vos avis à qui est-ce que vous ressemblerez. Ouais, moi, je dirais aussi, pour le coup, Jared Leto. Taf, je t'aurais bien vu en Louis de Funès. Ouais, ouais. Ou Michel Galabru. Ouais, Michel Galabru, ouais, ça j'irais bien. J'aurais pu, ouais. C'est ça, ouais. Bon, allez-y, balancez vos messages, on va en parler dans quelques minutes. On va également prendre Gabriel qui voulait réagir à Laura. T'es là, Gabriel? Ça va, Gabriel? Ça va et toi? Très très bien. Tu voulais réagir à Laura qui a envie de tester avec une fille et qui a un peu peur de s'emmêler les pinceaux? Oui, bah c'est normal. Bah, moi, oui. J'ai été pareil au début. Bon, attends, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes parce que on va se faire le canular là avec Sullivan dans quelques minutes. Bouge pas de là, c'est Gabriel, je te reprends prêt. Anthony, pareil. Il y aura Andrea et Mélanie aussi pour parler des fringues. Ne bougez pas de là, vous toutes et vous tous. Et bah, c'est parti maintenant. On va donc accueillir maintenant notre ami Sullivan qui est avec nous là. Salut Sullivan. Salut Mickaël, ça comment va? Comment ça va et toi? Salut. Ça va, salut tout le monde. Bon, alors Sullivan, t'appelles de Braine-l'Alleud, toi, tout près de Bruxelles. Et nous allons. Ouais, là, je suis à Bruxelles plutôt, je suis à l'interne. Ah, là, t'es à Bruxelles, d'accord, ok. Et on va faire le canular. Bon, alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quoi l'histoire? Explique-nous tout. Ben, je vais dire à ma mère, comme quoi j'ai mis enceinte ma petite copine. Ouais. Et que je vais vivre avec elle en Allemagne. Normal. Elle est allemande? Non, mais elle habite à Sinem, mais elle va bientôt déménager en Allemagne. Ah, d'accord. Pourquoi elle va déménager? Pour le boulot ou les études? Non, c'est, disons que c'est son père, pour l'instant elle vit encore avec son père, c'est son père qui veut qu'il a trouvé une copine en Allemagne. Enfin, ah oui, d'accord, ok, putain, donc du coup elle doit suivre, parfait. Quel âge elle a? Elle a 17 ans. 17 ans, et toi t'en as 17 aussi, très bien. Oui, je vais en avoir bientôt 18. Parfait, donc on va appeler ta mère, tu veux lui faire croire que tu l'as mise en cloque, et que du coup bah, ouais. tu veux te barrer, tu vas habiter là-bas avec elle, machin, tout ça. Ouais. Que t'abandonnes l'école. Quoi. Non, oui, normal, voilà, c'est ça, que t'abandonnes l'école, etc. etc. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait à peu près 4 mois. Ah ouais, donc tu n'aurais pas perdu de temps. D'accord, ok, très bien. Et elle s'appelle comment, tu m'as dit? Chloé. Ok, bon, eh ben écoute, ça me paraît pas mal, ça. Hein. Bon, mais en plus, si tu nous as dit que t'étais à l'internat aussi, donc c'est parfait. Ouais. Donc on va jouer les potes, hein. Il y aura Michel bien évidemment. Au besoin, il y aura d'autres casse-couilles, hein. Polo, Toff, tout ça. Ouais, même bien sûr. Besoin également. Ah non, mais non, Sandro ne peut pas. Au plus, il y en a, au mieux c'est. Ouais, mais ouais, Sandro ne peut pas, il est en cloque. Eh ben non, c'est. Non, bah oui, non, non, non, t'as pas compris, c'est pas Sandro qui est en cloque. C'est que dans l'internat, c'est garçon-fils et c'est pareil. Ah oui, pardon. Donc là, normalement. Non, non, non, à l'internat, c'est garçon-garçon. Ouais, oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, oui, enfin, garçon-fille, c'est séparé. Ouais. C'est séparé, c'est ça que j'ai dit, ouais. Bon, eh ben écoute, c'est pas très grave. On va y aller, on y va, on attaque. Plus elle s'énerve, plus t'as de chance de repartir avec le casque offert par Solovent. Et on va donc y aller, c'est parti. Qu'est-ce que DJ donc? Et comment s'appelle ta mère juste avant d'appeler? Sandra. Sandra, allez, c'est parti, on y va. Plus elle s'énerve rapidement d'habitude ou pas? Ça dépend de quelle situation. Avec d'accord. Normalement, elle devrait s'énerver assez rapidement, ouais. Ah ok, d'accord, très bien. Non, parce que je rappelle que lundi on a quand même fait un chéri je peux te faire cocu où le mec était pas censé s'énerver rapidement et à peine dire bonjour il a directement oh t'es enculé, je t'emmerde, connard, saloperie, je vais te buter, je vais te péter la gueule, etc. Ah, un mec etc. simple. Ouais, alors pour ceux d'ailleurs ouais, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'écouter, ça avait donné ça. Ouais, ta mère toi. Voilà, donc il avait l'air un peu calme effectivement, mais. Ouais, Michou, je t'emmerde moi. Oui, il est m'emmerdé. Va manger du riz, bâtard. Ma va, oui. C'est sa meilleure. Fils de pute, mange tes morts. Voilà. Je vais te mettre mon poing dans tes dents. Voilà, vous avez toujours ce côté un peu calme. Ouais. Mais malgré tout, il avait un peu de répartie. Un petit peu. Bon, on y va, c'est parti, Sullivan, on appelle ta mère, on appelle Sandra donc. Tu sors avec Chloé, tu l'as mise en cloque, tu veux que. Bah, tu veux déménager du coup et aller habiter en Allemagne avec elle. D'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Nous, on est derrière, évidemment. On parlera probablement un peu mal à ta mère, histoire de l'énerver un peu. Au besoin, bien okay. entendu. Allez, c'est parti, on y va. Okay. Et bien sûr, c'est Michel qui t'a incité à partir. Allô? Oui, maman? Oui. C'est moi. C'est de la chance, parce qu'appel masqué, c'est pas évident. Oh, bah là, ça faisait longtemps. Ouais, parce que je téléphone avec le téléphone d'un ami. Ouais. J'ai quelque chose à t'annoncer. Quoi? C'est pas évident, c'est un peu galère. Tu vois la fille avec qui je sors? C'est un oiseau qui crie de rire. De quoi? Tu vois la fille avec qui je sors, que j'ai déjà été voir plusieurs fois. Ouais. Ouais. On va galérer, je pense. Je l'ai mis enceinte. Où c'est ça? Où c'est ça? Non, maman, je déconne pas. Moi, je rigole pas non plus, Chili. Oh là, maman, je déconne pas, elle est enceinte. Allez, vas-y, c'est bon, tu lui as dit, là, c'est bon, qu'est-ce qu'elle dit, là? Bah elle dit comme quoi c'est, elle me croit pas. Ah bah tant mieux, bah voilà, comme ça au moins t'es tranquille, au moins tu lui as dit t'es tranquille hein. Mais je t'avais dit que ça servait à rien là. Ouais mais bon, je sais pas, je... Non tu dis, j'ai vraiment pas envie de rire. Oh elle s'en fout, mais c'est très bien. Maman très je rigole pas. Et le truc c'est que étant donné que je l'ai mise en train, je suis obligé d'aller chez elle pour surveiller sur l'enfant. Tu dis, on en discutera vendredi. Surveiller sur l'enfant. Non maman. Je vais en parler avec toi, comme ça tu as le temps de gober tout ça. Du coup, le temps de te calmer et tout. Mais dis pas ça. On en discutera vendredi. Non, qu'est-ce qu'elle dit alors? Elle est plutôt ouverte ou pas là? Ouais, qu'il arrête de gueuler ton copain là derrière parce que... Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tu dois arrêter de gueuler. Oh, je gueule pas, ça va, elle m'a pas entendu gueuler. Hein. Non mais c'est bon, et je t'avais dit en plus, hein, t'as vu, voilà, je t'ai dit appelle-la, tu vas voir, elle s'en branle, et puis voilà, c'est parfait. Bah et nickel, bah voilà, parfait. De toute façon, maintenant, je m'en branle pas. Oh bah j'ai l'impression, tu veux en parler vendredi alors que je te demande d'en parler maintenant. Non parce que ça se discute pas par téléphone mon grand. Ah mais elle a même pas l'air énervé donc t'es tranquille. Oh là là. Oh qu'elle arrête parce que moi je te jure qu'il m'énerve. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tu l'énerves. Ouais ça va. Déjà ouais, bon. Elle pourrait me remercier hein. Je sais pas pourquoi. Je sais, mais bon. Ah ouais bah ouais parce que c'est quand même moi qui t'ai incité à l'appeler hein. Ouais, je sais. Allez, bah bon, passe-la moi deux secondes, là, passe-la moi deux secondes. Non, je veux pas que tu déconnes ou je raccroche. Je te la passe. Allô? Ah ouais, effectivement, elle me raccroche. Je crois. Bon, on va la rappeler. Attends, je vais la rappeler. Je la rappelle moi, hein, bouge pas. Alors, attends, okay. Je vais l'appeler maman, je pense à pas l'énerver. Oh. Ouais. Ouais, désolé. Mais écoute, c'est pas tout. Eh ben attends, mais passe-la moi et... Attends. Qu'il arrête ou je raccroche de nouveau? Non, non, non, c'est moi. Je ne l'écoute pas. Mais pourquoi elle veut pas me parler? Parce qu'elle est passez-la avec moi. Ouais, ben c'est bon, attends, c'est grâce à moi, elle m'a même pas remercié. Je suis obligé d'assumer. Sullivan. Oui. Eh, tu veux boire un verre ou pas? Après. Bon. Et quoi, c'est quoi que... ce gamin là? Tu vas aller boire un verre ou pas après? Tu veux plutôt quoi, du Coca ou Fanta? Fanta. Ok. C'est un pote d'internat. Un pote, un drôle de pote. Je te mets un petit pétard ou pas? Non, fume pas. Ah ben vas-y, non, un seul, c'est rien. Je rigole, vas-y, fais-moi ça. Hein. Bon. Tu te proposes un pétard, tu dis fais-moi un moins un, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Mais hey non maman, mais écoute, c'est parce que j'arrive pas, j'essaie de dire quelque chose, mais tu vas pas m'écouter. Hé hey. Mais qui ferme ta gueule l'autre? Hé, hey, hey, elle m'a remercié ou moi, pas moi je vais raccrocher parce que franchement je suis à bout. Maman écoute, bon, le truc c'est que étant donné je me sens obligé d'assumer l'enfant, je vais aller vivre avec. C'est ça. Oui. Tu te sens obligé d'assumer. Ben maman, c'est logique. C'est logique, oui, je pense. Non maman. Ça veut dire que tu prends même pas de moyen de contraception, que tu couches avec, rien. Et tu. Maman. C'est normal, quoi. Elle m'avait dit qu'on connaissait la cellule, mais. Il m'en fait vraiment, t'es bonne, c'est toi. Hé hey Tiens, attends, je te dis rien. Hé hey hey, tu sais pas faire attention, tu vas avoir 18 ans, t'as même pas encore 18 ans, t'as bien vu. Hé hey. Bah quoi, Vanessa, Hé, je t'ai mis la calette. Vanessa l'a fait pour une raison médicale au cas où tu l'aurais oublié, Sullivan. Hé hey. Dis-moi, t'as pas un verre là qui traîne? Non, parce que sinon moi j'arrive et je lui défonce la gueule à ce gamin là. Oh merde! Eh, j'ai fait tomber le verre! Et puis là, tu l'autre qui dit tu veux un joint ou je sais pas tout quoi, toi tu dis oui? Et franchement, tu crois quoi? Eh, elle m'a remercié ou pas? Je peux lui parler? Oui, bah pas avec les joints, t'as dit que t'as pas 18 ans. Allô? Allô? Ah putain, bon. Non, tu lui plais pas. Ah ouais, non, elle veut pas. Là, je confirme. Bon, on va la rappeler, on va lui dire c'est une connerie, hein, Sullivan. Elle a du mal à démarrer, mais je pense qu'elle a dû passer une sale journée, en fait, je pense, hein, ou une sale semaine, enfin, je sais pas. Ouais, c'est à peu près ça, en fait. Ouais, je pense que c'est les mêmes jours. Ouais, je pense, ouais, peut-être les règles, je sais pas. Bon, écoute, je vais te dire de la rappeler toi, puisque moi, dès qu'elle entend ma voix, ça s'en raccroche, donc. Elle doit raccrocher au nez, ouais. Voilà, ça c'est ça. Bon, donc, on la rappelle, hein. Et je pense que même quand on va lui dire que c'est fun, je pense que ça va gueuler quand même. Ouais, elle risque pas d'aimer. Oui, je vais faire tuer. Ah ouais, là, il y a des chances, ouais. Bon, allez, on la rappelle. Bon, bah, je te laisse parler. Ouais. Ouais, maman? Oui. Bon, la dernière nouvelle est que... Console-toi, tout ce que je viens de te dire, c'est une blague, tu passes sur Fun Radio, c'est le canular, sur Michael. La prochaine fois, tu fais tes canulars avec tes copains, pas avec moi, ok? Et tu le sens, en plus que j'avais prévu de faire un canular, mais je t'avais pas dit à qui. Ah bah bravo, en plus tu lui avais dit que c'était que t'allais lui en faire un, bah bravo. Oui, non, mais non, j'ai pas dit que j'allais lui en faire un. Il voulait faire un canular à un ami, à lui. Ah d'accord, ok. Et du coup, il a choisi maman. Ouais. Ah bah voilà. Bon, en même temps, c'est vous le gamin derrière qui me fait chier là, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais deux fois. C'est lui. Ah, il s'appelle Michael. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, à la base, c'est Michel, mais c'est pas grave. Mais oui, vous êtes chiant, hein. Je sais, ouais. Mais deux fois, vous l'avez raccroché au nez quand même, maman. C'est... Non, mais je veux personne au téléphone. Quand il m'explique des problèmes, non. Franchement, non. Ah, pourtant, j'étais un bon pote. C'est moi qui lui avais dit d'appeler, tout ça et tout. Ça aurait pu être sympa. Ah, oui, un bon pote, mais qui énerve de l'autre côté. Donc, oui, non, oui, non, oui, non, oui, pas c'est un bon pote. T'as pas le concept, et en plus, effectivement. Il parle un joint, quoi. Bah, chez non. Nous, un joint, non, mais il est à l'internat, c'est à l'internat sérieux. C'est un internat sérieux, évidemment. Bon, bah alors, maman, on va vous souhaiter une bonne soirée quand même. Hein. Allez, ouais, bon, au moins maintenant, c'est. Vous êtes tous des enfoirés. Oui, je sais, oui, c'est nous aussi, on vous aime. Allez, bonne soirée, Sandra. Merci, au revoir. Bon, et puis on va te filer le casque. Maman, je t'appelle avec le téléphone de l'internat. Hein. Ouais, voilà, ouais. Okay. Fais donc plutôt ça. Ouais. Et Sullivan, on va te filer le casque DJ comme promis, c'est offert par son novembre, d'accord? Ah, nickel, merci. Salut, Sullivan, ciao à toi, à bientôt. Ciao. Oh. Bon, si vous voulez faire aussi le canular, on fait ça le jeudi, hein. Vous n'hésitez pas à nous appeler maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Laura qui dit 3 rires le canular. Salma aussi, Mickaël, vous me tuez. À force de rire, mon frère, il a gueulé comme un taré alors qu'il est en bas, je ris si fort. Eh bah, croire que oui, Salma. Hugo Rio, j'adore Mickaël, trop fort, vas-y Michel. Et Jojo qui dit je dois assumer l'enfant, donc je vais aller vivre avec, lol. Ouais, c'est ça. La petite fée qui dit madame, oui, je veux un joint. Simon aussi, j'aimerais ressembler à Toff. Oh, quelle horreur. Non, j'espère que c'est une vanne. Oh. Yacine qui dit Toff, il devrait effacer son visage. Moi, je voudrais ressembler à l'acteur qui joue Jack dans Insaisissable. Il y a Quentin aussi. Moi, j'aimerais ressembler à Jason Derulo parce que je kiffe ce mec. C'était sur le Facebook. Et Mélanie qui dit, moi, je voudrais ressembler à Shakira. Voilà. Et Zao également qui dit, Mickaël, le but du canular, pété de rire. J'ai pas compris, Zao. Le but du canular. Le but, quoi. Le but du canular. Mais explique, Zao. L'objet, je pense qu'elle parle de l'objet du canular. Eh ben, c'était juste faire chier sa mère, en fait. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Ça a réussi, a priori, voilà. Quand même, hein, faut le savoir. Bon, allez, balancez vos messages, comme d'habitude. On est là, on est en direct sur Fun Radio, on est là jusqu'à minuit. Vous nous appelez, d'où que vous soyez, en France, en Belgique. Pour la France, 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et on parle des ressemblances. Donc, à qui est-ce que vous voudriez ressembler comme star, par exemple, si vous pouviez vous faire un petit coup de bistouri là, un petit coup de chirurgie parce qu'il y a une meuf qui a voulu ressembler à Jennifer Lawrence, c'est l'actrice d'Hunger Games qui est au final elle a claqué 25 000 $ pour lui ressembler et elle lui ressemble pas. Non. Si, c'est un truc de fou quand même. Quelle horreur. T'imagines la horrible, quelle horrible violence. Oh là là. Bon, Laura. Oui. Tu voudrais ressembler à qui toi? Britney Spears. À Britney Spears. Mais aujourd'hui ou il y a 10-15 ans quand elle a fait Hit Me Baby One More Time? Aujourd'hui, d'accord, tu la trouves quoi, plus femme? Oui. D'accord, ok, bah pourquoi pas. Hein. Bon, et toi Gabriel, tu voudrais ressembler à qui, toi, de Bordeaux? Moi je dirais Jessica Alba. Ah ouais, Jessica Alba, ouais. Ouais. Ah oui. Jessica Alba, ouais. Et tu ressembles à quelqu'un en particulier aujourd'hui ou pas, non? Non, du tout. Ah bah non. J'aime bien le nom. Bon alors Gabriel, tu voulais donner ton avis par rapport à Laura qui a envie de tester avec une fille mais elle a peur de se prendre un vent. Elle a peur de... Elle sait pas comment faire. Elle a peur. Alors Gabriel, toi, est-ce que t'as déjà essayé? Est-ce que t'es Gwyn? Est-ce que t'es bi? Dis-moi. Ah non, moi je suis Gwyn à 100%. Ah mais on peut pas être Gwyn à 100%. Ah si si. C'est-à-dire? J'aime que les filles. J'ai testé les mecs. Ça m'a un peu plus du tout. Donc je t'aimes que le gazon toi? Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, t'as déjà essayé un mec ou des mecs? Non, un mec. Ah ben bah voilà. Bah ouais, mais voilà. Attends. Je m'excuse, mais alors je veux pas dire que tu dois devenir hétéro ou pas. Tu fais comme tu veux. Hein. Mais ouais. On peut pas à un moment se dire ok. C'est comme si tu bouffes un plat. Parce que ouais. Non, mais c'est vrai. Je prends l'exemple d'une lasagne. T'as des restos qui font des lasagnes qui déchirent leur mère. Ouais. Et puis t'as des restos qui font des lasagnes de merde. À un moment, si tu goûtes la lasagne de merde, il faut quand même te laisser la possibilité d'en goûter d'autres avant de te dire que c'est dégueulasse. Tu vas tester plusieurs lasagnes et tu te dis bon ok, j'en aime aucune, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Ou alors bah effectivement le premier était vraiment dégueulasse et en fait les autres sont meilleurs, tu vois. Non, ouais. Non mais voilà, après voilà, tu fais comme tu veux, mais c'est dur de se dire ouais non j'ai essayé les mecs, c'est dramatique, j'en ai eu un seul, c'était une horreur. Bah oui. Mais imagine tu tombes sur Toff. Mais oui évidemment que tu vas devenir Gwyn. Forcément. Mais non mais attends, mais c'est d'une logique implacable. D'ailleurs il est où, il se branle dans les chiottes ou quoi? Oui, où? Et bah oui, j'étais avec lui dans les chiottes. Ah d'accord, chacun vous de côté. Et j'entendais des petits gémissements, donc je me suis sauvé. D'accord. Bon. Alors Gabriel, qu'est-ce que t'as comme conseil à donner à Laura toi? Mais faut pas qu'elle ait peur parce que bon, si t'as peur, tu te lances pas et faut qu'elle rencontre une personne qui est homo pour commencer. Ouais. Et ensuite, voilà, elle se lance, ça se fait tout naturellement et bon, au final, c'est comme un couple hétéro, donc y a vraiment pas de peur à avoir sur ça. Oui, mais c'est comme un couple hétéro, sauf que ça l'est pas, tu vois. Bah ça oui. Va, c'est-à-dire qu'elle a pas l'habitude, d'habitude des mecs, elle a deux enfants, et puis en plus elle avait peur de la réaction des parents. Mais enfin bon, ça encore c'est un autre problème. Mais ouais, voilà. C'est juste qu'elle sait pas comment faire, tu vois. C'est parce que alors ça l'avantage, pas du l'avantage. Tout différent. Non, mais oui, peut-être. L'avantage garçon fille, c'est que quand tu vas vers un mec ou tu vas vers un garçon, t'as quand même beaucoup plus de chances de tomber sur un hétéro. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Alors que quand tu vas vers une meuf, bah c'est quand même pas sûr du tout qu'elle soit gay, enfin qu'elle soit Gwyn, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ben ça après quand on l'est depuis longtemps, on sait vraiment. On a le guédard, comme on l'appelle voilà, ça, non? C'est ça, c'est exactement ça. Après voilà, t'as des meufs hétéros qui veulent essayer et moi ça m'est arrivé une fois et au final je suis restée 2 ans et demi avec la nana quoi. Ah ouais, Gabriel, t'as cassé avec Laura? Tu l'as prise. Alors c'est pas grave, c'est pour rendre service, Gabriel, c'est pour aider oui. La nation. Oh là là. Oui. J'en parle ma copine alors. Eh ben, faites un truc à trois. Bah, on l'appelle. On fait un truc à trois et puis nous, on vient filmer. Ah ouais, oui, moi je veux bien. Non, mais on assurera la technique, la lumière, le son, etc. Exact, on fera un débrief après. Ouais, on fera un débrief pour voir ce qui était. Non, mais attends. C'est le travail. Hein. Attends, Gabriel. Nous, on est des professionnels. Hein, on n'est pas des porcs. Hein. On n'est pas des cochons. Oui. Tu nous fais confiance, Gabriel. D'ailleurs, il y a marqué confiance sur mon crâne. Oui, même sur mon front, il y a marqué trust me. Oui. Ah bon, monsieur Toff, il y a marqué fuck me, mais ça marche moins bien évidemment. Enfin bon. Bon, attends, on va quand même prendre l'avis d'Anthony qui est avec nous, là, 20 ans de Charleroi. Salut Anthony. Salut Mickaël. Ça va? Ça va et toi? Bah très bien. Tu voulais réagir toi par rapport à Laura? Oui. Oui, alors très bien Anthony, bon, t'écoute. Bah moi je dis qu'elle ne doit pas avoir peur, que si elle veut vraiment tester avec une fille, bah, qu'elle y aille franchement. Oui, effectivement, Anthony, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur, mais c'est facile à dire. C'est comme un mec qui ou une meuf, hein, tu vois, bon, plus l'exemple du mec, qui est timide, il a vu une meuf, il la kiffe, il ose pas y aller, il a peur. On a beau dire, bah oui, mais vas-y, tu risques quoi? Qu'elle te dise non? Bah oui, effectivement, mais c'est compliqué à faire. Et bien sûr. Parce que t'es timide, parce que tu te dis si je rate, si je passe pour un con, si elle se fout de moi. Ou au contraire, parfois il y en a qui ont peur si ça marche et que j'arrive pas à être à la hauteur. Enfin bref, c'est super compliqué. Mais effectivement, dans l'absolu, bah oui, vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'as à perdre? Rien. Allô? Oui. Tout le monde est parti. Ah, d'accord. Donc oui, effectivement, bah voilà, Laura, il y a un moment, faut que tu fonces, hein, Laura, là. On va pas le faire pour toi. Je voudrais bien essayer. Si, bien. Tu veux, si tu veux, tu trouves la meuf, je la teste et puis je te la file. Bah ouais, super. Ah ouais, non, je passerai derrière toi. Hein. Cependant. Non, mais je serai en tant que Gwyn. Hein. Oui, voilà, ils se déguiseront en fille, tout ça. Serai Gwyn. Exactement. Ah, Travelon. Pas Travelon. Attention, Gwyn. Évidemment, il y a une différence. Non, cependant, si vous êtes une fille et que vous avez envie éventuellement de rencontrer Laura qui est à Bar-le-Duc ou dans la région, pourquoi pas, on peut faire les entremetteurs. Non mais oui, bah écoute, si t'arrives pas à le faire, faut bien trouver une fille qui serait éventuellement intéressée par toi et que tu puisses éventuellement aller à sa rencontre ou elle au contraire venir à ta rencontre. En plus, vous avez publié mon selfie. En plus, bah voilà. Ah bon, attends, mais voilà quoi, il y a eu des rageux. Bon. Oui, mais en même temps, ça veut dire que t'es mignonne. Il est parmi d'autres. Ouais, bah il y a surtout les meufs qui ont craché. Hein. Ah bon? Ouais, mais si t'es mignonne. Oui, mais si t'es mignonne et qu'il y a des meufs jalouses, évidemment. De toute façon, vous emmerdez pas. Hein. Quoi qu'on publie sur le Facebook, si on met vos photos par exemple, de toute façon, il y aura des rageurs. Hé, t'es la petite brune avec des lunettes? Non. Pour moi, vous avez marqué que de provocation, Laura, j'espère que ton mec ne regarde pas. Ah, toi, tu te souviens de laquelle photo? Oui, je vois très bien laquelle c'est. Elle est bien ou elle est pas bien? Elle est mignonne, elle est comment? Elle est dans les 200 ou 300 premières, parce que c'était à l'époque. Je crois qu'elle dit, elle est dans les 200 ou 300 premières plus mignonne. Je me dis, putain. Non, dans les... Parce que, À l'époque, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, donc je mettais un petit commentaire à chaque photo. Après, j'ai arrêté. Ah oui, après, c'était compliqué, ouais. Bon, alors, pour les filles qui sont intéressées, encore une fois, ce n'est vraiment que pour les filles, hein. Toi, va donc te vendre. Bien sûr. Alors, combien mesures-tu, Laura? 1m67. Combien pèses-tu? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Oui, la taille de l'important que tu as acheté? 40. Oui. Ouais. Et alors, donc, merde. Attends, parce que j'ai perdu le casque bonne. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Bonne. Oui, donc, Toff? Non, j'allais dire, en fait, pour savoir qui c'est, sa photo est prise de haut. Ah d'accord, ok, comme ça vous pouvez la retrouver. Bon, écoutez, si vous êtes intéressé, elle est à Bar-le-Duc, vous nous appelez 01 42 48 5000 et puis bah on vous passe à l'antenne, il n'y a pas de problème. Bah donc du coup Laura, reste un petit peu avec nous. C'est que d'accord. Les filles qui sont intéressées, hein. Les mecs c'est pas la peine. Voilà, donc comme ça vous savez. Gabriel et Anthony, merci d'avoir appelé. Merci, ciao. Salut Gabriel, oui Anthony, tu voulais passer un message? Oui, c'est juste pour t'inscrire à Laura. Ouais, bah vas-y, la profites-en. Laura, si tu veux rencontrer des filles, tu peux sur Gaypax. C'est un site de gay lesbi. Tu sur quel site? Gaypax. Gaypax. Gaypax. D'accord, bon, pourquoi pas, je connaissais pas, okay. Mais je me coucherai moins con ce soir. Bah merci Anthony. De rien, merci de m'avoir rencontré. Ah bah avec plaisir. Salut à toi Anthony, à bientôt. Reste avec nous Laura, ne bouge pas de là. On va récupérer Yanis qui voulait nous parler d'à quel artiste il voudrait ressembler. Andrea et Mélanie qui voulaient parler fringues par rapport à Philippe. Et puis on récupérera dans quelques minutes Michel pour gagner le casque Zik Parrot qui vaut 350€. Rencard sur le Facebook de l'émission si vous voulez tenter votre chance. facebook.com/MIKAELOfficiel. Allez, restez là, je vous l'avais promis. Major Lazer, ça va arriver sur Fun Radio avec Shana Paul. Ce sera Come to Me sur Fun Radio. Écoutez, ça va être de la tuerie. Je vous cale ça juste après la pub dans 30 secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio et on va reprendre Michel là en speed. Michel, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Très bien, allez, répète encore un petit coup la colle là pour repartir avec le casque Zik Parod d'une valeur de 350€. Bon, alors, je suis entre N et P. Ouais. Qui suis-je? Je suis entre N et P. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh ben allez-y. Envoyez Mickaël suivi de votre réponse au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission. Dernière ligne droite, dans un quart d'heure maintenant, on appelle le gagnant ou la gagnante éventuelle. Si la réponse est bonne, eh bien il ou elle repart avec le casque Zik Parod. Si elle ne l'est pas, c'est toi Michel qui repart avec le casque, d'accord? Ah, ça c'est cool. Eh ben, je te le confirme. Bon, ben, reste avec nous, Michel. Ne bouge pas de là. Je rappelle que le casque Zik Parod, ça vaut 350€. Il est hyper technologie puisqu'il est Bluetooth. Vous pouvez le piloter avec votre smartphone, changer le son, l'égaliseur, tout le bordel. Vous pouvez même aussi, enfin, c'est un noise cancelling. Donc, en fait, il enlève le bruit désagréable autour de vous. Si vous êtes dans un avion, un train, n'importe quoi, c'est quand même plutôt cool. Et en plus de ça, il est tactile. C'est-à-dire que vous pouvez changer de musique, mettre le son plus fort, mettre pause, décrocher les appels, juste en caressant le côté droit du casque, ce qui est quand même plutôt pas mal. Allez voir, il est sur le Facebook, facebook.com/mickaël officiel. Allez, je vous l'ai promis, 22h14, il y a Major Lazer maintenant avec Shanna Paul qu'on va écouter sur Fun Radio avec Come To Me. On récupère Yanis pour parler des artistes, on va également récupérer Andrea et Mélanie pour parler des fringues puisque je vous demandais quelle fringue est-ce que vous kiffiez chez un garçon ou une fille. On en parle après ça sur Fun Radio. Et on est là en direct évidemment, il est 22h17 sur Fun. Il y a Sabrina qui dit: ah oui, la question, est-ce que à qui vous voudriez ressembler si si vous pouviez vous faire opérer physiquement évidemment, hein, opération chirurgicale, on appelle ça esthétique, voilà. Ouais. Il y a une meuf qui s'est faite opérer pour ressembler à Jennifer Lawrence dans Hunger Games. Elle a claqué 25 000$ pour lui ressembler. Résultat, elle ne lui ressemble pas du tout. Et donc, je voulais vous demander à qui est-ce que vous voudriez ressembler. Il y a Sabrina sur le Twitter. Moi, ce serait Victoria Beckham, juste pour avoir David. Ah bah d'accord. Ah oui, c'est pas mal. Brian qui dit: moi, je ressemblerai à Cristiano Ronaldo pour avoir le compte en banque, alors à mon avis aussi. Hein. Elio, quoi que sa meuf, hein. Sa meuf, ses voitures. En fait, non, bah, il est bien lui. Hein. Ouais, non, il sait. Parce qu'il est quand même bien foutu. Il a quand même une putain de baraque, voire plusieurs. Il a je ne sais combien de voitures. Il a une meuf. Comment t'expliquer que. Hein. Ouais. Violent, non, non, c'est. Non, il est bien. Il a contre la chance. Ouais, il est plutôt pas mal. Et Elise également. Et en plus, il est portugais, ce qui me gâche. Oh là là. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Ah oui. Voilà. Il y a Elise également qui dit: moi aussi, j'aurais voulu trop ressembler à Jennifer Lawrence. Je suis fan, mais bon, pas avec le même chirurgien. Ah oui, ça, il vaut mieux éviter. Elliot, je voudrais ressembler à Tom Cruise. Et Toff, il voudrait ressembler à Gilles Boulot. Nicolas également, moi, ce serait Will Smith. Steph qui voudrait ressembler à Jennifer Aniston. Jeanne-Françoise qui dit: moi, c'est une actrice à qui je voudrais ressembler éventuellement. C'est Kate. Ça, c'est quoi? Katie Lutz, c'est Sarah Lenz, Black Canary dans Arrow. Elle a un corps de ouf. Ah, je connais pas, tiens. Tu vas aller voir, Taf, à quoi ça ressemble? Bien bon, sûr. Sauf si tu connais Katie Lutz avec C-A-I-T-Y, espace L-O-T-Z. Katie Lutz, voilà. On va aller voir. Faites voir. Ah bah vas-y, dis-moi. Ah oui. Ah bon, bah montre. Ah bon, oui, bah, oui. Allez voir, hein, vous, si vous voulez aller voir, là. Bon, bah ah montre. Oui. Bah une seconde. Et bah tourne l'écran, oh là. Là, là, là. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah bah ouais. Y a pas que le corps. Attends, elle est bien, t'es sérieux? Ah, ouais. Oui, oui, oui. Mais elle joue dans quelle série, elle? Elle joue dans Arrow. Ah voilà. Oui. Moi c'est Scarlett Johansson pour Tatiana. Et Mike qui dit Jason Statham ou Vin Diesel. Et Hugo Rio qui dit: moi je ressemble à un con, youpi. Je suis le frère de Toff. Ah bah peut-être c'est la même famille. Moi Paul Walker, c'est AXA qui m'a envoyé le message. Bah là tu peux y aller, de la place, hein. Ophé qui dit à Marilyn Monroe à ses 18 ans. La petite fée qui dit: Toff, gomme ton visage. Oui, complètement, oui. Je pense je vais m'effacer. Et c'est mieux. Et alors un petit dernier, Dimitri sur le Facebook: moi je voudrais être Leonardo DiCaprio, comme ça j'aurai plein de meufs à mes pieds. Ouais, c'est vrai. C'est le côté pratique, en effet, je suis plutôt d'accord. On va parler des fringues maintenant avec Mélanie et avec Philippe également pour finir. Hein. Philippe qui a toujours sa radio à fond de balle. Ouais. Ouais, et ben voilà, Philippe nous a appelé de Nanterre parce qu'il kiffait les filles en leggings. Voilà, exactement. Très bien. Bon, et il y a également Mélanie qui est avec nous, 27 ans, de Bar-le-Duc également. Tiens, Mélanie, ça va? Ça va? Oui, ça va. Bon, t'es pas lesbienne, Mélanie? Non, du tout, mais c'est ma voisine Laura. Ah, c'est ta voisine, d'accord, ok, oui. Très bien. Bon, dommage, parce que là, à Bar-le-Duc, si on avait pu trouver une meuf directement dans le même village, putain, ça aurait été... enfin, dans la même ville, on aurait quand même été plutôt pas mal. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on cherche encore. Bon, Mélanie, alors toi, tu voulais réagir à Philippe, toi, au niveau des vêtements, qu'est-ce que tu kiffes le plus au niveau fringues, bien sûr, chez un mec? Jean et un beau haut, une veste simple. Pas trop racaille parce que ça le fait. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que t'appelles racaille ? Ça veut rien dire. Oui. En jogging. Bah, il y a plein de mecs en jogging. Non, bah attends, non. Ça veut rien dire. Tous les footballeurs sont des racailles. Parce que je te rappelle que la majorité des footballeurs sont. C'est exactement quand tu viens de l'expliquer, hein. Oui, mais les joueurs, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Parce que moi, c'est pas les mêmes. Moi, je veux bien être une racaille au foot, hein. C'est ça. Ah, non, j'aime pas trop. Non mais après c'est ton avis, cela dit, hein. C'est juste voilà. Le mot racaille qui veut pas dire grand chose en absolu. Oui voilà, ça fait plus, c'est mieux. D'accord, ça et donc plus c'est mieux. Ça fait plus c'est mieux, d'accord. Est-ce que tu as déjà vu esthétiquement tough, enfin physiquement plutôt. Comment? Est-ce que tu as vu physiquement tough, est-ce que c'est plutôt ça que tu préfères? Non. Ah. Non, tu ne l'as pas vu ou non, ce n'est pas ce que tu préfères? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu. Mais va voir mieux, dans la vidéo. Non, restons dans les rêves. Ah, d'accord. Restons dans l'imagination, c'est bien mieux pour tout le monde. Voilà, oui, c'est vrai. Non, cela dit, t'as vu la vidéo qu'on a postée là il y a une petite heure? Non, j'ai pas vu. Ah, bah, il faut aller la voir. Là, donc je vais aller. Bon, je vais aller. Va la voir, on l'a mise. C'est Adèle, un auditeur qui nous avait. Adèle, l'auditeur qui nous avait posé cette question-là. Je vous la remets là maintenant, tiens, pour ceux qui n'étaient pas là. Allô? Comment ça va, les gars? En pleine forme? Ouais, très bien. Bon, alors Adèle, toi, tu apparemment, en trois mots, tu peux nous expliquer comment faire pour draguer non, à tout. Pas en trois mots. J'appelais ça les trois questions d'or. Allez, trois questions, fait, d'accord. Voilà. Je repérais une femme célibataire. J'allais lui poser déjà la première question, même si je m'en doutais, je lui demandais est-ce qu'elle était célibataire. Mm-hmm. Elle me disait ouais. Après, la deuxième question, je lui demandais comment elle me trouvait physiquement. Et la troisième question, je lui demandais est-ce qu'elle aime les mecs imprévisibles. Ouais. Et elle me disait oui. Bah, je l'embrassais directement et emballé, c'est pesé. Et ben voilà, emballé, c'est pesé. Il est direct, lui. Bah, du coup, on a essayé et on a pesé, hein. Mais oui. On n'a pas emballé, hein. Ça, c'est. Ah oui, bah, Toff, il a emballé et pesé, lui, mais c'est pas pareil. Oui. Bon, allez voir la vidéo, je me suis quand même pris 5 vents. Ouais, c'était pas mal, non, 5 essais, 5 échecs. Toff a fait un essai, une réussite. Oui, c'est vrai. Bon, après, il faut voir le modèle. Hein, mais... Oui, mais je me suis donné des chances. Ouais, je me suis donné des chances de réussir. Ah, oui, j'ai bien choisi. Ah, oui, ça, c'est sûr. Donc, allez voir et vous allez voir que sans payer d'acteur ou d'actrice, eh ben, c'est plus compliqué. Enfin, oui. C'est même quasiment pas jouable. Hein. Non, contrairement à d'autres vidéos où il y en a plein qui ont essayé le truc aussi. Mais bon, forcément, en mettant des acteurs ou des actrices, ça marche évidemment comme on veut. Hein. C'est ça. C'est plus simple, quoi. C'est beaucoup plus facile. Donc, allez voir facebook.com/MIKL officiel. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur la chaîne YouTube de l'émission, eh ben, allez-y également. Tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Là. On compte sur vous, évidemment, pour partager toutes les vidéos. Bon, eh ben, je te remercie de passer, Mélanie. Tu reviens quand tu veux. Mais pas de soucis. Je te fais des bisous, Mela, à bientôt. Merci. Ciao à toi. Andrea également qui est avec nous de Nice là. Salut Nice. Salut Andrea. Salut. Comment ça va ? Bien et toi ? Bon, oui, ça va très bien. Alors, toi, dis-moi, Andrea, est-ce que t'as vu la vidéo là qu'on a postée ? Non. Ben, il faut aller la voir, Andrea là. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Hop là. Ouais. Allez. Est-ce que tu mérites ? Tu n'as pas internet ? Non, j'ai des problèmes d'internet. Ah, d'accord, okay. Oui, alors c'est excusable. T'iras la prochaine fois, Andrea. Bon, Andrea, toi tu voulais donner ton avis par rapport aux fringues. Oui. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu préfères chez un mec? J'aime bien quand il met les vestes en jean. Oh putain, Polo, ça y est, il commence à s'exciter là. Il adore les vestes en jean. Pas du tout. Non. Oh. Non. Et alors, donc les vestes en jean? Et un jogging bien moulant en bas. Ah, oh, quelle horreur. Alors une veste en jean et un jogging en bas, Avec et puis je sais ce qui t'excite pour la petite cerise sur le gâteau, c'est des petites sandalettes avec des chaussettes comme les Allemands. Non, oh, t'aimes ça les sandalettes, non. Hein. Oh. Mais quelle horreur. Mais c'est clair. Mais le survêt, c'est pas possible. Oh mais si. Oh mais non. Ah non, moi je suis. Ah j'aime pas. Mais c'est ton avis après, hein, Andrea. Nous on juge pas, hein. Enfin si, là on a jugé, mais je veux dire. Non mais je veux dire, après, ce sont nos avis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Chacun son avis. Voilà. Je vais y arriver à me sortir de ce bordel là. Bon bah très bien, bah merci d'avoir appelé en tout cas, Andrea. Ah, je peux passer une dédicace? Oui, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Kiki, Mimi, Leila, Marie. Non, Andrea, tu vois, t'abuses, on te donne un petit peu, et t'essayes de passer au travers, Andrea, c'est pas bien? Tu peux mettre Chucky, Mayday, Skydive. De quoi, Andrea? Chucky, fait Mayday, Skydive. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Chucky et Mayday, Skydive. Ah, Mayday, comme au secours. Ouais, hein? T'as Mayday, un problème? Mayday. Tu veux qu'on t'aide? Oui, on va le mettre tout à l'heure, mais la prochaine fois, t'essayes pas de m'enfumer, hein. Ouais, moi je trouve qu'elle mérite pas trop. Hein, enfin, Andrea? Bon, on va essayer de te le mettre ce soir, avant la fin de l'émission, le Chucky avec Skydive. Salut, Andrea. Salut. Ciao à toi, à bientôt, bye bye. Allez hop, c'est parti, on continue maintenant sur Fun Radio. Avec Philippe, du coup merci à toi aussi d'avoir appelé. Je sais pas si t'as encore un truc à ajouter. Ouais ouais, je suis toujours là et je peux faire une dédicace moi aussi. Mais t'inquiète, je m'occupe pas. Et bah vas-y, toi t'es pas un enfumeur, toi ça va. Vas-y, ouais. Vas-y, je t'écoute. Moi je fais une dédicace à celle qui m'excite le plus, Sonia. Et à Louchette, à Roca, à Tello. T'as vu, t'essayes pas de m'enfumer, Philippe. Hein Philippe, t'essayes pas de m'enfumer, tu crois que c'est passé? Hein? Eh bah non, c'est pas passé. Salut Philippe. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et puis tu reviens quand tu veux, les autres aussi bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler. Dans quelques minutes, je vous cale le son de Martin Garrix. On l'avait promis tout à l'heure avec Proxy. Eh bah il va arriver. Le son de Proxy, c'est celui-là. Ah là, ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc restez bien là, je l'avais promis. Donc effectivement, il va arriver sur Fun Radio dans quelques instants. Allez, restez là, il y aura aussi le son de Jessie J tout à l'heure aussi. Ça aussi, c'est un bon son qui déchire bien, ça. En tout cas, j'aime bien, ça fait très funky. Il y aura les appels de Toff à suivre aussi dans quelques minutes. Il y a Julie, qui dit sur le Facebook, moi je ressemblerais bien à Eva Longoria. Voilà, il y a Hugo également, moi c'est plutôt Rocco Siffredi. Jennifer Eva Mendes, il y a Romain qui dit moi j'aimerais ressembler à Wentworth Miller. Hugo Rio, moi je l'ai vu, elle est énorme la vidéo. Ah oui, la vidéo dont on a parlé, où on a fait les tests là. Oui, elle est énorme. Enfin, ça dépend, parce que moi j'ai quand même eu la joue rouge. Enfin. Oui, t'as un peu souffert, non? Alors que avec les... Je suis sûr qu'avec les meufs de l'Aubette de Bus, il y avait peut-être moyen de gérer la seconde. Ouais. Enfin bon, après je sais pas, je dis ça, hein, on ne sait pas. C'est facile après de juger. Hein. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, sur le moment même. C'est comme au foot, quand on est là avec le ballon, même si on est seul face au gardien, bah oui. C'est facile de dire, il suffit de la mettre, mais parfois tu tires, ça passe à côté. Bon, c'est comme ça. Suffit de la mettre. Voilà. Il y a Maxou qui dit moi je ressemblerais bien à CR7, donc alias Cristiano Ronaldo. Stéphanie qui dit oui, Salma Hayek, j'ai déjà les origines, c'est déjà ça de prix. Et la petite fille, bah moi j'ai les mêmes origines que Cristiano Ronaldo, ça m'empêche pas de ne pas ressembler à Cristiano Ronaldo, Stéphanie. Donc le chemin peut être encore long. Et la petite fille qui dit moi j'aimerais bien que mon futur homme ressemble à Mickaël. Oh, merci la petite fée. Jason, mort de rire le style de Toff dans la vidéo. Évidemment, allez voir, donnez-nous vos avis du coup. Les appels de Toff, c'est dans quelques minutes. On va récupérer Yanis dans quelques minutes également. Bastien qui voulait réagir à quels artistes et auxquels il voudrait ressembler. Et puis on va également donner la réponse à la colle, Michel. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt. C'est dans quelques minutes le gagnant ou la gagnante de la colle, Michel. Hein. On fait ça juste après. Juste après le son de Martin Garrix, le son de DJ Cassidy, pardon, avec Calling All Earth, d'accord? D'accord. Tu restes là? Allez, les derniers donc, c'est sur le Facebook que ça se passe, il vous reste 2 minutes pour aller répondre à la colle et gagner votre casque Zik Parrots d'une valeur de 350€. Je vous l'offre dans 3 minutes 44, le temps d'écouter le son de DJ Cassidy sur Fun. Le son de DJ Cassidy sur Fun. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et toujours en direct, hein, vous balancez continuellement vos messages sur le Facebook de l'émission, tapez Mickaël officiel et rejoignez-moi également sur le Twitter, vous tapez Mickaël _, c'est le petit tir en bas, officiel pour m'ajouter. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. On va d'ailleurs faire un petit point top tweetos. Je rappelle que plus vous balancez vos messages avec le hashtag Mickaël, plus vous avez de chance eh bien, de terminer numéro 1, donc auditeur le plus influent qui a posté donc le plus de messages avec le hashtag Mickaël et qui repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, qui est donc le numéro 5 actuellement. Si on arrêtait le jeu là maintenant, qui serait numéro 5? Julien. Numéro 4 Saï. Numéro 3 Drakit. Numéro 2 Hugo Réau. Et numéro 1 Vive les sodomites, comme tous les dimanches en ce moment. Comme tous les dimanches, effectivement. On donnera les résultats, le résultat final à minuit. Donc vous avez encore 1h30 pour tout faire changer. Tout est encore possible, donc n'hésitez pas. Retour avec Laura, Yanis, Mickaël, Pauline et le gagnant de la colle avec Michel également. Mais avant cela, on fait d'abord les appels. Allons-y. Évidemment. On va parler de Cocu. Bah oui, c'est notre ami Cameron Diaz, hein, oui. Puisqu'on est dans les stars en ce moment, qui a fait une grande déclaration, qui a dit qu'en fait on était tous cocu, enfin soit on l'avait déjà été, soit on le serait, donc en gros on est tous cocu au moins une fois ou ouais. Deux. Et donc du coup, bah moi j'ai appelé les gens pour voir s'ils étaient au courant qu'ils étaient cocu. Évidemment, donc on les avait appelés et vous allez voir, c'était plutôt rapide. Allez, c'est parti, 22h33. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous saviez que vous étiez cocu, monsieur. Ouais, c'est ça, puis maman sur ta gueule, elle est cocu, connard. Voilà. Et juste au passage en direct live, il y a les Stéphanois qui viennent de mettre un deuxième but face à Lyon. Il reste 20. 5 minutes de jeu, je crois, 20-25 minutes, un truc comme ça. Donc tout est encore possible là aussi, cela dit. Allez hop, on rappelle. Allons-y. Allez, on y retourne. Eh, hey, tu vas fermer ta gueule, ouais. Bah, excusez-moi, monsieur, mais en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Cameron Diaz qui le dit, monsieur. Ouais, bah, viens devant chez moi, puis je te cartonne la gueule. Il va cartonner la gueule. Ouais. Toujours me violenter, toujours me faire du mal. Un homme très sympathique. Bah oui. Totalement sympathique. Aimable. Ah oui, Koubra qui dit, comment tu as pu te prendre autant de râteaux, je comprends pas, t'es plutôt beau mec, bizarre. Oui, bah Koubra, comme quoi tu vois finalement hein, que ça ne fait pas tout. Bon après j'étais un peu relou aussi, mais c'est normal. Mais oui. J'ai joué le jeu d'Adèle. Il m'a dit, oui. Il m'a mis au défi de poser les trois questions. En poser aux trois questions, c'était sûr que ça allait mal finir. C'est certain. C'est ça. Adèle, il se l'a ramené un petit peu, faut le dire quand même. Non, mais je pense que bourré en boîte, ça peut passer. Ouais, voilà, mais dans la rue, c'est plus compliqué. Tapez Mickaël officiel sur Facebook et YouTube hein, pour aller voir la vidéo. Il y a juste Lolo qui dit aussi, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore fait ce soir, tiens. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Ben voilà, juste Lolo. Je vous kiffe trop, vous êtes trop top l'équipe. Merci beaucoup. Et Toti Toti qui dit, moi j'aimerais ressembler à un string pour être collé aux fesses de toutes ces dames. Mmh. Ah oui, la bonne place. Allez, c'est parti pour le casque maintenant. Non, la colle les dents, on va donner la réponse avec Michel. T'es avec nous, Michel? Je suis là, oui. Bon, et j'ai dit de la connerie, il restait pas 25 minutes mais 15 minutes au Lyonnais pour remettre un deuxième but. Alors, ouais. Michel, 29 ans donc, qui a posé une colle. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante. Et celui ou celle qui aura donc balancé la bonne réponse par SMS ou sur le Facebook, on l'appelle maintenant. Si il ou elle donne la bonne réponse à l'antenne, il ou elle gagne, sinon c'est toi qui gagne, Michel. Je te souhaite évidemment bonne chance. Merci. Eh ben écoute, je t'en prie. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Mickaël, tu es sur Fun Radio. Je m'appelle David. Salut David, il y a Michel qui a une colle à te poser, vas-y Michel. Salut David, donc Michael. Oh, t'as vu, il est quand même gentil, il dit bonjour et tout alors que d'habitude rien à foutre. Bon allez, vas-y. Alors, Michel, vas-y. Alors David, je suis entre N, la N et P, donc la P, qui suis-je? La lettre O. Et pourquoi la lettre O? Parce que d'après ta colle, ça allait trop haut. Bah oui, en même temps, Michel, normal. Tu l'as dit au tout début. T'avais mal posé la question au début, Michel. Entre N et P, et P, t'avais dit P, toi. Ouais, bah la P. Ah bah oui, P, ben voilà. Eh oui, Michel, bah bravo à toi. Du coup, David, voilà, c'est ça. Bravo, David, le casque Zig Parrot, c'est pour toi. Bon, Michel, sans rancune. Non, sans rancune. De toute façon, on se verra au temple le 14 juin dans la boîte. Là, on va passer la journée avec vous à Épinal. Ouais, y a pas de soucis. Et Toff sera donc en string sur la scène. Et fera la danse du chou-fleur. Oui, l'artichaut que Polo va m'apprendre d'ici là. Hein. La danse de l'artichaut. Oui, la danse de l'artichaut. Et en échange de ça, apparemment, Toff reçoit une bouteille. Voilà. C'est quand même plutôt gentil. Bah, c'est plutôt sympa. C'est même plutôt aimable. Bon, ben merci David. Tu retournes au standard. On va prendre tes coordonnées. Salut à toi. Merci à vous. À bientôt. Ciao à toi. Michel, bah, tu voulais passer un message encore avant de finir? Oui, bah, je voulais passer un petit message. En fait, je voulais juste dire que Cindy, qui est barman au club Le Temple, ouais, elle kiffe trop Toff en fait. Quelle horreur. Mais vire-la. Mais enfin, il faut la virer là. Ah ouais. Cindy, envoie-moi un petit mail. toph@funradio.fr. Quelle horreur. Je m'occuperai de toi personnellement. Sinon, je voulais passer une petite dédicace à Amandine, ma belle-sœur, Vincent, mon beau-frère, DJ Kix qui est à l'écoute en ce moment. Et c'est toi, Michel, hein, parce qu'il faut pas abuser non plus. Ouais, tu t'installes un peu. Tu t'es un peu, sorti chez toi, là, Michel. Hein. Merci de femme, voilà. Bon, bah, très bien. Salut à toi, Michel, et puis à bientôt, alors. Et à bientôt, et pour un petit pas de fun, là, c'est possible ou pas? Oui, sans problème, je te repasse Sandro, là, no malaise. Merci. Salut Michel, ciao à toi. Et puis la colle, on la repose demain, évidemment, avec demain des téléphones portables à gagner, les Zarcos 45 Platinium. Si vous voulez d'ailleurs jouer, si vous voulez poser des colles, vous pouvez aussi, hein, proposez-les sur le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. Tout à l'heure, on jouera également, comme tous les dimanches soirs, au match d'impro. Si vous voulez là aussi jouer avec nous, eh bien, vous pouvez vous inscrire. On cherche un garçon et une fille, comme d'habitude. J'espère que vous serez meilleur que la semaine dernière, hein, parce que la semaine dernière n'avait pas été très très très bon. Vous appelez maintenant donc pour jouer, pour vous inscrire, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Yanis avec nous de Bordeaux également. Marche bien ce soir à Bordeaux là, les Bordelais sont au taquet. Alors que vous avez remarqué que les Lyonnais et les Stéphanois sont plus en stress avec le match de foot. Ouais, ils doivent donc être devant leur télé là. Ah ouais, en stress total là pour l'instant, les Stéphanois qui mènent 2-1 face aux Lyonnais, et il reste une petite 12 minutes de jeu là, grand maximum, voilà. Bon, alors Yanis, toi tu nous appelais par rapport aux artistes, c'est ça? Donc toi tu voudrais ressembler à qui toi? À Orelsan, sérieux. À Orelsan? Ouais. Il est laid. Moche. Bah, attends, c'est pas parce qu'il est moche, non, mais je veux dire, il me fait kiffer, genre... J'ai l'impression qu'il te fout de tout, tu vois. Non, on parle physique. Attends. Alors attends, effectivement, comme dit Polo, on parle physique. Hein, on parle pas de l'état. Enfin, tu vois, l'état d'esprit de la personne. C'est vraiment que la gueule, puisque c'était par rapport à la chirurgie esthétique. Donc tu vois, c'est physique. Ah et c'est vraiment uniquement physique. Physique, Me dis pas tof, hein. Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique, franchement. Merci, merci. Quelle horreur. Merci, Yacine. Je crois qu'il les paye. Oh, quelle horreur. Mais t'as été payé ou quoi, Yanis? Ouais, non, effectivement, ouais, tu travailles pour pas trop cher, toi, Yanis, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est bien. Bah, je fais avec ce que je peux. Hein. Bah oui, c'est clair. Bon, alors Yanis, du coup, tu ressembleras à qui physiquement? Un polo. Ah, oh, mais t'es gentil. Oh, allez, arrête ton cinéma. Allez, Will Smith. Ah, Will Smith. Ah, ouais. C'est mal, Will Smith. Ah, bon, on est loin d'Orelsan là pour le coup. Hein. Ouais, oula, il est parti dans un autre monde. Mais lui aussi est loin, a priori. Oui, toi aussi, tu es parti bien loin là. Hein, Yanis? Ouais. Ah ouais, ça a coupé un petit peu, c'est pas grave. Attends, il y a aussi Pauline avec nous, de Meurthe-et-Moselle à Cherserange, c'est ça Pauline? Cherserange, ah d'accord, il y a marqué Cherserange. Cherserange. Voilà. D'accord, ok, bon bah très bien, c'était pas marqué comme ça dans le standard, mais c'est pas grave. Alors, pas grave. Pauline, tu voudrais ressembler à qui toi physiquement? À Shakira. À Shakira, oui, t'as pas choisi le plus moche modèle, hein? Non. Ouais, mais pourquoi pour sortir avec le footballeur, avec Piqué? Non, je trouve qu'elle a des belles. Allô, ouais. Je trouve qu'elle a des belles courbes. Oui, ah oui, ça, elle a des très belles courbes. Hein. Très très belles courbes. Hein. Ah oui. J'aurais dit ça, mais. Ça se travaille, et, ça. De quoi, les courbes? Je suis un peu fan d'elle, donc voilà. D'accord, ok, très bien. Mais écoute, pourquoi pas. Hein. Moi, si je devais être une meuf et que je devais ressembler à une star, je choisirais qui, moi? Faut que je réfléchisse. Oui. J'aimais bien la pom-pom girls dans Heroes, la blonde là. Ah oui, elle s'appelle Panthier, là, Aiden Panthier. Ouais. Physiquement, elle était pas mal. Ouais, en plus, elle a l'air simple. Bon, après, peut-être que dans la vie, c'est pas le cas, mais en tout cas, quand tu la vois, elle a l'air naturelle et simple. J'aime bien. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle était cool. Ah ouais, Aiden Panthier, je peux te dire que c'était du lourd. Hein. Polo, tu ressemblerais à qui si tu Je veux pas ressembler à une meuf. Non, mais on sait jamais, une meuf n'importe laquelle, celle que tu trouves la plus bonne. En actrice ou en chanteuse. Attends, laisse-moi checker là, parce qu'il y en a beaucoup là. Bon, attends. Si je devais la blonde, merde, je sais plus comment elle s'appelle, qui joue dans House of Lies. Oh putain, il nous sort des trucs. Non mais si, mais j'aime bien. Attends, je vais te donner son nom. Elle sort le nom. Non mais si, elle jouait dans une autre série qui était super connue. Ryan Scanning Fangans. Non, le retour. Épisode 5. Le retour de la tête de con. Et hop là, le retour. Donc, alors t'as trouvé ou pas? Ouais, j'ai Kristen Bell et elle jouait dans. Bah montre, parce que là je vois pas. Kristen Bell, c'est qui ça, Kristen Bell? T'as pas des noms encore un peu plus inconnus? Elle est pas inconnue, mais c'est Véronica Mars. Voilà, ça. Ah, Véronica Mars. Ah, ouais, oui, ouais, ouais. Ouais, non, ouais. Bof. Non, elle est pas. Ouais, elle est mignonne. Non, elle est bien, mais elle est pas ouf. Polo, t'as trouvé ou pas? Non, je vais dire Jessica Alba, c'est vrai qu'elle est mignonne. Jessica Alba, elle est pas mal, c'est vrai. Bon, ben merci Yanis, merci Pauline d'être passée. Merci. Je peux faire une dédicace vite fait? Allez, vas-y Pauline, à une seule personne, choisis la bonne. Bah, en fait, voilà, il y a. Sur Facebook, je suis un jeune rappeur qui s'appelle CrocroYZ. Bah déjà tu vas lui dire changer son nom hein, parce qu'il y a un moment il arrivera nulle part quand on s'appelle CrocroYZ. Ah bah si justement parce qu'il sort il a sorti un album mais moi aussi hein, et il a besoin de soutien. Non mais d'accord, mais pourquoi il s'appelle CrocroYZ? Crocro c'est son. Ah Crocro en plus, encore pire. Voilà. Crocro, comme un crocodile. Voilà. D'accord, ok. Bon bah alors très bien, bah écoute, CrocroYZ. YZ, il faut aller voir son Facebook et puis s'abonner à sa chaîne YouTube. Et bah très bien, bah voilà, bah comme ça le message est passé, y'a pas de problème. Salut merci. Pauline. Merci, bonne soirée. Je te fais des bisous, salut Yanis également là, vous revenez évidemment quand vous voulez bien entendu. Bon, et bah restez sur Fun Radio hein, y'a Romain qui dit si je devais ressembler à Vin Diesel. Ah bah oui, balèze et tout. Un peu gros quand même. Ah oui. Non, t'es ouf, il est gros musclé, de muscle. Gros. Non mais il est balèze. Ouais mais regarde bien. Non, t'inquiète, il est pas gros, t'inquiète. Je pense. Hein. Y a Cassandra qui dit énorme la vidéo que vous avez faite là. Bah allez la voir hein, sur le Facebook et sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous également si c'est pas encore le cas. Vous tapez Mickaël officiel. Y a Salma également. Je suis une meuf mais respect quand même. Selena Gomez, c'est la plus jolie. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est pas celle que je préfère, ouais, mais elle n'est pas mal. Bon, allez, restez sur Fun Radio. Je l'avais promis, Martin Garrix, c'est le son de Fun qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio à la demande de Clément. Si mes souvenirs sont bons en début d'émission, on va se mettre ça dans quelques minutes sur Fun et on revient également avec une heure sans pub. Juste après ça, on revient dans 30 secondes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Et évidemment, on est en direct avec Hugo qui dit: moi je voudrais ressembler à ma bite comme Toff parce qu'il a une tête de bite. C'est pas mal. Problème, Hugo, c'est bien vu, Hugo Rio, c'est bien vu. Mais Gomi aussi, moi j'aimerais ressembler à Kelly Cuoco et Mickaël. Tu dois aimer cette fille, je pense. Ah ouais, elle est Cuoco, super méga bonne. Attends, je bah te vas-y, la mets. Montre. Alors, Kylie, donc c'est écrit K-A-L-E-Y et puis après Cuoco mais avec un U. Cuoco, Cuoco, ouais. Cuoco, voilà, ça a l'air ça. D'être de d'Hawaï. Ben ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu là. Montre, ah bah plus grand parce que je vois mal là. Ouh. Ah, oh là là, elle est méga bonne. Il y a une photo où elle est en mode Superman. Non, ouais. Wow. Oh, mais c'est peint sur son corps. Ouais. Ah non, mais Oh là là là là là là là là. Oh, quelle folie. Oh, les mecs avec la langue jusque par terre, c'est les enculés qui ont faim là. Oh, ce bebon. Oh là là, là, là, ben les Gumi, je connais. Oh là là. Oh, je la démonte. Mes Gumi. Non non non, laisse tomber. Pardon, mes Gumi, c'est la mienne. Si vous n'avez pas été voir encore, n'hésitez pas. Kelly Cuoco, classe. Mais Gumi, ouais, merci beaucoup, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, l'actrice, elle est chanteuse, elle est... Oh là, elle est mannequin, elle est quoi? Attends, je te dis ça dans deux secondes. J'ai trouvé une petite photo en leggings là aussi. Où elle est, oh là là, qui non, non, non, ça c'est du kiff, regarde ça, le t-shirt là. Oh putain, le t-shirt, ouais, voilà. C'est exactement ça que j'aime bien. Un petit haut noir avec un petit short bleu, jeans, quoi, jeans tout court. Ah ouais, putain, non, mais elle est pas réelle, cette meuf. Sur toutes les photos, elle est bonne. Dans The Big Bang Theory pour le moment. Ah, c'est elle! Bah Big croire. Bang Theory, ouais, ouais, c'est la blonde, la voisine! C'est Penny! Dans ah, c'est Penny! Oh putain! Ah non, mais je l'avais vu dans Big Bang Theory, mais elle a un petit peu vieilli, mais ça lui va bien! Hein. Sinon, elle a joué dans Prison Break, elle a joué dans Charm. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais! Ah bah ouais, Big Bang Theory, déjà que je la trouvais mignonne, mais là maintenant, en mode sexy, c'est-à-dire que c'est encore au-delà de toute espérance! Ah bah écoute! Oh putain, quelle violence! Oh. Oh là là là là là là. Bon, allez voir, hein, c'est. Bah merci Megumi, hein. Je connaissais, mais je ne savais pas qu'elle avait aussi bien vieilli. Qu'elle avait autant de charme. Ah bah dis donc, comment te dire. C'est-à-dire que même habillée comme un sac là, avec sa casquette rose et habillée comme un sac, elle est bien. Elle a mis un t-shirt. Tu vois, elle est même pas bonne, elle est jolie. Ouais, ouais, tu vois, non, le mieux c'est Superman là. C'est Superman peint sur le corps. Waouh. Bon, allez voir, hein, sur Google. Oh putain. Oh, quel scandale. Bon, allez, Maxence qui est arrivé. J'aimerais ressembler à Toff. Non, je déconne, il est trop moche. Ah. Hugo qui dit, moi, je voudrais ressembler à... Ah oui, ma bite, oui, voilà. Il y a Yann également. Moi, c'est à Steven Stigal ou à Stromae. À Stromae, Yann. Il est un peu chum, quand même, le Est-ce mec. Est-ce que t'es sérieux? Elliot qui dit, ça doit être horrible, Toff en string. Béatrice qui dit, je kiffe les jeans qui mettent le cul des mecs en valeur. Encore faut-il avoir quelque chose à mettre en valeur. Ça, il faut avoir un cul, hein. Bah ouais. Moi, je pourrais pas, par exemple. Par exemple, Dever45 qui dit, Mickaël, je suis allé voir la vidéo. Trop une barre, comment tu t'es fait, grave recalé par les meufs, mais d'une violence improbable, mais bien essayé. Ouais. Mais comme je dis, je suis sûr que, différemment ou je sais pas ouais peut-être différemment j'aurais peut-être pu gérer quelque chose avec la deuxième de l'arrêt de bus peut-être mais il aurait fallu commencer par elle peut-être ouais je sais pas je crois que c'est comme c'était la dernière je crois que j'avais trop la confiance ouais c'est ça et quand on a trop la confiance bah ouais, regardez comment ça finit hein. Donc allez voir on avait testé les trois questions d'Adèle le défi d'Adèle un auditeur qui nous avait dit ouais bon en trois questions moi j'arrive à mettre une meuf dans mon lit enfin en tout cas à emballer une fille on s'est dit mais n'importe quoi donc on l'a quand même testé et effectivement bah vous allez voir que moi j'ai fait 5 essais 5 échecs et Toff a fait un essai une réussite oui c'est vrai mais je suis donné les chances de réussir tu vois c'est absolument logique ça ne peut pas marcher car elles ne sont pas en sécurité c'est vrai elles sont pas dans un environnement de sécurité c'est... donc ça ne peut pas marcher tout à fait et c'est là que vous voyez que quand on ne paye pas les filles pour faire acteur ou actrice et ben ça ne marche pas en fait tout c'est bizarre quand même ah hein. Bah oui c'est étonnant hein. c'est bizarre Marilyn qui dit j'ai trop rigolé si vous voulez on peut vous refaire la même en payant les en prenant des acteurs et des actrices. Ouais, et c'est forcément vous allez voir que ça marche totalement différemment là. Ouais. Non, mais oui. C'est-à-dire que même moi, je peux emballer 20 meufs. Ah, bah attends, mais évidemment. Moi, il y en a 25 qui me courent après dans ce mais grave. Si vous voulez, on peut payer aussi, comme les autres, comme d'autres animateurs, payer des meufs devant la radio pour m'acclamer. Oh, Mickaël, je t'aime. Et ça marche, hein. Oui, c'est le concept. Après, il faut les payer, quoi. Ouais, c'est voilà, c'est ça. On pourrait aussi payer plein de gens pour. Plein de gens de partout sur la Terre pour avoir des milliards de likes sur Facebook. Oui, aussi, on pourrait. Et là ça. Aussi, ça marche. Oui. Et là aussi, ça marche. Bon, enfin bon, après, on peut faire plein de trucs avec de l'oseille, quoi. Oui, ouais. C'est ça. En grosso gros, modo, c'est ça, ouais. Il faut juste de l'argent, quoi. Voilà. Et il y a Alexis qui dit aussi, c'est quoi le nom de la meuf trop bonne? Alors, c'est. Je le dis pas. Oh, bah non. Ah, bah si, je garde pour moi. Attends, t'es sérieux, Alexis, là, t'as qu'à écouter, hein. Non, c'est quoi les Cuoco? Q. Non, C-U-O-C. Enfin, comme du coco, mais avec un U entre le C et le C. Et le O. Voilà. Enfin, Cuoco. Non, C-U-O. C-O. C-O. Voilà, c'est C-O, ça. C-O. Voilà, mais tu touches avec les yeux, Alexis, hein, sinon je vais sévir. Marilyn qui dit trop rigolé, trop direct, Mickaël, ça marche pas comme ça. Pourtant, t'es beau gosse. Merci, Marilyn. Mais en même temps, attends, c'est pas comme ça que je ne drague pas, parce que je ne sais pas faire la preuve. C'est surtout qu'on a testé les questions d'Adèle. Il nous a dit en trois questions, ça marche. J'ai essayé avec ces trois questions. Ça n'a pas marché. Non. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas comme ça que je fais d'habitude, hein, voilà. Mickaël Apéro qui dit trop fort la vidéo, tu m'as fait délirer, Mickaël, t'es un tueur. Bah, merci. C'est surtout ma joue qui a été tuée, là, pour le coup. Donc, allez voir, tapez Mickaël officiel sur le Facebook et sur la chaîne YouTube de l'émission. Sina qui dit salut Mickaël, un petit message de bienvenue pour un doux. Bah oui. Français de merde. Non, non, c'est un doux, c'est un doux. Non, pour un doux, je vais mettre ça. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà. Il y a Damien également, un peu logique pour les filles de la un peu naïf de se rabattre sur la deuxième en pensant qu'elle va bien vouloir. Oui, c'est pour la vanne, Damien, je me doutais bien que j'allais me prendre une tôle. Quoique, parfois on dit plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Oui, c'est vrai, mais là c'est pas passé. C'est ce que me disent toutes les filles. Ouais, et c'est vrai. Il y a Hugo également, un autre, pas Hugo Réo, qui dit moi je voudrais ressembler à Rocco Siffredi. Et Gabriel, mort de rire, le canular, je suis mort de rire. C'était le canular qu'on avait diffusé tout à l'heure il y a une petite heure là maintenant. Hein. Allez, vos messages en direct qui arrivent également. Et on va également prendre Mickaël avec nous là de Bretigny dans l'Essonne. Salut Mika. Salut, comment ça va? Ça va bien et vous? Eh ben ça va plutôt pas mal. Tiens Mickaël, ouais. Est-ce que t'as des problèmes de rondeur? Non, ça va. T'es plutôt mince, plutôt sec? Bon, plutôt athlétique, hein. Ah, quand même. Ah oui, c'est plutôt athlétique, hein. C'est bien. Ouais, je suis beau gosse, ouais. Comme Toff, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis l'athlète même. Exactement. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, s'il fallait se représenter un athlète, c'est moi. Exactement. C'est d'ailleurs, il fera les prochains Jeux Olympiques. Mais oui. Voilà. Paralympique. Oui, paralympique, bien sûr. Non, dis donc, je voulais poser la question parce que, bon, vous savez, l'été revient. Ouais. Je me suis moi-même fait baiser par une glace tout à l'heure. Ah, pas de chance. Quoi? Tu dis, je me suis fait baiser. Mais non, je me suis fait baiser par une glace. C'est-à-dire que j'étais à la station service et puis je voyais ce frigo qui m'appelait. Ah oui. Et qui me disait, oh, ça fait des mois que t'es pas venu me voir. Je dis, bon, allez, j'ai fait plaisir. Viens, j'y suis allé. Un petit signe, et puis en plus, tu vois, c'est là que j'aurais pu m'arrêter tout. Parce que je voyais des McDom, je voyais des petits cornetto, etc. Mais non, il a fallu que je prenne, certes, le cornetto, mais le méga. Tu vois, ah le bah truc, oui, normal. Ça déborde partout, etc. C'est la folie. Donc, du coup, je l'ai acheté et c'est là que je me suis dit, putain, il va falloir faire un truc quand même parce que, bon, l'hiver est fini. C'est vrai qu'on s'est quand même un peu engraissé en hiver. Ouais. Hein. On a toujours eu le froid alors qu'il a pas fait froid, donc on s'est engraissé pour rien. C'est ça, mais il faut se tenir au chaud l'hiver. Bah oui, mais là, il a pas fait froid. Et donc, du coup, eh bah forcément, le retour des régimes. Voilà, le retour des régimes pour de nouveau être beau ou belle grand, cet été. Beau, fort. Ouais. Et je suis du coup tombé sur quelques conseils pour avoir un ventre plat. Rapidement. Oh. Et ouais, un ventre plat rapidement. Et comme on donne pas des conseils sans vérifier, on va les suivre pour vous pour voir si ça marche vraiment. Donc on va faire ça pendant 15 jours. On est trop gras. Ben justement, raison de plus. Quand t'es trop maigre, ça tu perds pas. Ouais. Alors que quand t'es un peu gras, c'est facile. Enfin, c'est plus facile de perdre. Tu vois. Donc on va tester. Donc ouais. Toi, tu vas pas tester avec nous, Mickaël, puisque t'as pas de poids à perdre, hein, comme ça c'est arrangé. Non. On cherche du gras là, on veut des gras. On veut des gros. Voilà, on cherche du gras. Hop, les gros, venez par ici là. Parce que il y a plusieurs conseils. Enfin, c'est toujours le même conseil, hein, pour perdre du poids. Enfin, c'est pas du poids, c'est du tour de taille. De perdre du ventre rapidement, il faut boire de l'eau chaude avec du citron. Oh mon Dieu, quelle horreur. Attends. Pour éliminer ça. C'est une tasse d'eau citronnée le matin. Le matin, ça réveille votre système digestif. Ah bah, je m'étonne. C'est-à-dire que le mec, c'est comme si on une pêche dans la gueule, quoi. Mais par contre, faut qu'elle soit tiède. Tiède, voilà, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas le goût, bah, buvez du thé vert au citron, ça marche aussi. C'est déjà plus facile à boire. Zappez tous les produits laitiers. Tous. Bah, apparemment, il y en a qu'un. D'accord. Du coup, à cause du lait, tout ça, on se sent ballonné, etc. Mais c'est etc. ça. C'est ça, Polo, c'est ça, ballonné. Tous les matins, en fait, j'ai l'impression d'avoir un ballon dans le ventre. Non, non, c'est parce que tu bouffes à peu près 3 baguettes en mangeant. Non. Et c'est pour ça que t'es ballonné. C'est pas le parce matin. Que tu bois une pauvre tasse de lait, là. C'est le matin, au lever, je bois du lait. Non, oh là là. Bah, essaye, l'implosion dans son corps. Voilà. Donc, tu vas voir. Évitez le lait, évitez le fromage et les yaourts pendant quelques jours. Je dis pas que c'est des conseils pour le régime. Je dis juste que ça, apparemment, ça fonctionne. C'était un conseil qu'on a vu sur internet. Donc voilà. Prenez un encas tropical. Donc, bouffez les ananas, la papaye. Ça contient des enzymes, apparemment. Et ça fait dégonfler, ça décompose les protéines et ça facilite la digestion, apparemment. D'accord. Il faut manger lentement. Alors, ça, par contre, Polo et moi, on a du mal. Hein. Pas de manger de chewing-gum. Donc, évitez tout ça parce que ça fait gonfler. Ouais, bah, buvez plus d'eau, hein, ça aide à éliminer les toxines, etc. Alors de l'eau, hein, pas du coca, tout ça, etc. Oui, oui, de l'eau. Et voilà. pas d'eau pétillante. Ah non, voilà, pas de bulles, zappez les bulles. Prenez une collation riche en fibres. Voilà, donc ça aussi, apparemment c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi non à l'happy hour. Oh putain. Quoi, plus de cocktail, plus rien. Tu peux plus boire un petit mojito là, vers les 17-18 heures. Où va-t-on? Oh là, mais on va devenir moine. Bah, c'est ça. Oui aux asperges. Oh, quelle horreur. Oh là là, putain, déjà, tu manges quoi? Une asperge. Ah, c'est chaud, non, les asperges, c'est tendu quand même. Évidemment, zapper le dessert. Ah, ça me pose pas de problème, je déteste ça, les desserts. Ah, bah voilà. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Donc, on va essayer de suivre ces conneries-là. Oui. Et puis, on va voir, on vous tiendra au courant. Si vous avez testé, dites-nous si ça fonctionne ou pas, qu'on n'essaye pas pendant 15 jours pour rien. Et puis comme ça, ça vous mettra en jambe avec les beaux jours qui arrivent, etc., etc. Donc on va aller chercher un petit, on doit bien avoir un maître ruban qui traîne. Bien sûr. Afin de faire, on le fera jour par jour notre tour de taille et on verra si ça fonctionne ou pas. Juste pour la petite anecdote, on a un ruban, bien sûr, qui traîne. Christophe s'amuse à se mesurer la bite. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Exactement. Bah oui. D'où on l'a retrouvé, effectivement. Voilà. Ah bah très bien, parfait. Bon, Mickaël, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? D'imitation. D'imitation, c'est-à-dire? Bah en fait, moi je kiffe ce que vous faites des fois, parce que moi je suis grand fan de canulars téléphoniques. Ouais. Et je fais beaucoup de canulars téléphoniques. Attends, on est des professionnels, nous, on n'est pas des... Donc je suis un professionnel, croyez-moi. Ouais, mais alors, donc, c'est-à-dire, explique-nous plus en détail. Bah en fait, j'aimerais essayer de me faire connaître dans ce domaine-là, malheureusement, je n'y arrive pas trop. Ah, je croyais que tu disais, je voulais me faire connaître dans ce domaine-là, malheureusement. J'ai pas très bien compris. Et donc, je voulais des conseils, quoi, comment faire pour me faire de la pub, des trucs comme ça, parce que je suis doué, quoi, je suis pas mal d'imitations, Carlo Ancelotti, Franck Dubosc. Attends, Carlo, il y a deux, il y a toujours deux versions des imitateurs. Il y a le mec qui est ridicule, qui sait rien imiter, donc c'est là, il est ridicule, et le mec qui est bon. Voilà. D'accord. Et bon, bah écoute, je pense qu'un petit démonstration. Une petite démonstration, évidemment. Lequel? Ah bah je sais pas, meilleur. Attends, ouais, celui que tu imites le mieux. Fais-nous rêver. Bonjour, Franck Dubosc, qui est ton idole. Comment tu vas, Véronique? Alors Sandy Kino, énergie. Il y a un peu, mais le problème, c'est le téléphone, en fait. Comme tu veux, tu parles trop fort, du coup, ça sature. Alors, attends, un autre, imaginons Sarkozy. Non, François Hollande. François Hollande, je ne fais pas. Je fais un Ancelotti. Carlo Ancelotti, si vous voulez. Ouais, bon, c'est l'entraîneur du... qui fait, mais... Bah si, c'est l'entraîneur du PSG l'année dernière, du Real cette année. Bon bah vas-y, mais je me souviens même pas de comment il parle. C'est même vrai, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que personne sait comment il parle. Essaye. Bah c'est vrai, le PSG l'a fait deux matchs, Zlatan Ibrahimovic l'a joué pour PSG. Bon, enfin, faire un accent italien, je peux le faire aussi. Ouais, c'est ça, tu pourrais faire n'importe quel accent, on te croirait sur... Bon, alors, est-ce qu'il y en a un autre, là? Déjà, dites-nous si vous avez des idées, qu'on puisse les proposer éventuellement à Mickaël. Le portugais, africain, italien, si vous voulez. Oui, mais nous, on veut des imitations de vraies personnalités, pas de pays. Ouais, c'est vrai. Ah oui, bon, si vous avez des propositions, allez-y, hashtag et Mickaël, n'hésitez pas. Et puis vous proposez également sur le standard, appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va parler de quoi avec toi, Henri, dans quelques minutes de Toulouse. Salut Henri. Salut, ça va? Bien, vous? Bah très bien. T'es un doux, toi? Bah ouais, t'es un peu doux là, Henri. Hein, t'es un peu doux? Non. Ah si, un peu quand même. Vers la fin, non, mais quand même. Stressé, c'est pas pareil. Non, t'es quoi? J'étais stressé. Ah, t'es stressé, c'est pour ça que tu la vois plus aiguë. Ouais, d'accord. On parle de quoi dans un instant avec toi? Alors en fait, j'ai eu une fissure anale. Ah, oh, c'est bon ça. Eh ben parfait, ne bouge pas. Hein. On en parle dans quelques minutes, Henri. On va en profiter pour te rappeler également, pour arranger ce son dégueulasse. Si vous avez déjà eu des fissures anales, enfin des fissures anales même. C'est n'hésitez pas drôle, pas. Mais c'est le nom. Ouais, c'est la fissure en fait, anale. Il y avait le fion fendu, quoi. Exactement. Et bah, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Pour moi, Salma Hayek, elle est trop top bonne. Elle reste ma numéro 1, c'est Philou de Brive. Bah, très bien. Et alors, Anaïs également qui dit je t'en donne un peu bon cul, mais faut venir le chercher. Très bien, bah voilà, comme ça les messages sont passés. Allez, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Bonne nuit avec nous, c'est Mickaël No Limite. On est là jusqu'à minuit, bienvenue. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, ouais, 23h06 sur Fun. Il y a Andréva qui dit je te propose Barack Obama à la ressemblance, pourquoi pas. Boris qui dit moi je ressemble à Leonardo DiCaprio, Salma également, moi je gueulerai Mickaël en bas du studio gratuitement, je serai encore de Paris, je le ferai tous les soirs tellement je t'aime. Oh merci Salma, je te fais des gros bisous. Il y a Ballot également, j'aimerais ressembler à Thibaut des Marseillais. Oh là là. Oh non mais non. Ouais. Mais non. Et Hugo Réo qui dit en fait je voudrais ressembler à Mickaël ou Toff, les beaux gosses. Hugo Réo, il y a un moment je peux te bannir des auditeurs si tu continues à me mettre dans le même panier. Mais oui, il n'y a qu'un seul beau gosse. Ouais, il faut choisir l'un ou l'autre. Bah, et c'est pas moi non plus. Il y a Hugo Non, il y a qu'un seul beau gosse. Il y a Hugo seul, également qui dit fissure anale, le pauvre, mais il s'est fait enfiler à sec. Question de moi, est-ce que tu peux lui poser? Oui, je vais lui poser du coup, tiens. Où est-ce qu'il est? Maintenant je l'ai perdu. Ah oui, il est là. Henri, oui. La fissure. Il y a Hugo qui demandait si tu t'étais fait... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait enculer à sec ou... Non, pas du tout. Ah. Alors en fait, c'est, le problème, c'est quand en fait, tu vas à la selle, donc c'est-à-dire quand tu as chié en gros. Quand tu as chié, oui. Ouais. Parce que je voulais que tu faire du cheval, mais ça aucun rapport. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Quel alors, en fait, si tu veux, quand tu vas aux toilettes, t'as des selles, ça dépend comment ils sont. Donc t'en as qui sont mous, donc comme la plupart du monde, des gens sont mous. Mais pour ma part, ils sont un peu plus dur. Plus dur, voilà. Ah, et du coup, quand tu vas chier, quand tu vas chier, du coup, ça casse. Ça casse. Et donc, oh là moi, là. Ce qui m'est arrivé, si tu veux, c'est que j'y suis allée il y a 3 jours environ. Et du coup, j'étais aux toilettes et quand je me suis essuyé, j'ai involontairement regardé et j'ai vu du sang. Donc du coup, je suis allée voir mon médecin. Involontairement. Et du coup, je me retrouve avec du macrogol. Quoi? Du macrogol, c'est un médicament. Hein? Donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon. Et tu dois faire quoi avec le médoc? C'est une crème que tu fais, une pommade ou une crème que tu dois mettre sur le fion? Ouais, on va dire ça, c'est quand si j'ai mal, il faut mettre de l'lidocaïne. Ah, sympa. T'en as de la chance. De la quoi tu m'as dit? L'idocaïne. Ouais. Mais qu'est-ce que, parce que le plus important dans l'histoire, bon, ok, t'as eu la fissure anale, tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es dit bon, eh ben, je vais le dire à ma mère pour aller voir le médecin. Ouais, figure-toi, j'ai eu très très honte. Et du coup, mes parents m'ont fait mais fallait que tu prennes les médicaments depuis longtemps, le médecin te l'avait déjà dit et tout. Oui. Ouais, mais en fait, le médecin m'en avait déjà parlé. Elle m'a dit si tu prends pas les médicaments, tu vas avoir des hémorroïdes et tout. Tu pensais que t'avais le trou du cul en acier, toi? Non. Maintenant il va se faire mettre une rondelle en titane. Ouais, comme ça. Il est en béton armé là, Oui, bonjour, je voudrais me faire opérer de la rondelle. Je voudrais une résistante, quoi. Oui, c'est ça, une rondelle résistante. Mais tu peux changer les modèles après. Hein. Dites-nous si vous avez déjà eu des trucs comme ça, tiens, comme ça on en parle. Et puis surtout voir aussi comment est-ce que vous en avez parlé aux médecins, aux parents, copains, copines, peu importe. Hein. Toff, tu t'es déjà fait fissurer le fion quoi. Non, jamais le fion. Par contre, une fois j'ai eu des casser le frein. Non, casser le frein. Mais c'était surtout les couilles. J'avais une couille qui me faisait archi mal. Et donc, moi je n'osais pas aller voir le médecin. Ça y est, j'ai baissé mon pantalon et lui montrer mes couilles. Et puis, bon, au final, j'y suis quand même allé. Et puis, le moment où il te les prend en main, qu'il commence à te les palper, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et que t'as la gaule? Non, quand même pas, mais ça m'a pas... Bon, c'était une doctoresse... Ça aurait pu, mais là c'était un vieux médecin chaud, m'a pas excité du tout. D'accord. Et bonsoir Christophe, allez sors-moi ta couille. Et le mec il me dit ouais, prenez de l'aspirine, ça va passer. Ah, tout ça pour ça. Ouais, je me suis dit putain, je suis allé montrer mes couilles à ce mec juste pour qu'il me dise de prendre de l'aspirine. C'est plutôt lui à plaindre. Hein. Oh, je sais pas qui était le plus à plaindre dans cette situation. Pop. Si, ça l'était, je pense, ça l'était. Clairement. Et toi, Sandro, jamais eu de... Non, pas encore. tu t'es pas encore fait analer? Non, encore. Jamais eu de fissure? Non, par contre, j'ai très très peur d'avoir des hémorroïdes un jour. Bah, ça, j'ai plein de, ouais, de connaissances qui en ont et j'ai. Alors il faut éviter de manger. J'ai peur parce que. Ouais, et boire beaucoup d'eau et éviter de rester trop assis sur une chaise. Mais comment tu peux savoir si t'en as ou pas en fait? On avait un pote. T'inquiète pas, tu le sais. Ah bon? Ah ouais. On avait un pote en commun qui avait ça. Il avait dans le cul et en fait il disait c'est des mais boules. C'est du sang, il y a des boules, ouais, etc. Ça fait comme une boule de. Comme une bille quoi. Ouais. Il avait ça me donne envie de gerber. Ah ouais, bah, bon appétit. Ah, sûr. Ouais, c'est clair. Ah bah, attends, mais justement en parlant de ça, il y a Daniel Routier qui nous avait ramené à manger. Enfin, je pense. Ah, hein, en tout cas, en tout cas, c'est des cadeaux. Fissure anale, Routier, manger. On est bien là. Donc voilà, on est pas mal là. Alors, merci des chocobons. D'accord. Et en plus, on parlait de petites boules au niveau de la luce. Allez, hop, les petites boules pour là-bas. Ouais. Normalement, les stagiaires, ils ont droit à rien. Pour Sandro, des carnons d'ardoise. Ah, bah voilà. Je sais qu'elle aime bien bouffer. Ah, bah c'est oui, mais tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Ah, bah elle est pas dans le détail. Hein. Nickel, vu que t'as maintenant un nouveau chat, j'ai ramené des petits jouets. Oh, putain. Pour le minou. Il m'a rendu ouf. C'est à côté de, c'est après ça, en fait, que tout à l'heure, j'ai expliqué ce con de chat. En fait, quand il m'amène une. Parce qu'il a déjà des petites souris à la con comme ça. Hein. Il m'amène la souris comme un chien. Il amène une balle. Il amène la souris, je la prends, je la lance. Il va la chercher, il revient. Et comme ça tout le temps en fait, c'est juste insupportable. Mais merci pour lui, bah, il sera content. Des souris canaillou. Oh. Eh bah écoute, très bien, parfait. Bon, il va adorer le petit chat. Oh non. Oh non, putain, le siffle. Ah, tu vas être bien avec ça. Oh putain, quelle angoisse. Je te donne une porte à Toff pour voir si tu vas la ramener. Et... Oh putain, ça va être une angoisse totale. Oh là là. Et pour Toff, ah, bah, merci. Un petit. Non, non, non, non, tu me mélanges pas avec cette merde. D'accord, mais je prends tout. Chacun le sien. Alors je vous laisse lire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un permis de se faire sucer. Le contrat de ce permis. Tu veux pas qu'on échange? Moi j'ai le permis de faire caca. Date de. Alors je suis né à Doux. À Doux. Alors le il a le droit de se faire sucer le sifflet. Il pourra se faire téter le poireau à volonté et par qui bon lui semblera. Ah. Se faire manger le polo dans les water, se faire déglutir le laki au bowling, se faire polir le chinois dans un restaurant asiatique et se faire sucer l'esquimau sur la banquise. Aucun refus ne sera toléré sauf gingivite aiguë et herpès au coin des lèvres. Voilà. Oh là là là. Moi j'aime beaucoup le toute personne près de lui durant la séance devra lui passer le papier cul nécessaire, ouvrir les fenêtres et applaudir devant son bel ouvrage. Wow, et quel bel ouvrage. Eh bien je note. Dès ce soir, je chierai dans le bureau. Ah, super, bah, on va être content, tiens. C'est non, parfait. Tu peux pas, y a pas de fenêtre. Ouais, ouais moi c'est pas grave, on va voir. Bah, si, il a dit y a des fenêtres, mais sur le bureau d'à côté. Bah, oui, je mais ne bon. Suis pas sûr que la demoiselle qui est dans le bureau d'à côté soit ravie, soit réceptive. Oui, je ne crois pas non plus, effectivement. Bon, et Sandro, donc chocobon, toi, tu vas bouffer. Hein. Ouais, nous on est gâtés au standard, on a de la bouffe. Ah oui, on a de la bouffe. Ouais. Pour l'équipe, quand même de la picole. Hein. Non, c'est terminé, on est là au régime. Ah, ouais, mais pas, mais c'est du champagne, c'est pas gros ça, champagne. Non, non, c'est du Coteau du Lion. Ah oui, c'est quoi c'est du vin de par chez moi en fait. Ah oui, alors ça fait un peu grossier, oui. C'est sucré ou pas? Pardon? C'est sucré ou c'est sec? Aucune idée. D'accord. Je goûter. Bah écoute, on goûtera, alors on te dira, hein, sans problème. J'ai un tire-bouchon, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Bah c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Bon bah merci en tout cas, Daniel Routier. Hein. Mais de rien. Bah tu reviens quand tu veux. Ça, tu vois, ça c'est. Ça c'est un auditeur. Ils arrivent, pas les mains vides, pépère. Non, on plaisante, hein, vous venez évidemment quand vous voulez. Il y a Maxence qui dit moi j'ai eu un problème urinaire, elle m'a touché la bite, j'ai failli bander, c'est l'horreur. Ah ouais, si vous tombez sur une doctoresse qui est méga bonne, évidemment ça peut foutre les boules. Ça j'avais eu une fois la visite médicale, elle était super bonne. Ah, ouais. Et donc tu sais, on était tous en train de fantasmer sur elle dans la salle d'attente. Et donc forcément quand tu vas la voir, ben bah, t'as la gaule quoi. Ouais. Et elle te regardait avec un petit sourire, elle dit, ah encore un. Putain. Et Léo qui dit je veux sortir avec une fille mais elle non, vous avez des conseils? Oui, passe à une autre Léo, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Pauline qui dit ah pour les imitations, oui on va récupérer Mickaël. Mickaël, t'es toujours là? Oui, toujours. Ah très bien. Bon alors pour les imitations, il y a Pauline qui proposait Elise Moon. Ah Elise Moon, c'est difficile. Bon ouais. Christian Clavier. Comment? Mais il y a un mec que Clavier. Tu sais faire en vrai ou pas? En tant que spécialiste de l'imitation, ouais. Il y a Pauline propose également Christian Clavier. Christian Clavier, oh, c'est difficile un petit peu. Bon, Louis de Funès, non. Louis de Funès. Oh, Louis c'est difficile. Comment? Tu sais faire, là, c'est difficile. Tu sais faire Louis de Funès ou pas? Pardon? Louis de Funès. Ah, Louis de ma biche, c'est difficile ma biche. Ouais, c'est nul. Johnny Hallyday. Que Johnny Hallyday. D'ailleurs, hop, dégage, c'est mort, c'est nul. Quoi? C'est nul, c'est mauvais. Jean-Jacques Goldman. Je te donne. Je sais même pas qui voit là, Jean-Jacques Goldman. Je te donne. Je te donne. Ah, c'est ça l'imitation de Jean-Jacques Goldman? Je te donne. Non, mais Je tiens à vous dire quelque chose. J'avais dit que j'avais des imitations précises. Je ne suis pas imitateur. Ah oui, mais moi je suis pas au courant là. Mais on je vous l'ai dit au début. Mais vas-y. Mais quelles imitations spécifiques on t'a demandé le meilleur que tu peux faire? Bah, l'Afrique, portugais, des trucs comme mais ça. Mais oui, mais non, mais ça, mais non, mais nous, pour moi, imitation, imitateur, c'est imiter des gens, pas imiter un accent. J'ai mis des personnalités, nuances. Je vous ai dit, je sais faire des imitations ethniques. Je vous ai pas dit que j'imitais des personnalités à part quelques-unes. Oh oui, d'accord. Ok. Bah écoute, moi j'ai pas compris ça comme ça, hein. Sans pas t'avoir vu. De quoi? Qu'est-ce que je viens de te dire? Je n'avais pas compris ça comme ça. Voilà. Donc ah oui, bah oui, mais bon, moi je m'attendais à ce qu'on ait des imitations, genre l'imitation de Toff, ouais, tu vois, qui est quand même. Je voulais prendre du boss, mais vous m'avez dit que c'était trop fort. Oui, non, mais c'est parce que c'est dans le téléphone, c'est trop fort. Mais après. Peut-être le refaire comme ça. Je ne sais pas. C'est trop du boss, qui est ton idole. Comment tu vas? Non mais franchement l'imitation n'est pas mauvaise, mais je crois que dans le téléphone à chaque fois ça s'assure. Ah bah je te demande pardon parce que je suis obligé d'hausser le ton un petit peu pour. Mais je comprends. Bah c'est pas très grave. Et tu veux faire quoi du coup dans les imitations? Bah moi en fait je veux m'en servir par rapport justement comme je vous dis, comme je fais des années, quand j'appelle pour faire des canards téléphoniques, je me fais passer pour un restaurant asiatique ou pour les Africains ou les Portugais ou pour n'importe quelque chose, et j'ai envie de percer dans ce domaine-là en faisant des canulars téléphoniques. Bah attends, parce qu'on a Maître Ping qui te dira directement si l'accent asiatique est bon ou mal fait. Bien sûr, bonjour. Mais bonjour Maître Ping. Il y a quelqu'un qui veut vous imiter, Maître Ping. Oui, encore un idiot. Bonjour, écoute. Comment parlez-vous honorable asiatique? Moi j'appelle les asiatiques, c'est ça que je veux te dire tranquillement, y'a pas de soucis. Moi je sais faire l'asiatique. Bien sûr. Y a un peu d'asiatique, un peu d'Afrique quand même, hein. Non, pas du tout. Parce que l'Africain, lui, c'est vraiment comme ça, quoi. Il faut arrêter, quoi, vraiment, hein. On dirait comment il s'appelle, Marc, non, notre auditeur là. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Oui, l'inspecteur Marc. L'inspecteur Marc de l'enquête. Il fait des cluedos. Ouais. Et vas-y le portugais pour voir si t'arrives à imiter le portugais. Ah, tu sais Manuel, moi je m'appelle Manuel, je travaille dans le bâtiment. Je fais les truelles, je fais le bâtiment, je fais tout ce que tu veux, parce que je veux dire ou pas. Genre tous les Portugais travaillent dans le bâtiment. Non, parce qu'en fait, ton erreur c'est que tu prends un peu d'accent de brésilien, portugais brésilien. Ouais. Faut pas mélanger les deux. Non, c'est pas de tout ça. Ah si, je t'assure. Le vrai Portugal est du Portugal. Le vrai Portugais du Portugal. Ouais, on dirait plus un frère du bois. C'est vrai. Alors, est-ce que tu sais faire l'espagnol? Je vais vous dire que... Attends, quand tu fais l'imitation, écarte un peu ton téléphone de ta bouche, parce que comme tu hausses la voix, du coup ça sature, on comprend rien. Je vais te dire que je peux faire l'espagnol parce que j'adore l'espagnol, les clubs de football et les trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Attends, parce qu'on a Garcimore avec nous également qui pourrait éventuellement donner son avis par rapport à ça. Bonsoir. Je peux faire la voix du bébé et la voix du papy. Ah, attends une seconde, Garcimore. Si. Faut la petite souris. Les petites souris. C'est les petites souris. Hola. Hola. Si. Si. Si, c'est hola, les petites souris. Si, la petite souris qui passe sur les champs et partout, quoi. Il les connaît, il les donne les fromages tous les jours. Ah si, d'accord. Le cirque No Limit présente les clowns. Oh l'angoisse. Justement, total. Il paraît qu'il n'y en a plus assez. Ah, oui, bon, bah vas-y pour les bébés, alors vas-y, fais l'imitation des bébés. Attention. Et ben des fois, maman, j'ai pas à l'école parce que j'avais joué à Pokémon. Et puis des fois, je vais courir. C'est pas mal, bébé. Oui, parce que, maman, des fois, et ben pète seul et après, elle revient avec un autre monsieur. Je te mets 1 sur 20. Non, les bébés, moi, c'est pas mal. Non, les bébés, j'aime bien. Bah, donnez vos avis avec le hashtag Mickaël. Et puis, si dans l'absolu, vous êtes intéressé par Mickaël, bah, il est là aussi, hein, Mickaël. Je peux faire le papy. Bah, vas-y. C'est-à-dire qu'en 1884, nous sommes arrivés sur les premières lignes. Moi, je vais vous dire que j'en ai vu passer des gens qui tombaient sur terre. Moi, je vais vous le dire, monsieur. En 1842, on n'avait pas la même mentalité que les petits jeunes cours d'aujourd'hui, monsieur. Non, je préfère le bébé pour le coup, Mais écoute, on garde ton numéro si jamais il y en a que ça intéresse, Mickaël, de toute façon. Y a pas de souci. Bah merci d'avoir appelé, en tout cas je te renvoie chez Sandro. Je peux juste faire un petit coucou? Bon bah vas-y, il y a une seule personne et choisis la bonne. Ah, est-ce que je peux aussi faire, juste faire pour ma page Facebook, Coronet. Bah vas-y, vas-y. MYKRONE2SE, à Nico Bauer, à Olivier Demain et à Gaëtan Manon. Échange ton. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas quand on dit une personne? C'est quand même exceptionnel, ça. C'est le troisième qui comprend pas. C'est tellement exceptionnel de passer à la radio qu'on peut. Ah oui, mais justement, il faut en profiter. Ouais, mais une personne. That's the rule, motherfucker. Oui. Je me suis dit, entre Mickaël, on pouvait s'arranger à l'amiable, quoi. Ah ouais, non, mais je suis un sale con, moi. Ouais, moi aussi, c'est un gros connard. Ah bah ça va alors, on se comprend. Bon, ouais. Salut Mika en tout cas, bonne chance pour la suite, à bientôt. Bisous partout. Ciao, à bientôt Mika, bye bye. Retour avec Bastien et Jimmy qui voulaient nous donner leurs avis par rapport aux artistes. Mathieu également et Henri. Et puis bah vous en direct, hein, appelez-nous, n'hésitez pas. On est là sur Fun Radio, on va se faire également le match d'impro dans quelques minutes. Principe est très simple. Eh bien, vous passez l'antenne avec nous, on cherche un garçon et une fille. On va vous donner un thème. Et il va falloir tout simplement improviser sur ce thème pendant une à deux minutes. Et évidemment, il y a un petit plus que je vous raconterai dans quelques instants. Ah, voilà, un petit plus également quand même normal. On va également se prendre le tour de taille puisque nous sommes en plein régime et nous avons trouvé une nouvelle astuce pour perdre du ventre, avoir un ventre plat rapidement. Donc on va tester ça en 15 jours pour voir si ça marche. Voilà, on verra. Donc pas histoire de kilos ni quoi que ce soit, vraiment l'histoire de poids. Voilà, l'histoire de tour de taille. Ouais. Voilà, on fait ça dans quelques minutes et avant ça, eh ben on va se faire un bon vieux son, tiens. Oh, il va être bien. On va se mettre bien avec le son des connes. Lonely. Ah ouais. Lonely sur Fun, il est 23h21, allez bonne nuit, on est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël No Limit sur Fun. Mais je vais le remettre du coup, je vais parler dessus. Hop là, voilà. Allez, à tout de suite. Ah, il passe toujours bien, hein, le petit Econ avec Lonely sur Fun. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et parce que je suis pas un enculé, rien que pour Polo, je remets un petit bout. Comme il sait qu'il aime bien le début. Il l'adore, il m'a dit, j'adore, ouais, la dernière fois, en fait, ça lui a... S'il a baisé une meuf là-dessus, ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont... il se remémore, quoi. Ça fait, c'est vieux, ça fait les années 50-60, j'adore. Voilà, bon bah on l'a écouté, on va pas le remettre deux fois non plus. Hein. Il y aura dans quelques minutes le son de Black Pearl également avec Rebel. Et si vous voulez écouter un son en particulier, bah demandez, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez le principe, hashtag et Mickaël. Vous balancez tous vos messages en direct sur Fun Radio et puis on lit tout ça, hein, comme là Thomas qui a envoyé son message, je participe avec vous au régime. Ah cool Thomas, c'est gentil ça. Et ce putain d'ordinateur qui marche de nouveau plus. Oh là là, alors je vous explique, on a un ordinateur qui déchire tout, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes, faut le redémarrer parce que la souris ne marche plus. Donc je redémarre et je relirai vos messages dans quelques secondes. Bon alors du coup, on va mesurer le tour de taille, hein. Ouais. Bah allons-y. Eh bah allons-y alors, bon, qui commence? Bah je veux bien. Bon, allez. Alors qui... Oh, qu'est-ce que c'est que ce ruban de merde? Oh, il est moche. Tes rubans de tinois. Ah, c'est ruban chinois. Bah, oui, merci, c'est Maître Ping. C'est gentil, Maître Ping. D'autres de rôle les trois. Bah, ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est pour ça, alors, très bien. D'autres de rôle les trois, comme ça, vous pouvez en cater un ou deux. D'accord, ok. Ah bah, oui, parce que quoi, Toff? Il y a les maîtres et derrière, il y a quoi? Il y a un côté, t'es en maître, de l'autre côté, t'es pouce. Ah, c'est les pouces. 104 de tour de taille. Dis donc, t'es gros mon cochon, hein. Ah ouais, je suis gonflé. Ah ouais, t'as des bonnes années. C'est l'hiver ça, hein. Bah c'est ça, hein. Alors attends, je fais un tour du mien et là je vais faire 110. Et on va voir. Ah non, 93. Ah c'est bien. Ah ouais, pas mal. Si je tire un peu. Non, pas abusé, 93. Ouais, faut garder. Alors, non, le but c'est de faire le tour, mais pas serré. Non, ouais, c'est ça, parce que c'est ce qui est juste, quoi. Voilà, de toute façon, faut se garder du mou, quoi. Bon, est-ce qu'on note le truc là? 104, 93. Et pour Toff, alors attention. Allez, 200. Non, voilà. Et Sandro, c'est pareil, comme par hasard. Ouais, bah alors. Eh bah tiens, mais elle va y passer aussi, faut pas croire. Hein. Elle est partie aux toilettes pour chier tout ce qui lui est. Moi, je suis à 100. Ah, c'est pas mal. Ah putain, je suis maigre. Ouais, t'es maigre, Mike. 94, dis donc, c'est bon ça. Mickaël, j'ai plus maigre de l'équipe. Bah, j'y croyais pas. Et le plus costaud, le plus beau gosse, mais c'est normal en fait. Sandro, sans gros. Oui, bah ça serait bien qu'on soit une équipe sans gros, tiens, ça serait pas mal. Bon, bah on fera le tour de taille dans quelques minutes. Ah, Sandro, viens ici. Tour de taille, t'es sérieuse là? Allez hop, tour de taille, on y va, c'est parti. Pour l'instant, c'est moi qui suis number one. Je ne suis qu'à 94. Si Sandro est plus large, je peux rigoler. Non, je crois pas, je vais dans le cul là, je pense. Alors 71. Bah oui. Ouais. 71, ouais. Encore. Oh, ça va, hein. Non, ça va, c'est cool. Non, ça va. Ouais. Hein. Attends, c'est quoi les tours 90, 60, 90? Ouais. Ah ouais, bah il faut perdre 10 encore, hein, de tours de taille pour être dans le top. 90, 60, 90. Ouais, mais moi le tour de taille ça va, ça me dérange pas trop. Ah d'accord, ok. Fesses cuisses. Ouais, fesses cuisses. Non, mais il faut que je muscle. Faut que tu muscles. Ouais. D'accord, ok. Bon, bah, muscle un peu, alors très bien. Et Toff, ce gros, il fait 100, hein. Ouais, je fais 100 quand même, hein. Quand ouais, même, hein. Polo 104, ouais. Numéro 1 du gros. Ouais, mais je suis plus musclé. Non, mais. Ouais, c'est vrai. Non, mais regarde. Ouais, ouais. Je suis plus balèze que Toff. Ouais, mais on a mesuré le ventre, hein, pas les ouais, épaules. Ouais, bah, ouais, oui, mais c'est non, mais même. C'est pour ça que ça se voit moins chez Polo. Ouais. Parce que, comme justement, il est plus balèze d'au-dessus, ouais. Du coup, le fait qu'il ait un peu de bite, ça se voit moins. Ouais, ça se voit un peu moins. Mais j'ai une petite bite, hein, je vous rassure. Bon, et donc on verra au fur et à mesure, et on verra en faisant cette espèce de régime bizarre là. Si en 15 jours, déjà en une semaine, de toute façon on mesurera tous les jours, hein, pour voir si effectivement ça a plutôt tendance à diminuer ou plutôt tendance à augmenter. On doit boire de l'eau avec l'eau tiède avec du citron. Eau tiède, citron ou alors un thé vert au citron, voilà le matin. Pas de produits laitiers. Pas de produits laitiers, il faut éviter les desserts, ouais. Éviter les cocktails, machin, etc. Qu'est-ce qu'il faut manger de l'asperge? Alors ça je peux vous dire, j'annonce, je le fais pas, hein, que ce soit clair, je ne mange pas d'asperge, c'est dégueulasse, je déteste ça. Si vous voulez, je vous fais des asperges à la flamande. Non, c'est super bon. Essaye, on verra. Et pas de chewing gum, ouais. Il faut boire de la flotte. Hein. Ouais. Éviter donc tous les coca, tout ça. Manger des ananas parce que ça apparemment ça bouffe la graisse, ça aide à la digestion. Okay. Je crois qu'on a fait le tout. Hein. Manger lentement, ça c'est le plus dur. Hein. Et on a le droit de manger du pain ou pas? Et rien n'est indiqué, donc j'ai envie de dire oui, et puis pas de dessert. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Et on y va, c'est parti. On y va, on verra demain comment ça se passe. Premier jour demain, on va voir en 15 jours si ça fonctionne. Que les doux se mettent à faire de régime aussi. Voilà, Thomas qui participe, donc ça c'est cool. Et Sushiman qui dit l'accent chinois, il est pas terrible. Alors on sait pas si tu parles de notre ami Maître Ping ou si tu parlais de Mickaël l'auditeur. Stéphanie depuis l'application Mickaël ni limite, no limite qui dit il ne s'est rien imité en fait le gars. Sébastien qui dit moi je voudrais ressembler à Colin Farrell. Ah, oui. Et alors il y a Bastien également qui est avec nous d'Alsace. Salut Bastien. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, Bastien. Alors, toi tu voulais réagir par rapport aux artistes, puisqu'il y avait une meuf qui s'était fait opérer, qui avait claqué quand même 25 000 $ pour ressembler à... Je ne sais plus, comment ça s'appelait encore? Laurence. Ah oui, c'est ça. Jennifer Lawrence. Et donc du coup, elle a claqué les 25 000 $, mais en fait rien, elle ne ressemble toujours pas à Jennifer Lawrence. Et toi tu voudrais ressembler à qui si tu pouvais en faisant une petite chirurgie? Comme artiste, soit Van Damme ou Vin Diesel. Van Damme ou Vin Diesel, ouais. Moi je prendrais Vin Diesel quand même, hein. Ouais, choisir, moi aussi. Ouais. Quitte à choisir. Ouais, ouais. Mais tu veux juste être balèze, c'est tout. Ouais. D'accord, ok, oui, bah voilà, c'est pour ça. En fait, c'est juste parce que t'as envie d'être balèze et c'est pour ça que tu veux ressembler à l'un ou à l'autre. D'accord, ok, non, mais très bien. Attends, il y a aussi Jimmy avec nous là de Lyon. Salut Jimmy. Jimmy. Ah, ah ou un doux. Ah oui. Ah, nouveau ouais. Doux encore. C'est Jimmy Doux. Comment ça va? Bah ça va bien et vous? Bah ça va bien aussi, tranquillement Jimmy. Alors, t'as regardé le foot ou pas ou tu t'en fous? D'habitude je regarde le foot, mais là ce soir j'avais pas trop envie. T'as bien fait parce que Lyon a perdu là, 2-1 face à Saint-Etienne. Je suis au courant. Ah ouais, c'est la galère, enfin bon. Alors, Jimmy, qu'est-ce qu'il y a Bastien? Oui. Bastien, t'as dit un truc? Ah ouais. Ah, il me semblait bien, attention. Hein. Attention. Bon, Jimmy, alors, toi, tu voudrais ressembler à qui, toi, si tu pouvais changer ta tronche? Alors, moi, je voudrais ressembler au chanteur Mika. Mika, pourquoi? Bah, parce que je trouve qu'il est bien roulé, quand même, et puis il est beau, j'ai une belle gueule, c'est un bon chanteur, et voilà. Ouais, alors, c'est un bon chanteur, je suis pas trop fan de sa voix, j'aime pas trop les chanteurs avec une voix aiguë comme ça, bon, après, c'est chacun son style, hein, c'est mon avis. Et puis, mais voilà, après, il fait... Alors, est-ce qu'il est gay ou pas, Mika? J'en sais rien. Il est gay? Il semblerait. Il fait un peu efféminé, quand même, faut dire les choses. Non, hein, il est pas gay. Non, je sais pas. Il est joyeux, on va dire. Bah, peut-être qu'il est bi, je sais pas. C'est un doux, les doux ne peuvent pas, on parle pas de ça avec les doux. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, mais voilà, je sais pas s'il est gay ou pas, et bon, c'est juste qu'il fait efféminé. Alors, il y a des mecs hétéros qui font efféminer et puis il y en a qui sont gays. Mais ouais, moi j'aurais pas forcément choisi Mika. Et en deuxième choix, Jimmy? En deuxième choix, j'ai pas grand monde encore. Moi c'était Mika à 100%. Mais... D'accord, regarde. Et Polo aussi, hein. Ouais, bah justement, c'est marrant parce que personne propose. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Ouais. Bon, bah merci Jimmy, merci Bastien d'être passé tous les deux. Bah, là, vous venez quand vous voulez. Hein. Par contre, Mickaël, oui, je voulais dire autre chose aussi à propos des jeux vidéo de tout à l'heure. Ouais. Moi, si j'avais voulu être dans un jeu vidéo, j'aurais voulu être dans Minecraft. Minecraft, pourquoi? Ouais, bah parce que c'est un monde où on peut explorer, enfin, on peut avoir beaucoup de crafts, du coup, on fait tout ce qu'on veut. Et c'est un monde aussi cool. où on a mué ou pas? Oh, c'est méchant, comment? C'est méchant. Ah, oui, non, c'est je suis un enculé, je me mets une blague. Je me mets une claque, c'est dégueulasse, c'est nul. C'était nul comme van. Jimmy. Non, c'est pour rire, Jimmy. Donc, c'est un monde ou quoi? C'est un monde où on peut franchement faire un peu tout ce qu'on veut, c'est vraiment pas mal. Je suis un pro de Minecraft, franchement j'adore ça. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Ça se joue sur quoi, sur PS ou sur PC? Moi pour l'instant je suis sur Xbox. Sur Xbox, mais je vais bientôt me le mettre sur PC. D'accord. Très bien, et eh ben écoute, mets-toi pépère alors, hein, parfait. Mais merci Jimmy, merci Bastien. Ouais, Jimmy, vas-y encore. Je peux passer une dédicace? Ouais, à une seule personne, choisis la bonne, vas-y. À toutes les personnes que j'ai rencontrées au courant, D'accord, et eh ben le message est passé. Salut Jimmy. Salut Jimmy. Ah non Jimmy, hein, c'est pas le bon, hein, ça c'est. C'est pas le même. Enfin, c'est bien. Allez. C'est bien que t'aies changé de radio pour venir dans une émission où il se passe un truc. C'est bien Jimmy. Ouais. T'as bien fait. Salut Jimmy, et préviens tes potes également, hein, que dorénavant faut plus faire chier écouter des émissions merdiques. Ok. Bon, ça pas roule. Problème. Allez, salut Jimmy. Salut. Ciao à toi, ma gueule. Bye. Bastien, vas-y, dis-moi. Oui. Est-ce que je peux avoir un Pacman? Mais oui, bien sûr. Tu vas retourner chez Sandro, on va te la filer, y'a pas de problème. Enfin, te le filer. Salut, salut. Salut. À bientôt, Bastien. Ciao à toi. Match d'impro dans quelques minutes avec Karine et Hamza. Vous êtes là tous les deux? Ouais, on est là. Hamza qui va reprendre son téléphone parce qu'il a le kit ma libre ou le haut-parleur là, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ah, du coup, ça fait un peu d'écho. Ouais, Hamza. Et Karine également avec nous, là, de Paris. Salut, Karine. Salut. Ça va, Karine? Oui, ça va. Bon, match d'impro dans quelques minutes. Vous êtes prêts tous les deux? Ouais. Ah, moi, je suis chevouillant. Hein. Bon, ça va. j'ai confiance en vous, là. Je pense que vous allez être pas mal, là, je crois. Je pense que ça va être pas mal. Bon, bah, restez là. On va vous donner le thème dans quelques minutes. On va également se faire les appels de Toff, là. Bah, oui, parce qu'il y a un moment, faut y aller, hein. Mais oui. Eh bah, tiens, on y va, c'est parti. On avait appelé pour la Lava Hour qui avait eu lieu hier, d'ailleurs. Bah oui, c'était hier, entre 20h30 et 21h30. Il fallait faire l'amour. Enfin, au départ, c'est parti du WWF qui disait que, voilà, pour la planète, il fallait éteindre tous les appareils électriques de sa maison pendant une heure. Exact. Et du coup, Durek s'est dit, bon, on va en profiter pour faire l'amour à ce moment-là. Donc, du coup, il y avait la Love Hour. Eh oui, la Love Hour. Et donc, on avait appelé et, bah, ça avait donné ça, hein. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant 23h35. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que, voilà, samedi soir, c'est la Love Hour, hein, donc entre 20h30 et 21h30. Et je voulais savoir si, pour l'occasion, je pouvais venir vous faire l'amour. Ah, a priori, non. Non, a priori, ça s'est plutôt mal passé. Bon, on va refaire un deuxième appel, hein. Allez, c'est parti, on y retourne. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, Vous êtes qui? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Comment? Non, je m'appelle Toff. Oui, après? Bah, après, en fait, comme c'est la Love Hour samedi soir, je voulais savoir si c'était possible de faire l'amour à votre femme. Arrête tes conneries. Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est la Love Hour, c'est pour la planète. Oh, c'est ça, c'était pour la planète, c'est pour sauver mais la oui, planète, c'est pour merde. Sauver le monde. Bon, on rappelle. Allez, on y retourne, c'est parti. Eh ben, je vais vous dire un truc, moi. Oui. Vous n'avez qu'à vous faire enculer profond. Oh non, monsieur, pas ça. Ben si, ça va vous faire du bien. Oh non, mais pourquoi espèce de pédé. Oh non, monsieur, pas de ça entre nous. Bon, on l'avait encore une fois rappelé, on va pas rester là, évidemment. Hein. Allez, hop, on y retourne. Allez. Oui, monsieur, vous êtes pas gentil. Ta gueule, connard, va te faire enculer profond. Mais monsieur, c'est vraiment pas gentil de me dire ça. Non, vous êtes un enculé. Oh non, monsieur, c'est pas vrai. Vous êtes une tontouse. Oh non. Ah non. Non, ça n'a, on a malheureusement pas eu de chance, hein. Non, ouais, j'étais très déçu. Ah j'ai, ouais, d'ailleurs, totalement. J'étais obligé de passer cette Love Hour tout seul à me masturber dans mon lit. Une vraie catastrophe. Ah, tiens, il y a Mickey qui dit j'aimerais ressembler de tête Mickaël et de corps Toff. Quoi? Ah, mais Mickey, c'est vrai que j'ai un corps magnifique. T'es pas sérieux? Et Mickey en même temps, déjà, quand on a un prénom de chat, c'est pour rire. Il y a Faustin également qui dit moi, Polo sans la bidoche, mort de rire. Non, sérieusement, un Paul Walker. La petite fée qui dit j'aimerais ressembler un peu à Shaim et un peu à Tal. Ah ouais. Hugo également, Mika est gay, confirmation à 100%, dédicace au fraté d'Azana, et puis Mickey encore qui dit demain je vais tenter le régime donné par Mickaël, je participe aussi, cool. Ah, eh ben participez, envoyez-nous vos tours de ventre, enfin de tours de taille. C'est ça, tour de taille, ouais. Pour qu'on voit un peu comment ça se passe dans 15 jours. Est-ce que tu pourras marquer tes conseils pour perdre du ventre sur ta page? Je vais essayer, en plus ça tombe bien. J'ai pile 2 semaines pour perdre du bide avant les vacances. D'avance merci, eh ben on le mettra. Et Kikou qui dit un homme en costume bien taillé, c'est extra. Oui, mais tu as tout dit dans ta phrase. Bien taillé. Oui. Ah, c'est bien taillé, c'est extra. C'est bien taillé. Bon, alors, Karine, Hamza, vous êtes de retour? Oui. On va se faire le match d'impro. Ah. Le match d'impro donc. Avec vous deux, le principe est très très simple. Vous allez donc être à deux à l'antenne, un garçon, une fille, n'est-ce pas? Ouais, nickel. Comme il a fait beau ce week-end, eh bien, vous allez vous retrouver dans un parc. Voilà, un parc avec des arbres, avec un petit lac, avec un petit, des animaux, des gens, des enfants, des gens qui jouent au foot, etc., etc. Bref. Un parc, ok ? Des pervers. Ouais. Et ouais. Des pervers aussi. Ah oui, non, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Voilà, il n'y a pas d'enfants dedans. Il n'y a que des adultes. Voilà, y a, c'est un, ouais, parc, c'est un parc à adultes. Voilà, c'est un parc interdit aux enfants. C'est un parc interdit total. C'est un peu le bois de Boulogne, mais voilà, voilà, c'est ça. Donc, donc pas d'enfants, je retirerai ce que j'ai dit. Et donc, Hamza et Karine, vous allez faire connaissance, évidemment. Match d'impro, donc. Vous avez le thème, le parc, il fait beau. Et évidemment, faut que ça baisse. Ah oui, oui, il faut que ça défouraille, il faut que ça se met, faut voilà. Voilà, faut y aller, faut que ça s'emboîte. Faut y aller, il faut que ça oui, film de cul, tu fais comme tu veux, mais il faut que ça, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait de l'action sexuelle, d'accord ? Des deux côtés, ouais, hein, il faut pas qu'il y ait un passif, un actif, évidemment. Faut que ça soit actif de des deux côtés. Bon, hein. On y va, vous êtes prêts, vous êtes là, hein, c'est beau, c'est la vie. Ouais. Mmh. Et que ça fourre. Et évidemment, évidemment. Alors attention. Merde. Attends, c'est quoi nouveau le prénom de la demoiselle ? Elle s'appelle Karine, mais après tu l'appelles Karine. Comme tu veux, on s'en fout. Hein. Ouais, tu peux l'appeler Thérèse, c'est pareil. Je vais l'appeler Chouchou, hein, ce sera plus simple. Hein. Tu veux l'appeler comment ? Appelle-moi comme tu veux. Appelle-moi Chouchou. Hein. Appelle-moi Chouchou. Bon, bah tu l'appelles comme tu veux, effectivement, on n'est pas dans le détail. Comment ? On n'est pas dans le détail, vous vous appelez comme vous voulez, ce n'est pas très grave, d'accord ? D'accord. Bon, à la bonne heure. On y va, c'est parti. Nous sommes donc dans un parc. Dans un parc, il se passe quoi ? Eh ben, il y a parfois des abeilles. Ah oui. Voilà. On y va. Salut, ça va ? Ouais, toi ? Ça va, bah je sais pas, je passais dans le coin là, et je suis sur le banc. On peut discuter, ça dort. Il y a des aigles et tout, c'est... Ouais, ouais bah sympa, il fait beau, tout tranquille, quoi. Ah oui. Ouais, mais on devrait faire les choses un peu quand même. Et là, tu viens pourquoi dans le parc ? Tu fais quoi ? Bah, à ton avis, on vient que pour une chose dans ce parc. Hein. Comment ? On vient que pour une chose dans ce parc. Hein. Ouais ? Ouais, ah ouais, mais ouais. Donc Je sais pas, va falloir que tu te déshabilles. Hein. Ce qu'on aille dans un petit coin tranquillou ? Non, là ici, devant les gens normal, il se passe quoi ? C'est un lézard ça. Ouais. Hein ? Moi ça me gêne pas devant les personnes. Ouais, moi ça me gêne un petit peu, quoi. Oh là là. Ouais, je vois, mais y'a personne, loin, c'est un faux parc. Regarde, y'a plein d'animaux là. Des millions, regarde, c'est bon, non ? Y a les oiseaux, y'a tout non, ça. Non, y'a les abeilles, des mouches, des moustiques là. Il y a plein de choses autour. Ah bon, on détend un peu. C'est bon, on va se mettre à l'abri. Hein. Vas-y, Hamza, bah, passe, oui, hein. Vas-y. Vas-y. Vas-y, chauffe-la. Il y a un arbre. Tu vois l'arbre là ? Ouais, c'est bon, juste là, c'est bon. Et là, il y a Rudy, un Hollandais qui arrive avec ses sandales et les chaussettes. Il a de la bedolande ou pas ? Ah, je ne sais pas, faut lui demander. Allez hop, Rudy, entre en scène. Oui, bonjour, je suis Rudy. Ah, Rudy, ça va ? Oui, ça va. Tu crois que ton copine, elle peut sucer mon bite ? Que si toi tu donnes deux Hollandes à moi. Pas tout de suite comme ça, hein. Mais si, comme ça, tout de suite, hein, je le sors ici. Je l'étale et tu prends dans ta grosse bouche. Hein. Non, allez, fais pas la timide. Vas-y, fais pas. Oui, fais pas le timide de toi ici, hein. Mais oui, fais pas la timide, c'est mon ami d'Hollande. Hein ? Je m'appelle Rudy. Ah, mais faut attendre. Ah, non, Rudy, non, attends. Non, mais je peux plus attendre ici, hein. Je suis dur comme un stick, hein. Ah bah t'es dur, toi. Ah oui, ça je suis dur, oui, hein, tu le sens quand même, hein. Ah bah je pense que je vais le sentir, hein. Ah oui, tu vas sentir dans ton pet. Hein, quand tu l'auras bien au fond, que ça remontera dans ton corps. Vas-y, Hamza, la baise un peu, là. Mais oui, moi aussi, je vois. Ah, oh. Bon, allez, moi je propose, on fait un barbecue brochette ici, hein. Un devant, un derrière, okay, et on te fait tourner. Ok. Hein. Bon, tu es prêt ? Faites bien, fille, un dinosaure. Bah, on s'en fout, on est occupés, nous, hein ? Bah ouais. Allez, moi, je préfère le train pour là-bas. On mais va allez, haut, écoute, là. tu vas... Plus loin. Karine, monde, tu vas taire toi-même, tu vas prendre mon bite dans ton bouche et tu vas bouffer mon gland. Hein ouais. Hop, terminé. Voilà, on arrête là, on arrête là. À vous de voter maintenant, les auditeurs. Là, vous avez encore le temps de la pub et on revient juste après pour voter. Donc, pour vous, quel a été le meilleur ? Évidemment, on ne compte pas Rudy, juste Karine et Hamza. Pourquoi ? J'étais là comme même. Oui, bah, peu importe. Non, c'est Karine ou Hamza. Vous votez donc maintenant. Pourquoi tu dis que t'es deuxième, Hamza ? Bah Karine Hamza, bah je suis deuxième. Oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, effectivement. Donc vous mettez le hashtag et Mickaël, et puis on va mettre les prénoms, c'est plus simple. Hein. Hashtag et Mickaël, et vous mettez Karine ou Hamza, tout simplement, par SMS, vous pouvez le faire aussi. Envoyez et Mickaël suivi de Karine ou Hamza au 6322, au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Vous restez là tous les deux, Karine Hamza, restez là. Ouais, toujours là. Eh bah très bien, on va continuer à parler avec Henri aussi, hein, qui a sa fissure anale là. Et puis on va revenir avec vous toutes et vous tous sur Fun Radio, bougez pas de là, on revient juste après ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit, sur Fun Radio. Oh, merci Drakid qui vient de m'envoyer une photo... un screenshot d'un post d'une meuf. Alors je l'ai mis sur le Facebook, allez voir parce que ça vaut le détour. C'est Maïlise, une meuf qui dit: je veux un copain qui soit sauveteur en mer, je trouve ça trop classe. À quel moment tu dis tiens, je veux un mec qui soit ça ou qui soit ça? Bon, tu peux vouloir un blond, un brun, enfin tu vois, mais je veux un mec sauveteur en mer. Et il y a un mec qui lui dit tu dis ça parce que t'es un ton. Ouais, c'est ça. Donc allez voir facebook.com/Mickaël officiel. On fera également un polo contre le reste du monde, ouais, comme chaque soir à la fin de l'émission. Si vous voulez participer, si vous voulez participer à cette grande émission qui ne dure certes que 5 minutes, mais avec un animateur à votre écoute, un animateur psychologue, un animateur qui vous conseille, qui vous aime et qui est là pour vous. H24. Et ça c'est beau. Appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Soyez donc les bienvenus, il est 23h49. On fera le top tweetos dans quelques minutes. On aura les résultats avec Karine et Hamza également pour le match d'impro. Et puis si vous êtes branchés sur Fun Radio ce soir, sachez que ce n'est certainement pas un hasard. Vous avez peut-être switché d'une radio où il y a des émissions de merde pour venir chez nous, et vous avez bien fait. C'est Mickaël No Limit, 20h minuit le dimanche, 23h 2h la semaine. Et on écoute Black Pearl maintenant sur Fun Radio, c'est Rebel. C'est Fun Radio avec le son de Rebel. À l'instant, c'était Black Pearl. Allez, bienvenue si vous venez d'arriver, il est 23h52 sur Fun Radio. On est en direct comme tous les soirs sur Fun, 20h minuit le dimanche, 23h 2h toute la semaine. Avec un message également de Salma qui dit Hamza pour moi, Karine était trop coincée. Pierre qui dit Hamza, désolé si c'est mal écrit. Oui, il manque un H, mais c'est pas grave. Romain également qui dit moi je vote pour Rudy avec son nom de bite dans ton bouche. Oui, mais on ne peut pas voter pour Rudy. Et non. Just c'est également, dommage. Moi c'est Hamza, c'était beaucoup mieux. Anaïs qui proposait Hamza, Alexandre Hamza, Dédé qui dit j'adore l'imitation de Toff dans le jeu de l'impro, il mériterait de gagner sans hésitation. C'est vrai. Ah ouais, mais il ne peut pas. Boris qui dit je participe au régime. Ah bah très bien Boris. Ouais. Mickaël, pour ressembler à quelqu'un de bien, il faut avoir la tête de Mickaël, le ventre de Polo et le cul de Toff pour se faire prendre sur la croix de Saint-André. Waouh. Mec, si j'avais cul de Toff, je peux me suicider. Hein. Oh, j'irai peut-être pas jusque là, mais quand même. J'adorerais être un doux, c'est Hugo Rio qui avait envoyé le message. Bah peut-être que tu l'es, on n'a pas encore entendu ta voix. Je rappelle que les doux, ce sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué. C'est ce qu'on appelle un doux. Voilà, c'est un doux. Bon, avant de faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes, on va donc donner les résultats. La finale, donc, hein, Toff, comment ça se passe au niveau du Facebook, des SMS, donc? Bah, c'est Hamza. Oh, oh, oh, la main. Eh oui. Hamza. Eh ben voilà. Non Hamza, c'est pas la bonne radio ça. Ouais, en revanche, hein. Décidément, il y en a beaucoup qui ont changé de station là, c'est bien. Hein? Ouais, mais ça c'est l'expression de chez nous, c'est pas par rapport aux radios. Ah donc même ça il a pompé alors. Ah c'est bon, moi je pensais qu'il avait trouvé ça tout seul. Ah d'accord. Mais non, okay. Vous écoute tous les soirs. Ah mais c'est bien Hamza. Moi je pensais, ah, tu sais. Ah bah donc alors tout alors, hein, non, je pensais qu'il y avait un truc original mais en fait non. Bon mais d'accord, eh bah écoute Hamza, bah bravo à toi, félicitations. Tu vas repartir avec le casque qu'on va te filer maintenant là, casque DJ Hamza. Ah il en frappe. Eh bah écoute avec plaisir, il est super beau. C'est le Spirit, merde à chaque fois j'oublie. Le Focal. Oui, casque Focal, voilà exactement. Ça ira plus vite. Eh oui, ça vaut bien cher. Spirit One. Hamza le Spirit One. Je pense, hein, j'ai évité, hein. Eh ben voilà, Hamza, tu vas retourner chez Sandro. Tu vas voir, il est classe, il pète le classe. Et il est bien classe. Il y a moyen de faire des dédicaces ou pas? Allez, vas-y Hamza. Mais pas une seule, hein. Bah s'il y a une seule, sinon je reprends le casque. Vas-y, c'est bon, bah dédicace à Jackpot, Pito, l'envoi et tout. Eh ben voilà, terminé. Eh ben il a perdu, c'est dommage, Hamza, il était bien parti. Salut Hamza. Non. Ah si. Ah bah si. Ah bah si. Salut Hamza. Non, faut me passer Sandro, standard. Oui, mais je vais te la repasser, t'inquiète pas. Salut Hamza. Ok, salut, ciao. Ciao à toi. Karine, bon bah désolé, hein, prochaine fois. Hein. Ah pas grave. Bah oui, tu reviens quand tu veux Karine, hein, je te fais des bisous. Ok, Ouais, ok, moi de même. Salut Hamza. Salut Karine. Karine, je t'embrasse. Ciao à toi, bye bye. Bye. Mathieu également pour terminer. Salut Mathieu de Montpellier. Salut, ça va, toute l'équipe? Eh ben oui, comment va le Montpellierin? Ça va, puis qu'avant fait que je viens de Montpellier, mais je suis d'Allemagne, mais j'appelle Montpellier en ce moment. D'accord, mais c'est une chose qui arrive, c'est très bien. Regarde, moi je suis de Bruxelles, je travaille à Paris, donc c'est très bien. Par contre, on ne comprend rien, Mathieu. Je sais pas ce qui se passe avec le téléphone ou avec le standard. Tu voulais parler de quoi? Ah, parce qu'on parlait de la fissure au cul. Oui. Comment faire, chez vous, c'est ça? Évidemment. Non mais Mathieu, t'es sérieux là avec cet accent là? Je comprends rien. On dirait un accent chinois. Je viens de Pascal et je veux comme dire, je viens d'Allemagne et je voulais parler des fissures de la queue, des pros qui craquent souvent. Toi tu viens d'Allemagne. C'est pas l'accent allemand ça. Toi tu viens d'Allemagne, moi je suis. Et tu as mangé le saucisse des Frankfurt? La saucisse de Frankfurt, d'une grande chartus. Sprachen Sie Deutsch? Et ya, sprachen Sie Deutsch? Le vierton rond de la fille de la ya. Très bien. Très bien. En fait, je voulais baisser la sucre, mais quelle là? C'est bien sûr. Évidemment. Évidemment, Mathieu. Bon, oui, cela dit. Sarkozy. Eh, Henri. Oui, Sarkozy, pipi, oui. Sarkozy, pipi, oui. Sarkozy, on lui met le vous voyez que la ville est loin, lui, pour la santé. Il est très très loin, lui. Hein. Ah oui, complètement, ouais. Bon, hey, Henri, j'espère que Mathieu t'aura bien aidé, Henri. Bien sûr. Ah oui, certainement, ouais. Bon, ben Mathieu. Voilà, tout à fait, Mathieu. Bah, merci d'avoir appelé, cela dit, Mathieu. Bon, ben Henri. Ouais. Bon, ben écoute, bon courage à toi hein, pour la fissure anale. Hein. Mais ça va bien se passer. Hein. Mickaël, il y a moyen d'avoir un bac? Oui, je te repasse Sandro, tu vas gérer ça sans problème. Un bac? Okay. Un pack. Ah. Un pack fun. Un pack. Ça marche, Henri. Bon, bah, salut, allez, Henri. Bisous, ciao. Ciao, à bientôt, Henri. Bye bye. Bon, on va se faire Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. On aura aussi le top tweetos. Ce sera dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, si jamais vous avez envie, avec le hashtag Mickaël. Il vous reste quelques instants, éventuellement, pour faire changer tout ça, pour repartir avec un sextoy offert par. Passagedudésir.fr. Évidemment, évidemment. Comme Polo à la place de l'enculé, là, la place de Toff, c'est normal. La place de l'enculé, donc que c'est lui qui en parle. Voilà, ouais. Comme tous les soirs, d'habitude, on fait ça en fin d'émission, entre 23h et 2h, on fait ça vers 2h. Polo contre le reste du monde, une émission d'écoute, une émission à votre écoute, une émission qui vous conseille, une émission d'amitié, c'est un peu la famille, c'est la fraternité, c'est la paternité, la maternité, tout est là. C'est vrai. La paternité et la maternité, j'aime bien. Et la fraternité. Et la fraternité. Exactement, tout est là. Et c'est maintenant à votre écoute. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite avec Rudy. Rudy, je t'écoute. Oui, il y a du bonsoir. Bonsoir, Rudy. Oui, voilà. J'appelle ton toit parce que tout à l'heure, j'étais dans un parc. Ouais. Et je croise une madame comme ça qu'elle avait l'air sourde. Et en fait. Les sourdes? Non, chaude. Elle avait l'air. Comment tu dis déjà open. D'accord, elle avait l'air ouverte, ouais, d'accord, oui, vas-y. Oui, voilà. Mais en fait, pas du tout, hein. Elle était fermée comme un huître. Hein. D'accord, et qu'est-ce que tu veux, Rudy, en fait? Parce que je me fous un peu si de tes huîtres, là. Attends deux secondes, Vincent, je t'écoute. Oui, bonsoir, Polo. Ouais, vas-y, parle, Vincent. Tu vois, je veux pas te tenir la main, non? T'as passé un bon week-end, Polo? Ça te regarde pas, Vincent, casse-toi de là. Émilie! C'est Emile, bonsoir Polo. Ah, excuse-moi, la voix est un peu fluette, Emile. Hein? T'as passé un bon week-end? Tu t'es pris à 7 bits? De quoi? T'as passé un bon week-end? Et toi? Très bien. Qu'est-ce que t'as dit en loose day là? T'as dit un petit truc là, ça m'a pas plu, Emile là. T'es pris à 7 bits? Fais attention, espèce de doux, va. Moi, les doux, je rigole pas avec les doux, moi, je tape dans le doux, moi. T'as compris? Allô? Emile? Oui. Bon, vas-y, réfléchis deux secondes. Monsieur le directeur, je vous écoute. Oui, Polo, avez-vous passé un bon week-end? Bah écoutez, classique quoi. Les très fans, bien. les... Enfin voilà. Eh bien moi, très mauvais. Pourquoi, monsieur le directeur? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que j'ai écouté votre enregistrement tout le week-end. Ah. Alors je ne comprends pas, je ne comprends pas. De quoi? Je ne comprends pas cette émission, je comprends pas. J'ai beau chercher, je ne comprends pas à quoi elle sert. Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez de quoi? On comprend rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Écoutez, monsieur le directeur, je sais pas. Je comprends pas la musique qui est en dessous. Ouais. Je comprends pas. Je n'entends rien. Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, monsieur le directeur. Il y a juste à vivre le moment. Rudy, de retour. Oui. En direct de Hollande. Non, je suis pas en Hollande. Hein. T'es où, quoi? Bah, je suis là, je suis à côté. Mais t'es hollandais? Pas du vraiment. Je suis d'Antwerp. Mais ça veut dire quoi, Antwerp? Comment vous dites chez vous? En verse. Ah, non, Anvers, d'accord. Ah, Anvers, oui. Tu es flamand. Oui, oui, oui, bon, oui, oui, oui, oui, oui. Pas le métro, hein, j'ai rien à voir avec ça. Hein. Oui, ok, vas-y, Rudy, vas-y, je t'écoute. Donc je voulais savoir si tu peux me mettre dans le relationnage avec des femmes que je peux mettre mon bite dedans, tu vois. Attends deux secondes, Rudy, calme-toi. Vincent, le retour. Oui, bon, attends, Vincent, calme-toi, respire. Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu allais dire dans ce grande émission, oui, qui est Polo contre le reste du monde? J'ai réfléchi, j'ai t'es trouvé sûr, la question Vincent, intelligente. Vincent, t'es sûr? Ah, je suis sûr. Ouais, bah attends deux secondes, allez, hop là, Émile. Le retour, oui, du doux, tu devrais pas être couché à cette heure-là? Bah, et toi alors? Bah non, mais moi, j'ai le double de ton âge, tu sais, 22 ans et demi. Mais t'en as pas le double. Eh bah si, t'as quel âge toi? 14 ans et demi. Non, t'as 10 ans. Maximum, t'as 10 ans. Non. Bon, tu devrais pas être couché? Non. Pourquoi? Demain, tu vas avoir des cernes, tu vas être fatigué, tout tremblant, là. Non. Avec tes petites mains. Avec ton petit corps, là, tout fragile. Tu vas faire des petits caca, là, tout mou. Hein, Émile? Bah, et toi, alors? Bah non, moi, ça va, t'inquiète pas pour moi. Moi, je suis dur, moi. Monsieur le directeur, le retour! C'est tellement dommage parce que cette émission soit tellement vide, parce que vous avez quand même une voix sexy, une voix qui plaît aux hommes, et je comprends pas pourquoi est-ce que vous bâclez comme mais ça. Il n'y a rien de bâclé, monsieur le directeur. Il n'y a rien, je comprends mais si, rien. Mais je si. Ne comprends rien. Mais monsieur le directeur, mais laissez-moi parler. Oui, mais c'est ce que vous avez la parole déjà trop longtemps. Mais monsieur le directeur, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous avez une voix qui plaît aux hommes, pourquoi vous ne faites pas une émission qui est pour les hommes? Rudy, le retour. Oui, oui, oui. Alors, tu as trouvé du femme? Non. Bah oui, mais moi j'ai. Fais ton annonce, qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y. Ben, alors, voilà, je suis Rudy de Antwerp. Ouais. Je suis donc un peu flamandophile. D'accord. Je fais une Attends, flamandophile, c'est quelqu'un qui est fan de la Flandre. Oui, oui, oui, c'est ça, je vote pour Bart. Hein. Je fais 1m80. Yeah. Je pèse dans le 80 par là. Ouais. Voilà, je porte des sandales avec des chaussettes, une short et une chemise avec des fleurs. D'accord, voilà. Rudy, ok. Bah écoute, si on a de la meuf, on te les passe, ok? Oui, oui, oui, oui. Ok, Vincent, le retour. Oui, monsieur. Bon, t'as réfléchi ou pas? Oui, j'ai réfléchi. Réfléchis encore un peu. Émile, le retour. Oui. Bon, vas-y. Pourquoi Paolo contre le reste du monde? C'est pas Paolo parce que je suis pas espagnol, c'est Polo, P-O-L-O. Polo, oui. C'est les initiales d'un... ça veut dire quelque chose, mais tu... Pourquoi? Je t'entends pas. Pourquoi pas Paolo contre le reste des bites? Émile. Oui. Tu vas retourner dormir, là. Tu vas te reposer car demain, il y a école. Allez, vas-y. Soit tu raccroches, soit je te raccroche à la gueule. Non. Allez, casse-toi. C'est moi qui décide, Émile. Vincent, t'as réfléchi? Est-ce que tu as regardé le... Non. Hop. Allez, Rudy. Oui. Alors, tu as du femme pour moi? Non, il n'y a rien. Tu as pas un peu de moule comme non, ça y a... que je pourrais avaler comme ça? Il n'y a pas de moule, Rudy. Ah oui, mais attends, je croyais ton émission, c'est de l'entraide. Eh ben non, faut croire que non. Allez, on va conclure ce Polo contre le reste du monde. Dernier tour. Monsieur le directeur, conclusion, on vous prie. Bon, écoutez, Polo, je pense que dès demain, il faudrait éventuellement changer un peu le concept de l'émission. Ouais, mais monsieur le directeur... Je crois qu'il faudrait mettre plus de musique. D'accord. Monsieur le directeur. Et, oui. 150 millions sur le Facebook. Oui, alors ça, j'ai vu, effectivement, je trouve ça bravo. Hein, parce que depuis mercredi, là, quand même, on est passé de 0 à 17 millions, de 17 millions à 150 millions, c'est ça beau. Vraiment beau. Non, c'est vrai. Là, il faut quand même vous le laisser. Bon, en revanche, je voudrais mettre plus de musique. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est cette musique de flûte. C'est comme ça. Je comprends pas. Monsieur le directeur, on va y aller. Bon, en tout cas, vive votre émission. Merci. Et n'oubliez pas de faire une émission qui est pour les hommes. D'accord. Merci, au revoir, monsieur le directeur. Vincent? Oui, Polo. Tu reviens demain pour poser ta question. Pas d'accord de soucis. Allez, casse-toi. Et pour terminer, Rudy? Oui. Conclusion, s'il te plaît. Ben, je vais rentrer dans mon caravane. Hein. D'accord, ben écoute, reviens dans la semaine. Si on a de la meuf, on te les passe, promis. Ben je reviendrai parce que c'est dans le sympathique ce que tu fais. Ouais. Je comprends du rien, mais ça a l'air chouette. Ouais, comme c'est ça, un peu... comme tu parlais. D'accord, allez, salut Rudy. Oui, du bonsoir. Allez, bonsoir. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio et on est dimanche. Ah oui, c'est beau. Mais magnifique conclusion, hein. C'est sur Fun Radio et on est dimanche. Et ça fait deux jours que je l'écris la conclusion. Ah bah dis donc, bah ouais, mec. Ça ne m'étonne qu'à moitié. J'ai des auteurs. Ah bah dis donc. Faut pas hésiter à les renvoyer. Hein. Alexandre qui dit j'aurais ressemblé à Quentin Mosiman. Ah bah il va être content, tiens. Karen qui dit attends, c'est quoi ? Je ne pouvais pas répondre à la question. Je veux vivre dans Bob Live. Connais pas. Hein. Et qui coupon qu'il y a un homme en costume bien taillé, ça déchire. Et Megumi qui dit Polo doit kiffer la robe en cheveux de Lady Gaga. Il peut s'essuyer partout. Oui c'est vrai. On en parlait tout à l'heure en effet. Bon, terminons l'émission maintenant. Ouais. Il y a le générique qui va arriver et le top tweetos également. Hein. En voyons maintenant lequel de vous va repartir avec le sextoy offert par jeudesir.fr. Allez, c'est parti, il fallait être l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Et donc on a le top 5 comme tous les soirs. Numéro 5. La petite fée. Numéro 4. Balom. Numéro 3. Anaïs Yvonne. Numéro 2. Hugo Réo. Évidemment. Et enfin, le number 1. Sauf si le number 1 a déjà gagné. À ce moment-là, on verra le numéro 2, 3, 4 et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'est pas encore gagné, évidemment. Vive les sodomites. Qui a déjà gagné, me semble-t-il. Oui. Eh oui, très bien. Bon, et eh ben voilà, bah du coup, on va aller voir lequel va repartir. Donc, avec, eh bien, le sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Il y aura Party Fun dans pas longtemps. Là, il y a Thibaut aussi qui dit moi, ce serait t-shirt et mini-shirt pour ce que je préférerais chez un gars ou une fille. Après, je ne sais pas. Et ça, Yaruka qui dit le style secrétaire avec les petites lunettes et le chemisier avec la jupe, j'aime beaucoup. J'adore. Ah oui, ça c'est vrai. Et Sony Hashtime qui dit lol, les vents que tu prends, Mickaël, sur la vidéo, et t'offre comment il emballe. Ah oui, mais je vais pas dire la fin de ton message, sinon ça va casser la surprise. Oui, c'est vrai. Bon, allez voir que justement, effectivement, quand on n'achète pas, enfin quand on fait pas des vidéos avec des acteurs ou des actrices, évidemment, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. C'est Adèle, un auditeur qu'on avait eu à l'antenne, qui nous avait dit ouais, moi j'ai avec trois questions, trois réponses, j'arrive à emballer une meuf. On a essayé, et bon, ça marche. Et on a essayé. Terriblement bien hein, pour le coup. Donc allez voir la vidéo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Vous pouvez aussi bien entendu sur le YouTube, sur la chaîne YouTube de l'émission, taper MIKAELOfficiel et nous rejoindre. Partagez la vidéo évidemment avec vos potes bien entendu pour qu'ils sachent également que eux aussi peuvent venir écouter une émission le soir et bonne a priori je pense en tout cas on fait au maximum. Bah, je n'irai pas jusque là mais il y a tellement rien en face que dans l'absolu oui. N'hésitez pas donc Mickaël No Limit 20h minuit le dimanche, 23h 2h c'est tous les soirs de la semaine sur Fun Radio. Il y a Dédé le routier qui était passé nous voir également là. Merci Dédé le routier pour les cadeaux hein. Ben merci à vous de m'avoir accueilli. Ouais, ce qui ne va pas faciliter la vie du régime de Sandro là. Pas grave. Même catastrophique hein, le régime. Enfin bon, après l'histoire, qu'est-ce que je vous dise moi. Bon bah merci beaucoup Lydie en tout cas. Mais de rien, je peux faire une petite dédicace. Bah vas-y, hein, à une seule personne. Alors comme tout le monde, vas-y. À ma bite. Dédicace à Clem. Très bien. Parfait. Et puis je vais faire la pub de mon Twitter, bah Dédé, Intarder, Intarder. Très bien. Et je tweet sur Mickaël tous les soirs. Eh ben voilà, vous pouvez le retrouver plus facilement comme ça. Alors pas de problème, ça roule. Merci. Ben merci beaucoup Dédé, tu reviens quand tu veux. Et puis on va se faire le générique de fin, bien entendu, évidemment, avant de partir. Hein. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucé, toi l'enculé. T'es un t'enculé ton nom. Passe un enculé comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Est-ce que t'encules ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici alors? Allez vous faire foutre. Eh oui. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien dans le crâne. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes déséquilibré? Oui, un peu, effectivement, oui. Quel cauchemar! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ta mère a le sucer les piteux de culier, Cotier. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tape te sucer toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux on est des enculés, c'est vrai. Eh oui, merci Lilou, évidemment, on se retrouve demain nous à partir de 23h sur Fun Radio, comme tous les soirs de la semaine, avec des casques focales à vous offrir, avec des smartphones également, les Arcos 45 Platinum. Merci à tous ceux qui ont tweeté, qui ont Facebooké, qui ont même participé à l'émission. Vous avez été très nombreux à passer à l'antenne. Merci beaucoup, merci à Gilbert, merci à Lucky, merci à Axa également, Louis, Andréva, il y avait Sayaruka, Hugo Réo, il y avait Florian, il y avait Tristan, Léo, il y avait Hervé, Sabrina, il y avait Pierre également, Steven, il y avait Virginie. Il y avait Dilek, Darkit, Drakit, pardon, excuse-moi, Steve, Alexandre et tous les autres. Merci beaucoup en tout cas, rencard demain à partir de 23h. Bonne soirée Sandro, profite bien de la dernière journée sans régime. Oui. Hein, avec les bonbons là, hop là. Il en reste bien. Hein. Tof qui va se branler ce soir évidemment. Ah, bah évidemment, faut que j'élimine. Évidemment. Et puis Polo là. Je vais faire des abdos. Ah ben bah, les abdos, il faut très que bien. Je perde ce tour de gras. Le tour de gras, effectivement. Et n'oubliez pas la vidéo, allez partager demain dans le bahut ou au boulot, hein, une vidéo vraie.